Indestar. Bienvenue sur Indestar pour cette spéciale Harry Potter, le oui. jeudi de 21h à 23h. Nous avons un petit bed, c'est la musique du premier Harry Potter pour cette spéciale Harry Potter. Un petit bed and breakfast. Bed and breakfast, effectivement. Le breakfast, on l'a eu juste avant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une spéciale Harry Potter. Je vais parler comme ça parce que la musique est toute douce et j'aime bien. Non, on va parler normalement. Donc moi, c'était dit, vous le savez. Bah pour ceux qui ont l'habitude d'écouter. Ta gueule. Ah, pardon. Alors, comme vous avez pu l'entendre, nous avons Ismaël qui va pas tarder à parler parce qu'il n'a pas de micro. Donc je vais commencer par quelqu'un d'autre, mais je voulais juste lui mettre la pression. Quelle organisation. Alors nous avons Jolan. Bonsoir. Bonsoir, mais t'es toujours là en fait. Toujours là, ouais. Toujours là, toujours debout. Non, c'est pas Renaud qu'on va faire ce soir. C'est donc, pas quoi Renaud, toujours là, toujours debout. Ah, oui, tu sais, il est pas mort. Oui, bah. Pas encore. Non, c'est bon, on arrête. Ça, ok, ok. Donc tu es là pour participer à cette spéciale Harry Potter. Ouais. Tu es fan? Bah fan, non, mais j'aime bien. Non, mais mais je suis là quand même. D'accord. Mais c'est... T'es de quelle maison, toi, juste comme ça, pour ça? Pouce souffle, mais c'est pas à confirmer encore. Pouce souffle. Pouce souffle, ah non. Ça ne laisse pas. Quoi, quoi? J'ai mal entendu. Non, bah, ça c'est pas grave. Donc tu es Pouce souffle. Ouais. D'accord. Et t'aurais voulu être Pouce souffle? Ouais, en vrai. Ouais. Putain. Ouais, c'est clair. Je sens ton incompréhension. C'était pas crédible. Non. Alors. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre. On va passer à Charles parce qu'on ne l'a pas entendu. Bonsoir. Bonsoir Charles. Salut. Ça va? Ça va et toi? Je crois que c'est ta deuxième dans Peck Avenger. C'est ma deuxième, tout à fait. Ouais. Donc je suis content d'être parmi vous. Dans cette spéciale Harry Potter? Ouais, carrément. C'est vrai? Grand fan. C'est vrai? Ouais, des bouquins et des films. Oh. Et t'es de quelle maison toi? De cœur, peut-être Gryffondor, mais je pense plus spirituellement d'un cerf d'aigle. Ah bah ouais, toi aussi t'as pas de chance. Mais ouais, moi aussi, je t'adore. Mais pourquoi? Parce que moi aussi je voulais être Gryffondor de base, mais je suis un putain de cerdeuil. C'est vraiment triste. T'es un rapia quoi. Bah ouais. C'est toi. Non mais attends, ah, c'est vous rapier, avez lu la bio des cerdeuils? Pas du créatif, tout. Créatif, tout ça. Tout pas moi en fait. Mais bon, mais c'est pas très grave. Le Choixpeau fait des erreurs. Hein. Ouais, on va en rediscuter. Ouais. Alors, je pense qu'on va avoir un gros débat sur les maisons. Ça va être marrant. On va faire. Non, pas Cindy. Marguerite. Hello. Comment vas-tu Marguerite? Eh ben écoute, ça va bien toi? Bah ouais. Tout va bien. J'ai mangé de la galette, de la pizza, je suis... On a mangé de la très bonne galette préparée par Teddy d'ailleurs. Non, elle était pas bonne. Elle était pas bonne. C'était une hollandaise, voilà. Je vais à l'hollandaise. Ça avait le goût de cerdaigle. La galette, ça s'appelle une galette hollandaise. Oh, pour de vrai. Waouh. Ce que vous voulez. Dessus, c'est une macaronade, noisette, amande. C'est pour ça que ça goûte. C'était délicieux d'ailleurs. Le coup de pute. C'est méchant pour les Hollandais. Faut pas écouter Cindy ce soir, les amis. Vous êtes Hollandaises, sympa, d'accord. Sachez que les Serpentards, c'est des connards avec vous. Non, mais c'est une blague. Ah, on va pas commencer là. Oh. Si, justement, on commence, les gars. Donc, toi, t'es de quelle maison, Marguerite? Moi, je suis Pouf Souffle. Yeah. Pouf Souffle, encore une. Eh oui, elle a le maillot. J'ai même le t-shirt. Uff les pluf. Hufflepuff. Hufflepuff. Enfin, moi, je disais encore hier soir Hufflepuff. Allez, Hufflepuff, Marguerite. C'est génial. Pouf Souffle au lieu de Pouf Souffle. Oh, là, c'est impardonnable. Moi, je disais pantoufle. Bah, c'est vrai que ça leur correspond bien, du coup. Ça marche aussi. Ceci dit, les blaireaux en chaussons, ça doit être pas mal. Les blaireaux en pantoufle. C'est toujours agréable. Bonsoir Teddy. Bonsoir, on vient de t'entendre du coup. Tu as de bien critiqué Poussou, du coup je t'adore. Mais je t'adore toujours, ne te passe pas. Bon. Toi tu es un cerf d'aigle, si je cerf d'aigle, dans l'âme. Ah, c'est plutôt bien, on est dans la même maison. Mais Gryffondor. On est dans la même maison, mais bon, j'aime pas cerf d'aigle. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ça c'est... Mais parce que Gryffondor, c'est le rouge. Non, moi j'adore ça, j'ai mis une tête. Moi j'aime le rouge. J'aime quand ça saigne. Tu sais, on choisit pas une maison par rapport à sa couleur. Non, c'est ça, pas c'est ça. Raciste. On l'a choisi par rapport à ses valeurs. Ça, c'est raciste. Tu commences mal, toi. Du coup, nous avons Cindy. Oui. Non, oui, elle n'est pas raciste, en théorie. Non. Mais elle est serpentard, en théorie. Si elle est raciste, on est copains, alors. Je suis serpentard, je suis fière d'être serpentard. Tu es fière? Je suis très fière d'être serpentard, et je serais serpentard si j'étais à Poudlard. C'est sûr. Je serais serpentard, j'en serais très fière. T'aimes le vert? Non, j'aimais pas le vert avant, maintenant oui. En vrai, c'est la même pour moi, j'aimais pas trop le jaune avant. Bah quand t'es fan jusqu'au bout et moi ça m'a changé ma perception des couleurs. À mon avis ça t'a pas changé que ta perception, ça t'a changé toute ta vie. De ouf. Mais elle s'est radicalisée. Ouais, c'est ça. Non. Où est ta croix gammée? Elle est passée à l'extrême droite. J'ai la marque. À votre Front National. Hitler. Non, ça c'est sur l'omoplate. Mais oui, tu es effectivement sur l'avant-bras et une marque des ténèbres parce que tu es un mange-mort. Ouais, une mangeuse de ses morts. Des coups en disant désolé, le maître m'appelle. C'est quand même pratique. Ah, c'est cool. Du coup, tu vas pas tuer de gens ce soir? Non, je vais tuer personne normalement. C'est bien. Sauf c'est toi, parce que si tu commences à me faire chier. Ah, tu sais, les néo-nazis, on est tous. Non, je. C'est bon, il y a des résistants dans la place, t'inquiète. Ouais, plus susceptibles que les autres. Non, mais merde. D'accord, ok. Et nous avons bien sûr, j'ai parlé de lui, je l'ai teasé, je l'ai attendu, j'ai râlé, j'ai. Il est arrivé à 20h40. Je l'ai tellement engueulé 20 minutes avant l'arrivée. 20h40, putain. Ismaël, bonsoir Ismaël. Toujours en retard, bonsoir. Ça va, toujours, toujours en retard. Oui, tu es en retard. Enfin, je suis un peu le levé le long du bas, mais des poussoufs, tu vois. Donc tu es poussouf pour le coup. Ouais, malheureusement. Ah. Mais tellement c'est bien. Oh, mon Dieu. Non mais c'est du malheureusement tellement c'est bien. Je vais... En fait je vais chez les gens pas savoir si j'aime ou j'aime pas ce poussouf. Vous verrez à la fin de la soirée. C'est jaune, c'est pouce souffle, c'est moche. Nous c'est stylé, quoi, arrête. Le nom en, en français est pas ouf. Ouais. Bah, il fait fluff là, tu crois. Hufflepuff, Hufflepuff, tête d'œuf. C'est ça, c'est, tu crois que t'es beau. Puff le loup. Enfin ouais. Serre d'aigle. Qu'est-ce oui, que vous parle un aigle, c'est royal, c'est puissant. C'est le truc, tu le craches en parlant, quoi. Je vous autorise à critiquer Serre d'aigle. Je suis Gryffondor dans le. Pouf souf, tu dis le nom, t'as la chiasse. Pourquoi je rigole? Comme vous l'aurez compris, on va critiquer. On va critiquer toutes les maisons ce soir. Donc on va pas mal débattre, à mon avis, sur chacun les sujets. Chacun représente sa propre maison. C'est ça. Dans ton micro? Ah, bonjour à toi, ami. Attends. Je crois que ton micro vient de s'éteindre. Ça, tiens, je te donne mon micro. Ça, c'est parce que t'es serpentard. Je disais, il y a au moins une poussouf qui nous écoute, c'est Bénédicte. Donc vous laissez ma Béné tranquille. On fait des big up à Bénédicte. Oh, voilà. Oh. Bonsoir Bénédicte, si tu nous écoutes, sache qu'on a une nazie. Non, mais c'est ma meilleure pote, donc en fait... Du coup, c'est une deuxième SS. Bah oui. Mais non, mais c'est SS, sans déconner. Ah, bon, puisqu'on est parti sur les big up, je fais un bisou à Sophie, qui est ma meilleure amie aussi, et qui, elle, est Ravenclaw, pour le coup. Et bah Valentin et Gryffondor, il y aura au moins un Gryffondor ce soir. Moi je fais un bisou à ma cousine Victoria qui est fan aussi, archi fan. En fait on fait des big up. Oui mais elle est déjà prise. Hein. Oh. Je peux faire un big up? Du coup je peux. Charles, je fais un big up à Thomas et Anne-Sophie qui se reconnaîtront. Thomas j'en veux pas. Thomas si c'est celui qui justement qui fait partie de Decibel Fusion, le groupe qu'on va passer tout à l'heure. Non c'est pas toi. Oui c'est vrai, parce que toi tu fais partie d'un groupe de musique, alors ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Alors moi je m'occupe plus de la partie communication, mais c'est quelqu'un de ma famille. C'est pas mal, c'est un groupe familial. C'est un groupe familial, et aussi un big up à Gegs, mon meilleur pote. Voilà. Gegs ouais. C'est son surnom. J'ai d'autres ouais. Ouais moi j'ai un truc qui commence par un Z et qui finit par le même. Exactement. Ouais, c'était l'idée. Tu peux lui faire des big up. Ça se peut être bien vu. Qui est-ce qui a fait ça? Qui a fait quoi? Ismaël. Oui. J'ai pas de sort à te lancer tout de suite, j'ai pas ma baguette. Tiens, elle est là. Tiens. Aveugle. Quoi? Ça existe pas. Aveugle. Non, ça n'existe pas. J'aimerais bien un sort pour rendre aveugle les gens, mais bon, voilà. Alors. Ça n'arrivera pas. Dans cette spéciale Harry Potter, on va parler notamment de l'histoire de Poudlard. Oui. Tu vas nous faire un petit speech là tout à l'heure après la musique. Bonjour Dumbledore. Il y a Galen, il va nous parler d'un film qui est. Aucun rapport avec Harry Potter. Non, c'est un petit bonus. Mais sinon, je vais. J'ai en faire, mais tu vas nous parler aussi du 3, c'est ouais, ça? Ouais, je vous parlais du prisonnier d'Azkaban. En animé. En animé? Ouais, ça c'est l'habitude avec PK Avenger. Il y a un animé Harry Potter où, qui fait partie des. Comment ça aurait dû finir. Ah, d'accord. Okay, voilà. Et en fait, tu vois Rogue avec le retourneur de temps qui retourne jusqu'à l'enfance de Voldemort et puis le tue. C'est trop drôle. Ouais, non, mais il est vraiment très drôle ce truc, honnêtement. J'aime pas les animés, mais c'est vraiment très drôle. D'accord. Mais toi, tu vas nous parler du film, du coup, pas de l'anime. Oui, non, je vais parler du film. Ah, d'accord. Et le 3. Oui. Marguerite, toi, tu vas nous parler de tout ce qui est l'aspect commercial, tout l'engouement qu'il y a autour de Potterland. Ouais, enfin, c'est ça. Ça fait, c'est les studios, les décors, toute la partie commerciale, donc les dérivés, les répliques et tout. Et il y en a beaucoup. Ça prend beaucoup j'ai de plein place. Choses, j'ai plein de choses à dire. Ouais. T'imagines Charles même. Oui. Bien sûr. Regardez dans le vide. Non, non, je regardais l'ordinateur, c'est pour ça. D'accord. Mais tu m'as piqué ma baguette. Non, toi, tu vas nous parler d'un livre. Je vais vous parler en particulier, du quatrième tome, La Coupe de Feu. La Coupe de Feu, ouais. Mais je vous parlais sa aussi... coupe de cheveux était très horrible dans le film. Ah ouais, putain. Ouais. Dans, dans le livre, c'était pas top, pas. Ça faisait un peu Beatles, effectivement. Ouais, c'est clair. Mais je vous parlais également de toute la saga, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Et un petit peu aussi, vite fait, de L'Enfant Maudit, la pièce de théâtre qui suit... Heureusement que Cindy n'a pas entendu. Et des animaux ? Heureusement que j'ai pas entendu quoi ? Non, rien. Et des animaux fantastiques alors ? Les animaux fantastiques, je ne le connais pas. Oui. Ok. Ce soir, on va pas parler des animaux fantastiques. Oh non, ce serait... Mais alors, non, mais quand, soi, quand la saga sera sortie. Parce que les animaux fantastiques, c'est quand même un univers un peu à part. C'est vrai que c'est un peu différent. Mais bah, c'est quand même dans l'univers. C'est quand même dans l'univers. C'est dans l'univers, mais c'est un peu à part. Ne dites pas qu'on va pas en parler quand même. Bah si, on va en parler d'une manière. On va en parler d'une manière. De cette manière-là, en fait, j'ai posé une question en début de semaine aux auditeurs, en fait, d'Indestar. Yes. J'ai posé une question. Alors, qu'est-ce qu'il faut craindre chez un nundu ? Qu'est-ce qui fait qu'un nundu est dangereux ? Voilà. J'ai posé cette question aux auditeurs. Déjà, c'est un lieu. Le nundu, c'est une créature un peu de type féline, qui a une espèce de grande... gorge de crapaud qui gonfle. Voilà. Bah, rien que pour comme ça, déjà. En fait. D'accord. Mais il est assez classe, en vrai. Il du coup, j'ai posé classe. Cette question aux auditeurs d'Indestar, et les personnes qui m'ont répondu, je vais tirer au sort une de ces personnes, et elle gagnera un beau cadeau, d'une valeur de 40 euros. C'est beau. C'est ouais. Magnifique. Il apparaît par magie. Tu es généreux, Teddy. Je sais. Incroyable. Je donne. Sans jamais recevoir. Et sans jamais sans jamais attendre de recevoir. Et toi, Ismaël, toi, tu nous as prévu quelque chose de fun, je crois. Ouais. On va bien se marrer, je pense. Un jeu, mais alors je sais pas comment on va mettre ça en place parce qu'il faut qu'on soit tous debout en cercle. On va se mettre dans l'open space. Ah, voilà. On va avoir la caméra, on va avoir En la gros, total. Je vais vous laisser aussi une question là pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce soir. À votre avis, que veut dire armor ? De quoi c'est tenu ? Sachant que vous écrivez ar avec deux R et mort comme la mort. Et si vous voulez un autre indice, pensez au IA. Au IA ? Ah oui, ouais, au IA. Toi, tu connais pas, mais Clément de J'ai vu de la lumière, petit big up à toi, si tu nous écoutes. Ou pas. il fait des IA en entraînement pour l'impro. D'accord. C'est un exercice de théâtre, on va dire, mais j'en dis pas plus. Ok, parce qu'on est censé en faire ce soir aussi, c'est ça ? Non, mais ça ressemble un peu. Ah, tu vois, d'accord. On t'expliquera, ça ressemble. Voilà. Est-ce que ça a à voir avec l'armorique ? Pas du tout. Ah, okay. Non, je sais pas si je crois qu'on appelle ça un anagramme ou un truc comme ça. Okay. En fait, c'est un truc très con, okay. Très simple, mais intelligent en même temps, je dois dire. C'est tout moi, quoi. Non, je rigole, hein. Attention, alors, je suis Poussouf, oubliez pas. Je sais pas si c'est tout toi, mais dans tous les cas, on va écouter une musique pour après laisser place à Cindy. Yes. Parce qu'elle fait quand même la moitié de l'émission. Pas du tout la place. Ça, c'est une invitée de qualité qu'on ne paye pas, c'est cool. Ah bah ouais, c'est clair. J'avoue. Manquerait plus que ça qu'on la paye. Je vais demander un paiement. On paye pas les serpentards. On paye pas les serpentards, c'est dommage. Ou alors, on peut te payer en musique si tu veux. Tu peux écouter Palm Shadows de Nexlo. C'est un Nexlo, mais... Ah, ouais, j'ai l'air de Nexlo, là. Non, on aime Nexlo. Palm Shadows, on l'a déjà écouté plusieurs fois dans Peck Avenger. Et franchement, c'est cool. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Je suis tellement d'accord avec ce jingle. Non, je suis pas d'accord. Ouais, avec le jingle, moi je suis d'accord. Par contre, moi je l'entends pas. Je suis pas d'accord avec le bed. Ah, tu veux que je change ? Ok. Je veux du Harry Potter. Ok, j'ai pas de retour. Le jingle, en gros, le jingle disait. Tu as pas de retour ? Peck Avenger, non, on entend rien, nous. Ah bah non, vous avez pas de retour. Un peu de room. Room, Chumble, One Piece. En gros, Cindy, pour te répondre, le jingle en gros disait que le Peck Avenger c'est mieux que les nouvelles aventures d'Aladin. Avec Kev Adams. Ah non ! Ah bah complètement ! C'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais faire un truc, Axio Cindy. Oui. Viens à moi. Non. Oh. Non. Ah non, non, non, non, non. Alors, viens dans moi. On n'est pas sur la vidéo YouTube bizarre avec le Axio. Bah. Non, mais par contre, du coup, ça va être à ton tour. Oui. Là, c'est ton grand moment, tu pourras briller. C'est mon grand moment. Ça y est, lâche-toi. Et je vais faire une petite dédicace parce qu'il est mort il y a 4 ans, le 14 janvier 2016. Merci. À Renaud. Alan Rickman. Oui, l'acteur qui joue Rogue. Et je vais aussi faire une dédicace à Daniel Hugues, qui jouait, qui est morte le 3 janvier dernier. Dans Les Animaux Fantastiques. Ouais, qui jouait la nourrice de Croyance dans Les Animaux Fantastiques 2. On fait une minute de silence ? Non, pas à la radio. Okay. Voilà. C'est pas radiophonique. C'est tout. Mais on fait une grosse pensée à eux et une grosse pensée voilà, à leur famille. Voilà, grosse pensée à l'émission eux. Est dédiée évidemment à eux. Aussi à quand même tous les autres acteurs qui sont décédés aussi. Mais dédicace bon, à ma sœur, voilà, qui est fan fait, de Rogue. Ça fait une grosse... Vous entendez pas ? D'accord. Donc j'enchaîne après, quand même. Oui. Sur une note un peu plus joyeuse, sur... L'histoire de Poudlard. L'histoire de Poudlard, voilà. Comment les Serpenteurs sont devenus des nazis. Alors, comment Poudlard s'est fondé, donc, au Moyen-Âge. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les sorciers étaient légèrement persécutés. Pas du tout. Plutôt les sorcières. Plutôt les sorcières, effectivement, surtout quand elles étaient rousses, gauchères et qu'elles avaient les yeux verts. Et en plus, c'est sexy. Tout à fait mon genre, ça. Et moi aussi. Non, je déconne. T'as le droit. Donc voilà, donc les sorciers étaient chassés, persécutés par les moldus. Donc les moldus, je rappelle, sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Hashtag Salem. Voilà. Et on les appelle autrement aussi. Les non-mages. Les non-mages. Aux États-Unis, en Amérique. Et aux alentours du Xe siècle, quatre fondateurs donc de Poudlard, les quatre plus grands sorciers de l'époque, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, décident de créer un refuge pour accueillir les sorciers et que ce serait aussi un lieu d'études, d'apprentissage et d'échange. Et donc ainsi est né Poudlard. Sauf que... il y a eu quelques petites embrouilles, notamment sur les matières enseignées à Poudlard. Donc les fondateurs voulaient enseigner des matières différentes. Et ils ont donc décidé de créer les quatre maisons. Avant ça, ils donnent aussi une devise. Ah, je suis obligée de citer la devise. Ils se sont mis d'accord pour donner une devise à Poudlard qui est alors, Draco dormiens nuncam titillendus. Je parle pas le latin. Ce qui veut dire... En français. Voilà, en français, ne chatouillez pas le dragon qui dort. Voilà. Et ils donnent aussi un hymne à Poudlard. Et vont donc diviser l'école en quatre maisons différentes qui vont prendre les noms de leurs fondateurs. Donc Godric Gryffondor qui donne Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. Rowena Oui, Helga Poufsouffle. Voilà, wow. Salazar Serpentard. Et Salazar Serpentard qui donne... Tom Médusor. Gédusor, c'est pas Médusor, c'est un synonyme de Salazar Serpentard. Donc voilà. Donc Gryffondor prend pour emblème le lion. Ouais. Pour le courage, la bravoure, tout ça. Et la couleur rouge. Serpentard et la couleur rouge. Et or. J'aime le rouge. Serpentard, donc vert et argent, prend le serpent nazi. Parce que Salazar Serpentard est fourchelant, donc il peut parler au serpent. Serdaigle prend. Alors, il y a un dissensus, on va dire, sur le. C'est pas un aigle, c'est ça, c'est un pigeon. C'est un corbeau à la base, puisque Ravenclaw, ça c'est veut un dire. C'est un corbeau. Ouais. Les serres du corbeau. Donc normalement c'est censé être un corbeau. En français ça a été mal traduit. Voilà, c'est ça, ça a été. Ben non, c'est pas ça. C'est pour la beauté de la langue. Il fallait pas que ce soit cerf corbeau, ça fait moche. Ça fait cerf d'aigle. Pour la beauté. Qui de est langue. Beaucoup plus. Classe. Pigeon, c'est pas mieux. Hein. Mais l'aigle n'est pas un symbole d'intelligence contrairement au corbeau. Donc pour moi, Ravenclaw, ça reste le corbeau. Mais voilà, bon bref, c'est un aigle en français. D'accord. Ce sera un aigle. Et puis Poufsouffle prend le blaireau. Alors là, me demandez pas pourquoi. À la base, ça devait être un bande de blaireau. Voilà. Mais le blaireau, en fait, ça. Finalement, il s'est dit, je vais mettre un blaireau. Hein, mais le blaireau, ça a une symbolique particulière. Voilà. C'est pas juste un blaireau. Enfin... Oui, non, mais oui, je suis d'accord. C'est pas juste un défendre un huc et plus. C'est le côté chaleur, le côté terrier, le côté famille et convivial. Mais en fait, le ça. Et puis ça aussi, une symbolique particulière aussi. C'est la loyauté aussi. C'est consanguin. C'est l'amitié. Voilà. Ça correspond parfaitement c'est à la maison Poufsouffle. Ensuite, donc, maintenant que les quatre maisons sont créées, comment savoir où va aller tel ou tel élève? Bon, bah là, ils ont réfléchi et Gryffondor a sorti, enfin, Godric Gryffondor a sorti son chapeau, qui est nommé ensuite Chouapeau. C'est vrai, ça? C'est vraiment il a sorti un chapeau et genre, tiens, toi, tu vas faire la sélection. Voilà, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont doté le chapeau de pouvoir magique, qui est donc la légimancie, qui permet de lire dans les pensées. Et donc, le Chouapeau peut lire dans les pensées des élèves et voir leur plus grande passion, leur centre d'intérêt, et c'est en fonction de ça qu'il va les placer dans les maisons. Voilà. Tu es Hitler, bienvenue à Serpentard. Ok, on va pas parler de ça. C'est vrai que 99,9% des gens qui aiment Hitler vont à Serpentard. Et donc le Hitler était Serpentard. Va te faire foutre. Et donc on aurait dû lui donner un chapeau. Le Chouapeau, laissez-la continuer. Laissez-moi parler. Voilà. Respectez-moi. C'est le boycott de la maison la moins aimée. Avant chaque cérémonie de répartition, chante une chanson. Voilà, qui retrace, et oui, ça c'est que dans les livres malheureusement, qui retrace l'histoire de Poudlard, la manière dont a été construit Poudlard, et puis les différences entre chaque maison, pourquoi telle maison, voilà, les caractéristiques en fait de toutes les maisons. Attends, tu dis qu'il y a une chanson au début d'année, c'est ça? Ouais, c'est le chant d'Hitler pour Serpentard. Oh putain! Non, mais les chants allemands de guerre sont très beaux. Voilà. En passant, les nazis sont pas si méchants que ça. Enfonce-toi davantage, vas-y. Par contre, j'en profite en parlant de. Non, pas de nazi, mais de Serpentard. Oui. Quoique. Ce soir, t'aurais pu avoir une collègue si elle t'est pas occupée, je crois. C'est vrai. Elliot de Mescal, qui aurait fait des big ups. Elle est une avant-première. Qui est Serpentard, qui aurait pu prendre cher aussi avec Cindy. En fait. Voilà, tu aurais pu m'accompagner, je suis déçue. Maintenant, elle te laisse tout seul dans ta merde. Comme une Serpentard. Mais il n'y a pas de Gryffondor, donc ça me va très bien. Donc, maintenant que toutes les matières peuvent enfin être enseignées à Poudlard et que chaque élève a sa maison, sachez qu'il y a quand même un tronc commun. Donc, c'est un collège. Hein, donc, voilà, il y a des matières et des options. Donc, un tronc commun et des options. Le tronc commun va comporter... Alors, je les ai notés parce que là, par contre, j'ai pas une mémoire de ouf. Les matières suivantes, c'est mal. Hein, oui, donc, c'est très mal. Métamorphose, mal. Sortilège, potion, histoire de la magie, défense contre les forces du mal, astronomie et botanique. Ça, c'est big up pour les poufsouffles qui sont un peu trop jardinier. Nombreux parmi yes. En troisième année, les élèves c'est choisissent génial, vous avez planté les plantes, deux options. Un minimum de deux options parmi les suivants. Donc, arithmancie, c'est la merde. Divination, bon, bah, c'est avec l'autre folle. C'est la merde. Étude des runes, qui est très compliquée, mais qui est très intéressante. Soit en créature magique avec Hagrid. Étude des moldus, qui n'est pas très bien vue par les Serpentards. Et. Bizarrement. Tiens, étudions les juifs. Désolé, les tchateux, là. Attends, attends. Tu as un problème de micro. Décidément. Encore, mince alors. Eh ben, en attendant. Du coup, je disais qu'il y avait aussi une option qui est rarement ouverte, qui est l'alchimie, parce que c'est très très peu demandé, étant donné que c'est un peu un peu la merde. Pourquoi c'est la merde? Et le cours de pourquoi? Parce que l'alchimie c'est très très compliqué. En fait, c'est une matière qui demande beaucoup d'attention et de rigueur. D'accord. Et c'est une des matières les plus compliquées en fait. Le cours de potion quoi. C'est le corps de potion de l'alchimie, non? Ah non, l'alchimie, c'est la pierre philosophale. Ah, d'accord. C'est le truc qui a niqué l'épisode 1, quoi. Ouais. Et le tome 1. Okay. La quoi? La quoi? La pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. Voilà. Donc, ça, c'était botch. Et donc, on a juste le cours de vol qui est de vol sur balai, je précise, qui est dispensé simplement en première année. Pas de blague raciste, on se retire. Pas de vol de juif. Ismaël, on est-il pensé pour ça? Par ailleurs. Non, c'est bon, j'ai rangé le raciste, il est coincé là. Bah, c'est pas plus mal. Par ailleurs, donc, il est très chiant ce micro. Voilà. Ouais. On a les élèves donc, qui peuvent aussi rejoindre l'équipe de Quidditch. Donc, bon, alors, sachant que le Quidditch a été créé plus tard que Poudlard, hein, mais ensuite, ils peuvent rejoindre l'équipe de Quidditch de leur maison dès la deuxième année, sauf exception hashtag Harry. Hein? Ah, pardon, excusez-moi. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et depuis combien de temps je suis coupée? On a perdu notre technicien. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu nous fais du mal? Rejoindre tout club ou association qui est créé par l'école. Donc il y a les clubs de duel, de bafoule, d'échecs sorciers ou de batailles explosives. Alors, malgré tout, on a les tensions qui s'intensifient sur. Notamment à cause de Salazar Serpentard qui ne veut pas. C'est étonnant. Merci. Qui ne veut pas donc de Némoldus dans l'école. Donc les Némoldus sont des personnes qui sont nées de deux parents donc non magiques. Ouais. Et il ne veut pas enseigner la magie à ces gens-là parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas. Eux des pouvoirs magiques. Donc eux ne sont pas dignes d'être. D'être sorciers selon Salazar Serpentard. Il faut être blond aux yeux bleus pour avoir la magie. À la base, les Malfoy n'ont pas les yeux bleus, mais gris. Ensuite, donc, Salazar Serpentard, non sans raison, va quitter le château, et donc en laissant le libre champ aux autres fondateurs pour enseigner aux élèves qu'ils veulent. Et donc, à partir de 11 ans, évidemment. Et aujourd'hui encore, donc, on a des tensions qui se font, notamment entre Serpentard et Gryffondor, parce que voilà... Mais en fait, ces tensions sont attisées malheureusement par la Coupe des Quatre Maisons, et la coupe de Quidditch, puisque c'est une coupe intermaison à chaque fois, et que ça crée énormément de tensions. Moi, j'ai une autre théorie là-dessus. Oui. Vu que c'est deux mâles, ils se disputent toujours. Forcément. mais en vrai, c'est un fond de vrai, parce que tu vois, c'est Hasard Serpentard, c'est genre, ouais, perfection, on parle fourche langue et tout, faut être des sorciers d'élite. J'ai oublié d'ailleurs de préciser que chaque maison a un fantôme. Oui. Donc oui, on a Nick quasi sans tête. Ouais, alors Peeves est un esprit frappeur, il ne correspond pas à une maison. D'accord. Et c'est pas un fantôme. Tu l'as fondé dans le jeu du 2. C'est un esprit frappeur, c'est pas la même chose. Du coup, c'est pas un humain mort en gros. Non, c'est un non-être qui est créé à partir du chaos. Il est binaire ou non-binaire? Ah, j'en sais rien du tout, faudrait lui demander. D'accord. Peeves, si tu es parmi nous, non, vaut mieux pas qu'il soit parmi nous, parce qu'il se rapproche plus du Pottergeist, donc on va éviter. J'ai pas peur des Pottergeist. On a perdu Murray. Par contre, les maisons ont 4 fantômes, donc chacun réparti dans une maison. Ouais. Nick quasi sans tête ou Sir Nicolas 2. C'est par Ping Pong. Non, c'est pas le 2, c'est le 1. Donc voilà. T'es pas obligé de tout dire. Si, moi ça m'intéresse. Mais si, c'est super intéressant. J'ai envie de savoir à quoi il sert ce type. Ils sont trop intéressants. On a Elena. Pas vraiment. Elena, elle est bien. La dame grise, voilà. Ouais. Qui est, elle, j'aime bien. Fantôme de Serdaigle, c'est normal que tu l'aimes bien du coup. Bah ouais. Et puis on a le moine gras pour. Je connais même son histoire d'ailleurs. Bah, tu pourras nous la dire parce que ça peut être intéressant. Et puis, petite particularité, le baron sanglant qui est un liche de Serdaigle est fantôme de Serpentard. Et le fantôme de Serpentard, c'est Adolf Hitler, je crois. C'est... Je viens de dire que c'était le baron sanglant, merde. C'est pas loin. Adolf était un baron, baron nazi. Je saurais pas te répondre à cette question. Peut-être lié à son histoire, vu qu'il a tué Elena, la dame grise en fait. Et donc, peut-être que dû à ça, ça a fait une trahison au niveau de Serdaigle. Et que vu que Serdaigle et Serpentard sont assez proches au niveau des. De ses valeurs peut-être. Des valeurs, enfin pas forcément des valeurs, mais en fait c'est. Fantôme. Enfin si, c'est assez proche quand même. Il y a quand même des choses généralement, qui se je vois par exemple dans les tests, souvent les personnes quand elles sont, Serpentard, Serdaigle suit de très très près derrière. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Ouais. Moi je sais que ça me fait ça. Mais bon, voilà. Elle a toujours des Serdaigles au cul. J'ai toujours des Serdaigles au cul, mais ouais, mais j'essaye de les enlever, j'y arrive pas, putain, ça me saoule. Comme les chewing gums. Mais voilà, donc je trouve que ce sont deux maisons qui sont quand même assez liées au niveau des valeurs et de la manière dont ils sont abordés en fait. Ah. Oui. Voilà, okay. Donc c'est tout. Si vous avez des questions sur l'histoire de Poudlard. Tu peux refaire la fin, s'il te plaît. Non. Non. Et voilà. Donc t'as loupé tes buses. Je suis devenu le professeur Binz. Révisez vos buses. Non, moi j'ai bien aimé cette petite histoire d'intro Pouglard. Voilà. Idem. On y voit un peu plus, genre le gros lard de Poussouf. Voilà. Je dirais qu'on y voit un peu plus clair. C'est clair. C'était mon grand-père. Ça m'a pas fait de la lumière. Je dis juste que c'était pas juste un gros lard, c'était un prêtre qui a en fait. La raison pour laquelle il est mort, c'est qu'en fait il a réussi à guérir la peste et du coup ils l'ont tué à cause de ça. Voilà. C'est vrai qu'on tue souvent les gens qui sauvent des gens. Mais c'est pour ça qu'il est fantôme. Merci grand-père. C'est pour ça aussi qu'il est fantôme de Poussouf. C'est parce qu'il est vraiment généreux. Papy Hitler. Oui, oui. D'accord. Okay. Voilà. Soit. Contrairement à Serpentard. Ah bah la générosité, c'est pas du tout Serpentard. Ça, je suis totalement d'accord. C'est pas les mêmes valeurs. Pas grand chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Par contre, je connais quelqu'un qui donne beaucoup à ses auditeurs, à ses fans même, je dirais, à notre cher Théo qui, lui, il reçoit. Et reçoit et il donne en quantité. Il adore cet artiste qu'on va écouter, c'est Anna Free. Yes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas sa bio sur le site. Hein. Est-ce que tu sais même qu'il a une citation d'Anna Free chez lui? Ah bon? Et oui, c'est vrai. Et Panina, dans sa salle de studio. Studio, vraiment. Bah, j'avais déjà vu ces posters de. Enfin, non, faut pas le dire. Mais oui, il a des trucs d'Anna Free. Voilà, donc on écoute Anna Free, We Found Love. Comment t'as dit ça? We Found Love. We Found Love. La reprise de Rihanna. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. We found love for no. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Shine a light through an open door. Love and life I will divide. a heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. Oh, oh, oh. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love, yeah. We found love, yeah. We found love, yeah. We found love, we found love, we found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love, yeah. We found love, yeah. Avengers sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo Superman sur Nintendo 64. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. On s'y habitue vite au son fort direct. Les jingles, les tympans. Ils défoncent, mais bon, c'est pas très grave. J'ai perdu de l'audition. Balance man, cadence man, défonce serpentard. On est toujours, comme vous l'entendez en fond. Oh, vous l'entendez celle-là. Ah, je l'adore. Vous reconnaissez? Ah, oui, trop bien. C'est celle-là, c'est dans le 5. C'est dans l'ordre du film. C'est avec Dolores Ombrage. Oui. Enfin, moi, c'est sa musique qui la représente un peu, tu vois. Son main theme. C'est son, comment on dit ? Main theme. C'est son leitmotiv. Yes. Oh là, oui. Les cours de. Ah là là. Ah là là. Bisous, Vincent. On lui fait des bisous. Dolores, j'aime son rage qu'on n'aime pas du tout. Non. Elle est plus détestée, encore plus détestée que Voldemort lui-même. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'elle s'entend trop bien avec la. Je crois qu'elle déteste plus Dolores que Voldemort. Oui, je pense. Mais King a dit que c'était un des meilleurs personnages faits, en fait, par rapport à son côté machiavélique. Ouais. Elle est hyper sadique, elle est dans l'extrême. Ouais. Un des mieux développés, en tout cas, je trouve. Elle est serpentard, elle, non ? Bah si. Oui, bah oui. On nous la fait pas. Foquez-vous, Peter Pettigrew, il est Gryffondor. Mais on s'en fout, c'est un bureau. James enfin, Potter, c'est la punition connaît, sur Harry Potter. Il connaît bien la trahison. Et je ne mentirai plus, je crois, non. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas mentir, voilà. Vais te laisser la parole, Charles, parce que sinon on va pas t'entendre. Tu ne peux pas prendre la parole. Mais bien sûr que si. Non, parti. On te coupe. La lumière est sur toi. Charles, tu vas nous parler des livres, si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Alors, pour commencer, peut-être que Marguerite. Oui. Va nous parler mange des fleurs, du nombre d'ouvrages vendus, mais je vais quand même le rappeler au cas où. Ouais. C'est 500 millions de livres vendus. Alors 500 millions ouais, approximativement. Ça a été mis à jour depuis quelques années ou pas ? Non, écoute, c'est une moyenne. Est-ce que ça prend en compte l'enfant maudit ou pas ? Je ne pense pas. Franchement, je pense que c'est sur les. Eh ben, avec l'enfant maudit, ça fait 500 millions quand même. Moi, j'avais trouvé plus de 450 millions, donc peut-être que oui, ça comprend. Oui, ok. Bon, ouais. Ça, ouais, parce que moi, j'ai trouvé 450 millions. Alors, en fait, si vous voulez, les 7 tomes représentent les 7 étapes d'un deuil par rapport à la mort de la mère d'Harry. Donc, alors, ce qu'on a, c'est que pour la première étape, c'est le choc et le déni, donc ce qui représente l'école des sorciers. Harry à l'école des sorciers. La douleur et la culpabilité pour la chambre des secrets. La colère pour le prisonnier d'Azkaban. Le marchandage pour la coupe de feu. Tu ressens de la colère dans le 3, toi ? Un petit peu quand même, avec Sirius Black. Bah, quand il apprend qu'il les a trahis. C'est très noir, c'est très colérique, tout le monde est énervé, il y a des choses contre les autres. Par exemple, c'est la colère. Hermione qui met une patate à. Ah oui, c'est vrai que c'est non celui-là. Elle est en colère. En même temps, il l'a un peu traité de sang de bourre. Moi, je dis c'est la justice. C'est vrai. La colère et la justice, c'est très bien pour le coup. Il apprend que c'est Sirius. Mais en fait, c'est pas Sirius. Sirius Black. C'est vrai, de ce côté-là, ouais. T'as une explosion de rage, en fait. Il était leur ami. Donc ensuite, on a le marchandage pour la coupe de feu. Alors, qu'est-ce que t'appelles le marchandage? J'arrive pas à voir. C'est quand tu dis je ferai n'importe quoi pour pas qu'elle meure ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. D'accord. Ensuite, en 5, on a la dépression et douleur pour l'ordre du Phénix. Moi, je trouve que c'est le plus profond, le 5. Ouais, l'ordre du Phénix, c'est terrible. Peut-être en livre. Bah ouais, parce que Dolores, je lui mets bien profond, d'accord. Ah bah ouais, c'est lui restant ancré dans la main. Pas que la baguette. Fait bien mal, hein. Là, c'est carrément du tatouage avec l'encre de la plume. Le sang. Moi je vois, en fait les autres pour moi tu vois ils sont familiales, enfantins, et tu vois c'est à partir du 5, c'est aussi familial évidemment. Alors, en vérité, c'est au 5 que ça commence 4. À être sérieux, je trouve. En vérité, ça part à la fin, le 4. Le 3. Je suis d'accord avec c'est oui. Vrai que dans le 4, je suis d'accord, la fin. Il devient plus adulte, et dans le c'est 5, il commence vraiment à être à prendre cher. C'est pour ça que le 5 c'est un de mes préférés aussi, parce que le chiffre 5 c'est mon préféré. Mais tu sais, je fais souvent des associations à la con comme ça, genre les couleurs rouge, Gryffondor. Voilà, pardon. Mais chiffre 5. Ensuite, dans le 6, il y a la reconstruction, la 6ème étape, donc le prince de 100 000. Oui. Et le 7, acceptation, les reliques de la mort. Soit. Alors, ensuite, J.K. Rowling a sorti son œuvre de 97 à 2007, et en 2016, sa pièce de théâtre, L'Enfant Maudit. L'histoire de J.K. Rowling est bien connue des fans d'Harry Potter. En effet, après des années de labeur et de galère, après avoir été même prof de français au Portugal, c'est chiant. Erreur faite. Ouais. On recommence. J'en ai marre d'avoir le micro coupé, ça me saoule. On veut pas t'entendre. Donc, je disais, il y a un magnifique documentaire qui est date de 2001, je crois, qui s'appelle La magie des mots et qui retrace toute la vie de J.K. Rowling, et il est absolument magnifique. C'est cool. Voilà. Mais du coup, tu la vénères en tant qu'autrice Autrice, ça se dit auteur avec un E. C'est plutôt auteur avec un E, ouais. Une auteure. En tant que. Oui, quand même, un petit peu. C'est vrai. Bah, mais juste parce qu'elle a écrit une œuvre, en final. Elle a pas écrit qu'une œuvre. Elle est connue pour Harry Potter, quand même. Oui, est-ce qu'elle a écrit d'autres choses? Un plagiat. Hashtag animaux fantastiques. Elle a écrit d'autres choses, qui sortent totalement de l'univers Harry Potter. Je saurais pas trop sortir les titres parce que je ne suis pas forcément intéressée. Parce que c'est nul. Mais non, franchement, elle a une très très belle plume. Ça vaut carrément le détour. Ça, c'est bien, adulte, enfant, vraiment. Ouais. Et apparemment, c'est grâce à une petite fille de producteur que la saga existe. Tu connais les autres livres qu'elle a écrits? Oui. Alors, je me suis focalisé. Le producteur, il avait une fille, elle a dit. Sur la saga Harry Potter, j'ai pas trop fouillé. Mais non, je te demandais juste comme ça. Okay. Tu pouvais répondre non, ta gueule. Non, ta gueule. Voilà. Alors maintenant, tu es viré. Bonne réponse. Non, alors ensuite, c'est chez Bloomsbury qu'elle peut enfin voir ses livres être édités en 1997 après. De multiples et multiples échecs dans de multiples et multiples maisons d'édition. Ah, ils étaient ils ont été convaincus. Cons. Ils ont été bien cons, et je pense qu'il y en a même qui ont eu des très gros problèmes à refuser la parution d'Harry Potter. Bah oui, parce que ça a été vendu à des millions et des millions. Ah oui, après oui. Bah, en fait, c'est plutôt au niveau financier où ils ont perdu une énorme part parce qu'ils croyaient pas à ce truc. Ils peuvent que se mordre les doigts en fait. Qui était trop vieux pour eux en fait. Ouais, trop vieux, et pourtant. Et pourtant, ça a marché du feu de Dieu. C'est ça. Donc le terme. Le succès devient alors planétaire, et elle se tisse même parmi les 5 plus grandes fortunes de la Grande-Bretagne avant la reine Elisabeth II. Avant, c'est beau. Bah avant, devant. Trop bien. Ouais. Donc Harry apprend qu'il est un sorcier pour son 11e anniversaire lorsque Hagrid vient le chercher afin de l'emmener à l'école des sorciers de Poudlard. En mobylette, on tient. En mobylette. Et sans casque. Tout à fait. Pardon. D'ailleurs, c'est la moto de Sirius Black. C'est ça. Lol. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. D'accord. Et son existence se résume à une maltraitance accrue de son oncle, sa tante et son cousin Dudley. Harry, qui est orphelin, entrevoit alors un avenir potentiellement grandiose, puisqu'au fil de son cursus chez Poudlard, il apprend à dompter et développer ses pouvoirs magiques. Et à très beau synopsis. Dans le 4e opus, la coupe de feu, parce qu'il a une dont je vais vous approfondir un peu plus le sujet. On suit Harry à travers la coupe de feu, la coupe du monde de Quidditch, pardon. C'est un tournant dans la saga car Harry passe petit à petit de l'adolescence à l'âge adulte. Mm. C'est à travers, c'est à Harry plus mature que l'on a affaire, mais aussi à un Harry qui doit faire face au retour de Voldemort et à la mort de son ami Cédric Diggory. C'est dur d'être un pain de mie. Pourquoi un pain de mie? Je suis obligé. Mais c'est mou les pains de mie. J'avais du pain de mie dans la tête là. Ça... Bon. Ne me demandez pas pourquoi. D'accord. C'est donc un opus de plus sombre, plus oppressant et incertain auquel on est confronté pendant tout ce 4e tome. Ensuite, le 5e tome voit une organisation se mettre en place, l'armée de Dumbledore, semblable à l'ordre du Phénix, titre de l'ouvrage pour tenir tête au Mogemort fidèle de Voldemort. J'adore ce passage-là. Cet esprit rebelle, on fait un gang. C'est ça. Et voilà. Et on nique la police. Non, enfin, ouais. Ça, moi, ce que j'aime, c'est quand les deux jumeaux Weasley, donc George et Fred, font leur petit feu d'artifice pendant l'examen. Franchement, et là, tu vois, c'est ce qu'on dit, le comeback. Je regrette l'absence de Peeves. Oui, qui aurait pu aider. Qui se met au garde à vous. Et c'est la première fois qu'on le voit au garde à vous et à l'écoute d'élèves. Et je trouve ça magnifique. Mais Peeves, d'ailleurs, je crois que dans les films, on le voit pas du tout. On ne le voit pas. Il était prévu, mais en fait, ça rendait tellement moche. En fait, c'est surtout ça. Ça faisait tellement moche que du coup, ils l'ont carrément enlevé. Pourquoi mais il y a eu des scènes tournées. Il y a eu des scènes tournées avec Peeves. Parce que Peeves, c'est pas un fantôme. Donc, ils prennent pas la même. Ils pouvaient pas faire comme pour les fantômes. C'est ça. Peeves, c'est un esprit frappeur. C'est un non-être. Alors, on le voit pas dans les films, par contre, non. On le voit dans les jeux vidéo. Ouais, justement, oui. C'est dans le jeu vidéo que j'ai appris dans à le 2, dans la chambre des secrets, j'ai joué sur Xbox. Game Boy Advance. Mais tu le vois, vois aussi sur pour ceux qui jouent à Hogwarts Mysteries ou les mystères de Poudlard, il y est. Aussi. Tu l'affrontes et tu dois le battre. Ah bah non, nous c'est un allié, mais c'est un allié un peu spécial. Il nous donne il donne quoi déjà Dans le jeu, nous on l'affronte, c'est un connard. Nous il nous donne rien. Dans Hogwarts Mysteries, il donne rien du tout, il donne des énergies, Ouais, de l'énergie, voilà. Ça évite de payer. Avec son rire que j'adore, que j'ai dans mon téléphone. Alors ensuite, les deux derniers tomes se focalisent sur la recherche d'Horcruxes. Et à la De quoi D'Horcrux. Les Horcrux. De galettes. Les Horcrux. De Horcrux. Peut-être tu veux préciser. Parle dans ton micro au milieu. Ouais, bah, voilà, c'est juste préciser ce qu'est un Horcrux. Ouais, bien sûr. L'Horcrux, en fait, c'est de la magie noire. C'est marrant, je suis la seule Serpentard, c'est moi qui parle de magie noire. Bah, on est habitué, hein. Comme et, par hasard. Et donc, c'est de la magie noire, donc de très très haut niveau, qui permet de, en tuant quelqu'un, de scinder son âme et de la mettre dans un objet ou dans mettre une personne, un par exemple, ça. Puisque Harry est un Horcrux. Ouais. À son spoiler. Il a pénétré depuis des 2000, années quand même. Depuis 2011. Et puis donc voilà, l'Horcrux, ça permet de mettre une partie de son âme à l'abri, en fait. Et comme ça, quand ton corps souffre de quelque de chose... De mort, par exemple. Par exemple. Ton âme, elle, reste... Vivante. Et te permet de revivre. C'est ça. Bah, par exemple, on a le journal que Ginny... De Géduzor, ouais, c'est ça. Géduzor, dans le tome 2. C'est un Horcrux, effectivement. Qui est détruit par une dent de Basilic. C'est ça. Par Harry. Ouais, dans la chambre des secrets, il plante. C'était assez marrant, d'ailleurs, comme ça. Ouais, c'était... En mode... Ouais, c'est ça. Très bon jeu d'acteur. Bah, c'était des gamins, attends. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est cool à voir. Alors ensuite... Donc, et à la confrontation finale d'Harry et son alter ego, le maléfique Voldemort. Yeah. Ah, on ne doit pas prononcer son nom, je crois. Ouais, je suis désolé. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. J'assume, mais par contre, j'espère que tu ne vas pas faire appel avec ton tatouage à on sait qui. Écoute, il est plutôt de couleur grise, ça veut dire que Voldemort n'est pas mort. D'accord. Ah, parce que sinon, elle serait de couleur rouge. Très bien, bah, je crois que je vais y aller. On en apprend tous les jours. Je pense qu'on peut essayer, de l'appeler... Mais vu qu'elle a pas sa baguette, ça va être compliqué quand même. Bah c'est oui, parce que je l'ai laissé chez moi. Mais je t'ai dit tout à l'heure que c'est parce que moi, contrairement à vous, espèce de moldu, de sang de bourbe, voilà. Le moldu, le moldu, il a deux matraques sur lui. Je peux te dire qu'il y a une des deux qui fait mal. Mais c'est moi je suis capable de contrôler ma magie sans mon baguette, pantalon. Donc va te faire. Contrôler mes deux baguettes. That is not possible. On va arrêter là-dessus. Alors. Les magies anciennes, les magies très anciennes ne sont pas contrôlables avec une baguette. Ouais. Alors. Ouais, je le savais. Si on regarde bien dans les films, Dumbledore, quand il se bat contre Voldemort, en vrai, ils utilisent aussi leurs mains. Oui, oui. Ils font les deux. Les magies élémentaires, généralement, ça peut se maîtriser un peu. Eh oui. Donc, allez-vous faire. Même par la pensée. Mais bon. Donc, même le vois mal Cindy maîtriser le feu. Seule chose qu'elle s'est crachée, c'est du venin. C'est toi qui crache du venin depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est moi, pas dans c'est... les animaux fantastiques, justement, où on Avenger, commence à voir des gens qui n'utilisent... Ou en tout cas, il me semble qu'ils en parlent, non ? Dans Harry Potter, Dans Harry Potter, tu vois aussi de la magie utilisée sans baguette. Ouais, les nains. Non, pas les nains. Les gobelins. Alors les nains. Mais les gobelins, je me suis trompé de spécial. C'est le Seigneur des Anneaux, ça. Il y aura une spéciale Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Oh oui ! Oh non ! Alors là, par contre, c'est moi qui vais être folle. Bah, moi, ça m'intéresse. Spéciale Narnia, alors aussi. Oh, spéciale Narnia, je note. Non, mauvaise idée. Il va y avoir une spéciale. Oh, j'aime bien Narnia, moi. Moi aussi. Et il y aura une spéciale Dragon Ball aussi. Non. Je ne serai pas là. Pas Evolution. Je ne serai pas là non plus. Pour en revenir au gobelin. Dragon Ball Evolution. Au gobelin. Dragon Ball Evolution. On les voit très bien quand ils sont dans la banque de Gringotts, qu'ils ouvrent les portes comme ça, avec leurs petits doigts dans le film. Alors, leurs petits doigts boudinés. Pourquoi tu disais que c'était différent? C'est vrai qu'ils sont très moches. Ce sont des créatures, les gobelins. Ils ont pas besoin, de baguettes étant donné que ce sont des créatures magiques. Ah. Donc ils sont déjà magiques, ils ont déjà la magie en eux-mêmes. Ils sont la magie en fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de baguettes. D'accord. Okay. Avec une fin heureuse mais en même temps tragique, avec la perte d'un frère Weasley et de plusieurs personnages clés de la saga. Ouais. Mais c'est le bien, pardon. Adieu, genre. Et laissera place à la naissance du fils d'Harry et à une pièce de Charles. Oui. Je suis désolé de t'interrompre, mais il y a Aromatic 19 ouais. qui te dit. Plus fort dans le micro, Charles. Alors c'est le micro qui est pas bien réglé. On lui précision. Fait des big up, mais qui est-ce? C'est Mathieu. Je vous présente Mathieu, un de mes meilleurs potes. Voilà. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Aromatic 19. Mathieu. Bisous Mathieu. On critique son pseudo. Bah c'est pas très aromatique sur le coup. Alors en on dirait une herbe. Lui il nous écoute sur Twitch en ce moment. Il est en train de game en même temps, tu vois. Il est sur une en train de play sur. Et salut qui nous dit. On entend bien que. Je joue sur quoi? Si tu me dis Fortnite. Sur LOL. Je pense en général sur LOL, mais sur d'autres jeux. Quel est l'eau parce que bon. T'as aussi Bénédicte qui te dit on n'entend rien. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Mais peut-être qu'il faut peut-être augmenter le son du micro. Micro peut-être. Coucou. Il faut parler dans ton micro. Ah bah c'est toi mais notre technicien est parti. Même moi quand je parle pas dans le micro on m'entend. Je sais pas, est-ce que peut-être on pourrait régler le micro pour qu'on m'entende. Ouais, ça va être fait. Ah, OK, merci. Continue de parler, ça sera je tout je continue ça. De parler et du coup gros big up à Mathieu et puis essaye de pas te faire tuer sur cette game. Voilà. Joue Garen, ça aide. En même temps, Ismaël est là donc il peut pas jouer donc forcément il peut gagner là. Sinon Ismaël te mettrait la misère mon pote. Ouais. Jolan aussi d'ailleurs. Voilà. Tourbillon, voilà, vous voulez que je relise la fin? Mais c'est le bien qui triomphera et laissera place à la naissance du fils d'Harry à une pièce de théâtre, l'enfant maudit. Et du coup, comment s'appelle le fils d'Harry? Le fils d'Harry. Albus Severus Potter. Albus Severus Potter, ouais, pardon. Ouais. J'étais pas là, j'étais juste en train de lire ce qui disait sur Twitch. En fait, la question était pour toi, Charles, mais c'est bien du coup. Du coup, qu'est-ce qu'il raconte encore, Mathieu, si... Alors, Mathieu, aromatique, le truc de plante, là. Ouais. Bonjour, monsieur Plante. Il y a Blade Runner qui nous a dit coucouille. Après, il y a. Blade Runner est juste à côté de nous, c'est Gaëlan. Ah merde, c'est vrai. Ça a beaucoup fait rire Mathieu. Il a mis MDR, il a mis pré-saison, les gars, mais Gold. Ah oui, c'est son classement au jeu, tu vois. Il est bien classé. Pré-saison, il est nul. Bah non, mais pré-saison, mais t'inquiète, mais en fait, il est obligé de recommencer à chaque fois. Heureusement que je suis pas en train de pré-saison Gold. J'attends de voir le palier parce non, que t'inquiète qu'il se démerde bien quand même. D'accord. Ouais. Tu joues aussi au jeu, Charles? Moins cuit, moi, beaucoup moins cuit. Non, et on se calme. Bref. Anyway, on va arrêter de se sucer et on va écouter de la musique. Ok, hein, ok, ça marche. On va écouter The Weeknd avec Troy Sivan. Can feel my face. voilà, mail. Envoie, Jolan, envoie. Mech Avenger sur Indestar, c'est mieux que l'animé Dragon Ball Evolution. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Mech Avenger. Exactement, il est presque 22h, il est 21h59. Du coup, déjà. On va en profiter pour parler d'une fille, d'une amie à Marguerite, Sophie, qui te soutient dans ta misère, pauvre petit serpentard que tu es. Du coup, je lui fais un gros big up parce qu'elle aime bien la fille mimi. Au tatouage là. C'est trop mimi ce qu'elle a dit, donc du coup voilà. Donc Sophie, je fais un gros big up. Mais bon, en même merci temps, tu soutiens les nazis quoi, quand même, doucement. Oh, tout de même. Non, oh, tout de même. Faut pas faire d'amalgame. Pas d'amalgame, mais quand même. Ça vous plaît pour le moment? Vous êtes où? On n'entend plus rien. On n'a plus de vie. D'où il touche à mes. Vilain! Attends! Je suis long du bas, je comprends pas ce qui se passe. Je suis long du bas. Neville, casse-toi! Enfin, Neville, ceci dit, qui a une très très belle évolution en vérité comme personnage. Oui, c'est vrai. C'est un personnage. Fais gaffe où tu marches, mon débat. Un personnage qui a de très très. Ça, c'était Craig et Goyle. Qui a une très très belle évolution. D'accord. Ah, tiens, il y a Blade Runner qui met. Hi, Dolores Umbridge. Ouais, j'aime ça. Yes. On va en profiter que c'est la relance pour faire gagner un auditeur. Oui. Parce que comme je vous l'ai dit, on a lancé un jeu en début de semaine. C'était une question. Si tu peux nous rappeler la question, Cindy. Et on t'entend plus. Ce micro. Oh là là. Ah là là. La technologie même pas. Donc la question. La question c'était. Il s'est éteint juste. Il s'est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie. Ah. attends, mais je vais prendre celui-là du coup. La question donc c'était qu'est-ce qui rend dangereux un Nundu? Ouais, Nundu. Exactement. Et du coup, la réponse c'était un Nundu. Son souffle. Exactement. Un autre Nundu. Et du coup, on va faire gagner un auditeur. Hein? Juste petite question, juste, oui. c'est dans le livre? Alors, c'est dans les Animaux Fantastiques. Ok. Dans le livre, les Animaux Fantastiques. On va faire gagner un auditeur, du coup. Vas-y. La parole est à toi. Alors, il s'appelle Valentin. Mmh. Il nous écoute depuis Angoulême, normalement, si je me trompe pas. Ah ouais, depuis Angoulême. Salut Angoulême. Salut Valentin. Voilà, on fait des big up à Angoulême, du coup, et à Valentin. On fait des bisous. Et d'ailleurs, on va essayer de l'appeler. Hein? Très bonne idée. Est-ce que le Skype va fonctionner? Moi, je sais pas, on verra bien. Alors là, on essaie de l'appeler, ça sonne. Est-ce qu'on l'entend? Là, ça Valentin. Cherche à se connecter pour l'instant. Si tu décroches pas, tu gagnes pas. Valentin, si tu as intérêt de décrocher. C'est moi qui gagne sinon. C'est quoi cette musique? Je sais pas du tout. C'est ça, c'est Skype qui dit que ça, quelqu'un c'est... t'appelle. Ouais, c'est trop génial ce Harry Potter. Que quelqu'un t'appelle? Ouais. Ça, c'est la sonnerie entrante. D'accord. C'est la petite description. Il y a quelqu'un qui nous appelle? Non, ah. Il est en train d'appeler. Ah oui, d'accord. J'adore le petit mélange Harry Potter Skype. Ah, la messagerie. On a la messagerie. Vas-y, la messagerie de Valentin. Non. Ah non, bah non, tant pis. On n'écoutera pas la messagerie de Valentin. Nous avons été censurés. Valentin, on lui laisse pas un message. Alors, oui, bah j'aurais bien voulu. Tu dois être un serpentard. D'appeler quelqu'un. Non, c'est un Gryffondor. La censure aussi, qui est une technique de serpentard, il faut le savoir. C'est vrai. Qu'as-tu envie de faire, Teddy? Non, mais c'est pas grave. On va garder sur Valentin parce que j'ai la flemme de chercher un autre. T'as de la chance, Valentin. Hein? Faut lui faire une petite messagerie là. Petit message. Non, mais sinon je l'appelle de mon téléphone parce qu'en fait, du coup, c'est un pote à moi. Ouais, mais on va pas. Ouais, de ouf! Et, ouais, et on met le haut-parleur, bon, c'est ça? Et on met le haut-parleur. Alors, du coup, on va refaire une sélection. Non, mais c'est bye même bye, si c'est Valentin. Même si c'est un de tes potes, bah tant mieux. Il a gagné. Donc, comme ça, il. Alors, GG à toi, mais t'auras pas de cadeau. Alors dommage. Là, il est en train de te dire sur Twitch que non, c'est moi, Valentin, j'ai pas reçu l'appel. Comment ça, t'as pas reçu l'appel? Vas-y, on essaie de te rappeler. Est-ce que vous est-ce avez que c'est bien bon ton numéro? Mon petit Jojo, bon numéro là. Envoie-nous ton numéro en message privé sur Twitch pour qu'on soit sûr que ce soit bien le bon. Non, mais sinon, je te le donne tout de suite. En fait, je l'ai son numéro. Oui, et au pire, vas-y. Tu nous le donnes. Bon, est-ce qu'on discuterait pas en attendant de quelque chose? Mais on peut très bien parler de quoi, Mathilde? Non, non, attendez. Au pire, on va envoyer la prochaine musique. On l'aura. Ah bon, carrément? Quel est votre perso? Ah, carrément, on censure les discussions intelligentes et les débats. C'est Draco Malfoy. C'est une bonne question. Avant qu'on lance la musique, c'est qui votre personnage préféré? Ah, t'as fait un mélange entre principal et Jolan, c'est qui ton perso préféré? Ron Weasley, moi. Oh, c'est vrai? Un requin avec une voix de seconde main. Moi, c'est Emma Watson. On a dit personnage. Emma Stone, pardon, Emma Stone. On a dit personnage, mais c'est Emma Watson. Mais voilà, moi, Hermione Granger, effectivement, c'est un de mes personnages préférés. Moi, les frères Weasley. Moi, je la trouve. Les jumeaux Weasley. Ah, ça, je suis d'accord. Moi, je l'adore, Hermione, son caractère. J'aime bien Hermione aussi. Ou Tonks. Moi, j'aime beaucoup Tonks. Très honnêtement, je déteste. Les Weasley. Je déteste Hermione Granger. Tu détestes. Mais t'es serpentard! Non, c'est pas parce que. Attends, laisse-la s'expliquer. C'est pas du tout pour ça, c'est parce que je la trouve absolument détestable dans le 1, et ensuite je l'apprécie. Ah. Mais je la trouve absolument détestable dans le 1 et dans le 2. Mais elle est toute petite. Donc voilà. Mais c'est une garce. On a Bene Padfoot qui est absolument insupportable. Je suis désolée, mais ah oui, non, ça je dis pas au début. On a Bene Padfoot qui nous dit que Sirius Black c'est son personnage préféré. J'avoue, il est sérieux. Et nous dit aussi que Béatrix c'est pas mal. Bah, c'est normal. En même temps, Béné, moi, on m'a pas demandé. Béné, j'ai envie de te dire, tu ressembles à Bellatrix, donc de toute manière, tu ne peux pas ne pas aimer Bellatrix. Voilà, je suis désolée. Allez, toi, Cindy, mange-toi deux claques dans la tronche. Toi, Cindy, c'est Draco Malfoy. Draco, oui. Ouais, Draco, j'ai un chien qui s'appelle Draco, on s'en fout. Non, mais tu l'appelles Draco, fais Malfoy. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment un chien qui s'appelle Draco. Et bah, c'est très bien, ça veut dire dragon en latin. Un bon arien. Ma foi. Eh ben c'est un dragon, c'est un petit fox terrier de 3 kilos. Toi, tu peux mourir. Moi, pour ma part, mon personnage préféré, c'est Maugrey Folleuil. Pour ma part, c'est Sirius Black. Génial, c'est bien. Ça change, les gens qui sont tous là avec les personnages principaux. On s'écoute dans cette émission. On n'est pas le bordel, on n'est pas avec tu solide. Oh. Allez, boum. Non, je plaisante. Ismaël, toi, c'est Maugrey... Maugrey Folleuil, ouais. Ouais. Oh, pas mal. Joli. Bien, bien. Kélan, c'est pour son côté, son œil fou. Non, sérieux? Pourquoi du coup? Ouais. C'est, tu sais pas, c'est juste ah, parce que. Vous voulez vraiment savoir, pardon? Bah ouais, bien sûr! Ah, d'accord, merde! Putain, le bon, mec, en fait, il n'en c'est juste tout. Que le personnage est super intéressant en lui-même. Ouais. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que dans les films, après, je sais pas, j'ai pas lu les livres, du coup, shame, je sais, shame, vous pouvez faire la cloche, me fouetter comme Cersei, y a pas de souci. non, je vais encore garder mes pensées. Mais en gros, j'aime bien, en fait, c'est le fait qu'il devienne un petit peu une espèce de cyborg, si vous voulez, ce que je veux dire, avec ses équipements. Mais malgré ça, il dégage un. Une putain d'aura, tu vois, genre, tu le respectes. En vrai, j'ai presque envie de dire heureusement qu'il croise pas Rocket des Gardiens de la Galaxie. Tu m'étonnes. Il aurait plus d'œil depuis longtemps. Voilà. C'est ça. Si vous connaissez la petite référence. Mais passe-moi ton œil. Kélan, bah toi c'est Rocket évidemment. Non. Non, moi c'est Sirius Black. C'est vrai. Ah, je suis pas étonné. C'est vrai qu'il est classe. C'est ça qui fait un peu Black. Moi c'est Kélan. Soit Hermione Granger, soit Tonks. Ça, tu fais un peu Black, J'adore. Comme dans la famille, quoi. J'aime pas son prénom. J'ai du sang Black. Tonks. Alors, c'est pas son prénom, c'est son nom de famille. Bah, c'est vraiment très moche. C'est Nymphadora. Nymphadora, mais elle c'est ne veut cool. pas qu'on l'appelle comme ça. Voilà. C'est qui Nymphadora? Elle n'aime pas. C'est Tonks. Une nymphe. C'est la c'est femme de Remus Lupin. Voilà, t'as failli faire un lapsus. Ah oui, je m'en souviens. Et toi, Charles? D'ailleurs, qui est Remus, les frères Weasley. Les frères Weasley. Oui, tu l'avais dit en plus. Les jumeaux. Si t'avais écouté. Si, si, j'ai écouté, c'est juste que. Il a tellement pas de présence. C'est sympa. C'est sympathique. Ça. Non, c'est que t'as parlé et personne t'a écouté. Mais là au moins t'as tous écouté, n'est-ce pas, Ismaël? Ok, pourquoi? Parce qu'ils aiment faire la fête avant. Attends. C'est okay, qui le personnage préféré de Charles, Ismaël? C'est les frères Weasley, les jumeaux. C'est bien, Ismaël. T'auras... Sauf que du coup, c'est pas un personnage, ce sont des personnages. 5 points pour Poussouf. Oui, mais ils sont un peu indissociables jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui crée. Non, mais c'est eux clairement qui mettent l'ambiance dans toute la saga. Ils sont vachement cool. Ils apportent la touche d'humour. Bah oui, c'est l'humour, c'est la fête, c'est tout, c'est tout. C'est l'épisode 5. C'est Peeves. Ils sont très liés à Peeves dans les. Ils sont trop forts. Ah ouais. Ouais. C'est eux qui ont la carte aussi, la fameuse carte. La carte du maraudeur. Alors, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Voilà. Révèle toutes tes secrets. On va écouter quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Pour la refermer. Et il s'appelle vraiment quelqu'un. D'accord. Et sa musique floue. C'est une cover. Alors, non, un cover. Un cover? Comment ça, un cover? C'est toi le cover. Ouais, c'est toi le cover. C'est pas du tout. C'est pas un cover, on dit une cover. Une cover, oui, je crois. Bah ouais. Non. J'ai toujours dit un cover. Ah bon? T'es sûr? Bon, il y a la team 1, hein. Bah, le pire, c'est que je le trouve même pas sur mon, bon, bref. Mon conducteur. On voit le... Mais c'est pas très grave. Quelqu'un, flou. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, vous êtes avec les PK Avengers dans cette spéciale Harry Potter. Et en théorie, nous avons un auditeur en ligne. Bonjour Valentin. Oui, bonjour. Ah, on ça marche. Super. On t'entend. Alors, tu écoutes PK Avengers avec tout le monde du coup? Oui, je suis là, oui. D'accord, et tu as bien répondu à la question. Et du coup, c'est quoi la réponse à la question? Attends, Cindy va te répéter la question. Quelle est la réponse de la question? Alors, de la réponse la question était, qu'est-ce qui rend dangereux un nandou? Alors, les nandous, c'est dangereux pourquoi? Les nandous. Pour leur souffle, c'est dangereux pour leur souffle. Exactement, c'est ça. Du coup, tu as gagné quelque chose, mais quoi? Est-ce que tu veux... Alors, en petit A, le cul de Guélan. Yes. Il est assez rebondi. Ouais, je te confirme, j'adore. J'en suis fan personnellement. Ou alors, petit B, le cadeau mystère. Le cadeau mystère. Il y a une petite hésitation. Le cadeau mystère d'une valeur de 40€, du coup, qui va plus être très mystère pour longtemps. C'était une, c'est une lampe Harry Potter en forme des reliques de la mort, où que ça reflète la lumière sur le mur. Où que ça reflète. Où que ça, ouais. Où que ça reflète, ouais. Je m'en fous, mon français est bien. On a compris l'idée. Mathieu, a entendu Valentin? Ah oui, c'est génial ça. C'est vrai? T'es content? Ah ouais. Tu veux un cookie? Ah ouais, non, je vous les sens. Cookie, ça sera pour les Star Wars. On ramènera des cookies pour passer du côté obscur. Du coup, je te remercie, Valentin, de nous avoir écoutés. Oui, si t'as compris la référence au groupe Facebook. Les cookies, vous comprenez pas les références? Si. Du côté obscur. Il a pas compris, ouais. Je suis pas les trucs de débiles, désolé. C'est pas un truc de débile, c'est connu. Moi, Valentin, on te fait des gros bisous et tu recevras ton cadeau de la part de Cindy. Moi, à ta place, j'aurais choisi l'autre option. Un serpentard qui fait. J'aurais choisi l'autre cadeau. Hein. Voilà. Non, le cadeau mystère, c'est mieux. Exact. C'est à toi qui vois. Bon, on te fait des bisous. Gros bisous. Au revoir, salut. Valentin. Bisous. Au revoir. Bisous, merci. Au revoir. De rien. De rien. Ah, j'aime faire des mauvaises actions comme ça. Je vais lui envoyer de la merde. Hein. Ça vient de Wish. Tu l'as payé 4€ au maximum, mec. Il va attendre 13 mois, tu sais. Alors, je l'ai quand même acheté au magasin des 3 sorciers, quand même. Ah ouais? Des 3 sorciers, c'était où, ça? À Tours. C'est à Tours. À Tours, il y a un magasin des 3 sorciers. Alors, Tours, Harry c'est dans la région centre, en France. Pour se situer, il y a un magasin qui est ouvert pas loin de la rue nationale qui s'appelle Aux Trois Sorciers. C'est un magasin spécial Harry Potter. Comment casser une référence? J'ai la carte. Exactement. D'accord. Je suis la carte. J'ai la carte aussi dans mon portefeuille. Je suis la carte. Je suis la carte. Et t'es mon frère de carte. Exactement. Voilà. Vous me prêterez vos cartes pour des réducs, les gars? Ouais. Mais ça donne pas de réducs. Si, en fait, je l'ai sous les yeux. C'est qu'au bout d'un certain moment. Cher sorcier, au 10e achat, bénéficiez de 5% de remise calculée sur le montant total de vos achats. Exactement. Wow. D'ailleurs, on fait des petits big up à la personne qui gère les trois sorciers. Oui, et merci à la vendeuse qui m'a donné de très bons conseils pour ma chronique. Exactement. C'est à elle que je pensais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Parce que je la vois toute seule, moi, perso, dans sa boutique. Donc, je pense qu'il n'y a que elle. Donc, voilà. Guélan. Oui, Teddy. Ou plutôt, devrais-je dire Blade Runner 37. 37 ou 37. Baobab du. Ou Boutitu, comme tu dis. Baobab, ça, c'est le surnom de. Bah, tu sais. Ouais, exact. Ça va être ton tour. J'aime bien quand c'est mon tour. Je parle. Tout ça. Non, ça va être ton tour pour autre chose. Ça va être ton tour pour présenter. Alors, tu vas présenter deux trucs. En une rubrique oui. En plus. Bah, là, d'abord, je vais présenter un des films. Ouais. Et ensuite, je vous parlerai du Géant de Fer. Exactement. Ouais, enfin, qui est un film qui n'est pas parti de l'univers c'était, Harry Potter. C'était prévu et mais oui, voilà. Je me laisse l'occasion de le présenter. Évidemment. Merci à toi. Tu m'as prêté ton cul. Non, non, pas tout de suite. Quoi ? Ah, oh, oh, oh, pas on va attendre, fois, hein. Attendre la fin d'émission. Oui. Eh ben vas-y, voilà. On t'écoute. Bah, je vous dis, je vais parler du prisonnier d'Azkaban, tout particulièrement. Mais d'abord, je vais revenir sur le 1 et le 2 qui sont réalisés par Chris Columbus. Et Chris Columbus qui a l'habitude de faire des films avec des enfants, puisqu'il a notamment réalisé Maman, j'ai raté l'avion. Mm-hmm. Dont tu nous as déjà parlé d'ailleurs. Oui, voilà. Donc lui, il a assez l'habitude de réaliser avec des enfants, et je pense pour lui, ça a été assez facile et agréable. Titre. Oui. Pardon. Pour la Coupe de Feu, c'est Mac Newell qui réalise. Donc Mac Newell qui a réalisé entre autres Donnie Brasco, un film avec Johnny Depp et Al Pacino, ou encore Quatre mariages et un enterrement, un film assez connu, d'humour avec Hugh Grant. Sinon, à partir du 5, c'est David Yates qui, je trouve, s'approprie assez bien l'univers. Mais d'accord. Pour ma part, je n'apprécie pas trop le 5. Et tu je sais, on va pas être d'accord, mais ouais. Pour moi. Donne-nous tes raisons, Gaëlan. En fait, pour le coup, j'ai... ça fait longtemps que j'ai lu le 5 et ça a toujours à voir, mais il manque plein de choses. Il manque plein de choses et c'est surtout qu'en fait, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, il y a énormément de choses qui manquent à tel point qu'il y a certaines parties du film qui n'ont pas de sens. Oui. Tu penses à quoi, par exemple? Alors attends, là tout de suite maintenant. Wow, attends, ouais, voilà, c'est compliqué. Wow. Hein. Mais chez pour toi. Il y a des parties du film. Il y a un moment donné où en fait t'as, je sais pas, il y a un personnage qui sort une réplique qui pop comme ça et t'es en mode mais ça vient d'où? D'accord. Il l'a jamais dit quoi. Et tu, bah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait t'as des éléments avant qui ont été supprimés qui sont dans le livre, ouais. Mais qui du coup bah n'ont plus de sens. D'accord. C'est que c'était peut-être beaucoup pourquoi mettre dans le film. Ouais, c'est-à-dire que les bouquins sont tellement complets que. Ouais. Mais malheureusement, c'est celui qui est aussi le plus condensé dans les films. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Okay. Ça aurait mérité deux films. Et en termes de Réa, tu préfères lequel, Alain? Bah, moi, je parle de Prisonnier d'Azkaban, donc celui qui est réalisé par Alfonso Cuarón. Ok. Non, si, j'adore Alfonso Cuarón parce que c'est un vrai cinéphile, c'est un amoureux du cinéma. Alors, il a fait entre autres Gravity, donc je suis moins fan. Faudrait peut-être que je le revoie avec ma vision de maintenant. Ah non, je confonds avec Prometheus, mais ouais. Non. Et sinon, dernièrement, il a réalisé Roma qui est sorti sur Netflix. Il est très fort. Je n'ai pas encore vu, mais qui a l'air d'avoir un esthétique de malade. Donc, là, il est appelé pour réaliser le 3. Qui est sorti en 2004 et qui dure 2h22 minutes. Donc pour faire court, le dangereux sorcier Sirius Black s'est évadé de la prison d'Azkaban après 12 longues années de détention. Son but, assassiner Harry. Pendant ce temps, le jeune sorcier fait sa troisième rentrée à l'école de magie de Poudlard. Harry s'est à peine mis en route pour Poudlard qu'il est attaqué par un détraqueur, un gardien d'Azkaban lancé à la recherche du fugitif. Le détraqueur tente d'aspirer son arme, mais Ron et Hermione, qui veillent sur lui, l'aident à se tirer de ce mauvais pas. On sait tous que c'est grâce à Lupin. Les nouveaux enseignements sur la défense contre les forces du mal ou les soins aux créatures magiques ne seront pas de trop pour aider le jeune magicien à affronter les dangers qui le guettent de toutes parts. Donc pour commencer, les choses à savoir sur le film, je vais commencer par vous lire la note d'intention du réalisateur. Ah, ça c'est cool. Voilà. À travers cette histoire qui nous parle de magie et de créatures fantastiques, se profilent des questions passionnantes sur le passage à l'adolescence. la quête d'identité, les relations avec les amis, l'absence de figure parentale, la recherche d'un mentor. Ces livres évoquent aussi les rapports de classe, l'injustice ou encore le racisme. Autant de sujets qui nous concernent tous à travers le monde. Je suis assez d'accord. Enfin, je trouve que ça se ressent là, bien. Gaëlane vient de me regarder. Là, alors, fais... non, mais parce non, que mais je carrément. Sais que t'aimes pas le... Bah, je alors, pourquoi pas tu ne regardes que les femmes? Déjà, c'est une question. Est-ce que tu n'es pas raciste toi-même, voire sexiste? Ah non, pas du tout. Non. Ah, parce que sinon, ici, t'as des grands défenseurs du féminisme, donc pas moi. Moi. Non, en fait, si j'aime pas Le Prisonnier d'Azkaban, c'est que je trouve qu'il est fait trop routine lycéenne et que ça casse l'univers d'Harry Potter. Ça fait un petit movie, c'est ça. Et je n'aime pas du tout cette déformation de l'univers Harry Potter qui est avant tout un univers de magie. Tu vois ce que tu veux dire. Et de fantaisie, un univers où on peut rêver. Et ramener la réalité comme ça, un univers aussi magique, je trouve ça dommage. Non, je trouve que c'est une passerelle ensuite pour les opus suivants. Je suis assez d'accord. Qui va permettre d'être un univers un peu plus sombre. Bah, parce que pour moi, la bascule, c'est le 4. Les deux premiers, ils ont un étalonnage assez clair. Très collégien. C'est très coloré. Genre pour le 2, je vois un truc vert, parce que bon, ça doit être la pochette du DVD. Mais voilà, je trouve qu'il y a ce côté-là. Et le 3 est pas si sombre que ça non plus. Hein. Le 4 commence à être sombre, avec très beau jeu d'ailleurs. C'est-à-dire, il devient plus sombre. Tu penses à quoi? Tu penses à l'histoire, au jeu d'acteur? De tout, en fait. Parce qu'au niveau de l'esthétique du film, la coupe de feu est très très sombre. Et d'ailleurs, il y a un très très beau jeu de lumière avec le bleu et le orange. C'est magnifique. Le Prisonnier d'Azkaban. Ouais, c'est ça, bleuté un peu. C'est ce qui me plaît. Bah moi je trouve ça dommage. Après ça rappelle Bob Beak. Why not? Non, alors je disais que c'est un amoureux du cinéma aussi, Cuaron, parce qu'il fait des références aux précurseurs du cinéma comme Chaplin ou Méliès, parce que il y a plusieurs séquences qui s'ouvrent avec l'horloge par exemple, avec un iris. Avec un iris? Ouais, c'est un rond qui s'étend. Voilà. C'est pour ça, je sais pas ce que t'en penses, Gaëlan, mais il y a l'horloge aussi. Oui, voilà, ça commence sur l'horloge, qui rappelle les temps modernes un petit peu, le Chaplin. Sûrement. Faudrait le voir. On peut connaître ça comme ça. Ouais. Voilà. Donc, Alfonso Cuarón, il est désireux de travailler plus en profondeur les personnages avec ses trois jeunes vedettes, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Et il leur demande d'écrire sur un papier leur point de vue sur leurs personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Et sur la façon dont ils avaient évolué depuis le début de la saga. Donc il dit « J'eus le plaisir et la fierté de remettre le premier mon texte long d'une page », explique Daniel Radcliffe. Mais le lendemain, Emma me succéda avec une rédaction de 16 pages. Quant à Rupert Grint, fidèle au paresseux Ron, il ne rendit jamais son devoir. C'est étonnant. Ouais, j'avais vu ça aussi. J'ai été fidèle jusqu'au bout à mon personnage. Ron a toujours détesté les études et il aurait certainement trouvé un tas d'excuses pour se défiler, comme je l'ai fait avec le soutien de Dan et Emma. Tel personnage, tel acteur. Ouais. Moi, c'est l'anecdote qui me fait rire. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Ensuite, on a Richard Harris, donc c'est un absent de marque. Non, j'ai un lit, c'est de la merde. D'accord. Tais-toi. La gueule alors. Merci. Coupe pas donc l'interprète du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, dans Harry Potter, l'école des sorciers et la chambre des secrets, c'est Richard Harris qui l'interprète. Richard. Harris. Bah voilà, c'est ce que je dis. Et Richard Harris ne participe pas au troisième puisqu'il est décédé. Donc l'acteur irlandais a succombé à la maladie de Hodgkin. C'est cancer des ganglions lymphatiques. D'accord. Et bah, voilà. Est-ce que c'est mal de dire à quelqu'un de défunt que son prédécesseur jouait mieux que lui? T'aimes pas le nouveau qu'il interprète? Si, justement. Ah. Son prédécesseur. Quelques jours avant la première mondiale du second volet, il est remplacé par son compatriote Miguel Gambon. Pour moi, n'interprète pas aussi bien Dumbledore parce que justement, on perd ce côté paternel. Dumbledore, dans les livres, il est très paternel par rapport à Harry. Parce que je le trouve un peu plus malicieux dans les deux premiers, tu sais. Ouais. Je pense que je vois à peu près ce que Gann veut dire ou ce qu'il peut ressentir, c'est que dans les deux premiers, je trouve justement qu'il est plus éloigné et un peu plus froid même. Alors qu'à la fin du 4, ils sont tous les deux quand même, pour parler de ce qui s'est passé. Ouais. Tu vois cette scène? Oui. Voilà. Oui, je la vois. Est-ce que tu vois? Non, je suis pas sûr que tu vois. De toute façon, ce sont deux acteurs incroyables. Oui, ça c'est. Ah non, mais les deux jouent très bien. Oui. Mais après, c'est dans la façon de faire passer, je pense, les émotions aussi. C'est pas forcément ça, c'est que par exemple, tu vois dans la coupe de feu, quand il va hurler sur Harry parce qu'il a mis son nom à la coupe de feu, bah c'est pas comme ça que ça se passe. Ah oui? Oui, mais ça c'est parce que t'as lu les livres. Quand tu n'as pas lu les livres, justement, c'est ce que je dis, enfin, pour mon point de vue par exemple. Il fait un père. Quand j'ai pas lu les livres sauf le premier, bah du coup, franchement, si je suis là, bah. Ouais, il l'engueule normal, tu vois. Comme il, un père. Là, le rôle du partenaire, je le retrouve. Ouais. Après, bah, peut-être pas ça, vraiment ça d'accord va, avec toi. Pas autant, j'ai pas lu les livres. Ouais. Mais pour le coup, je suis. Mitigée. Ouais, je suis plutôt mitigée en fait, parce que. Comment dire. À la fois, oui, c'est un peu le rôle d'un père de. Bah, forcément, de l'engueuler, mais en même temps. En même temps, je trouve qu'il y a, il y a toujours cette espèce de malice, et puis surtout avec la révélation de fin, on se rend compte que tout ce côté paternel qu'on voyait, en fait, finalement, c'était qu'une façade, en fait. Même si à la fin, tu peux te dire, ouais, bon, finalement, il était, il a quand même une certaine relation avec lui, mais il y a beaucoup de. C'est un grand manipulateur. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un grand manipulateur, mais il faut savoir aussi que Dumbledore, s'il fait ces choix-là, c'est aussi pour protéger un peu Harry. En soi, c'est aussi pour protéger le monde magique. Il est pas fou non plus, bien sûr. Donc, pour revenir. Michael Gambon dit « Beaucoup de gens m'ont demandé quel effet cela fait de succéder à Richard Harris. » Et il dit « J'ai répondu par une comparaison avec le roi Lear. Des centaines de comédiens ont joué Lear sans s'occuper de l'approche de leur prédécesseur. Un acteur s'empare d'un rôle et se l'approprie. Point final. Je suis d'origine irlandaise et j'ai spontanément donné cet accent au personnage. Alfonso a aimé cela et j'ai donc persévéré dans cette voie. C'est mon clin d'œil à Richard. Bah, » ce qui est dommage, tu vois, par exemple... qui nous sommes français, quand on était petit et qu'on a vu ces films, on ne sait pas, tu vois, ces différences, par exemple, de la voix de l'acteur, ça a toujours été la même, soit dans le 1 ou le 7, parce que bah, c'était toujours le même doublage français. Exact. Donc, mais on voit quand même le physique qui change, et puis même les costumes. Les costumes, oui. Ouais, les costumes ont évolué avec. Oh, voilà. J'ai rien vu. Bah, moi et donc, non plus, hein, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas vu qu'il y avait deux Dumbledore. Ce qu'on dit à propos des magiciens, c'est qu'ils ne révèlent jamais leurs secrets, mais là, je vais vous donner un secret. Du tournage du prisonnier d'Azkaban, c'est le secret du magicobus. Ah oui. Ah voilà. Comment ils ont fait, vas-y. Voilà. Alors construit à partir du châssis d'un vieux bus rouge londonien, le magicobus à 3 étages devait donner l'illusion de rouler à 160 km/h dans les rues de Londres. Donc c'est tourné en décor naturel et ces scènes ont été en réalité filmées au ralenti. Le véhicule roulait en fait à 50 km/h et les voitures à 12, explique le chef cascadeur Greg Powell. D'accord. Voilà. Donc, alors, il a cependant fallu des semaines de répétition avec conducteurs, cascadeurs, ainsi qu'avec les passants, qui étaient tous des cascadeurs entraînés à marcher très très lentement pour crédibiliser l'effet. Oh, c'est fou. Voilà. Mais c'est comment comme technique de ouais, ouais, ouais. Du coup, en fait, c'est juste des effets vidéo après. Oui. Après, t'as sur le timecode, c'est passé en accéléré. Oui. Mais t'as énormément d'effets de toute manière. Ah, oui, non, oui. Là, c'est vrai. Les livres qui volent, en vérité, c'est des mains. Hein. T'as beaucoup, alors, t'as beaucoup d'automates aussi. Les cierges, en vérité. Ben, tu sais, les cierges, en fait, sont un peu survolés. Ils touchent pas à la table. Ils sont vraiment. Mais ça c'était vraiment dans le décor. Je crois qu'ils étaient suspendus, en fait, par des fils. C'était suspendu avec un fil transparent. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler spécifiquement de celui-là? Tout d'abord, parce qu'on a là. Première apparition de Sirius qui vient prendre le rôle de père. Et j'aime cette figure de Sirius. Pas très longtemps. Non, malheureusement. Mais, non, on mais en fait, pas il a un côté. Au lieu du goodbye Lenin, c'est goodbye Sirius. Ah bah, c'est ça. Il a un côté qui rassure, je trouve, dès qu'il qui commence à parler à lui. Ouais, voilà, c'est ça, il est chaleureux. Et ensuite, c'est que depuis Retour vers le futur, j'aime beaucoup les histoires de temps. Et là, je suis conquis avec le retournant du temps. Évidemment. J'avoue que ça, c'est une partie du film que j'ai beaucoup apprécié. Bah, pareil, aussi. Voilà. Pourquoi j'ai apprécié. C'est beaucoup trop cheaté, je trouve. C'est toi qui es cheaté. Le retournant du temps que Hermione peut s'utiliser pour faire plus de cours. Ouais. Genre, mais tu l'as vu arriver? Elle aurait le droit par rapport aux autres à un retournant du temps. Je sais pas, je pense qu'il y a d'autres têtes, fortes têtes, intelligentes, autres que Hermione, quand même, à Poudlard. Oui, mais Mais ils sont trop cons par rapport à elle, c'est ça. Bah, tu oublies que c'est une sonde. C'est que tu remarqueras quand même que Dumbledore a une claire préférence pour les Gryffondor et qu'il a une claire préférence surtout pour le trio. Oui. J'ai une petite question qui peut-être est un peu conne, mais dans ce cas, pourquoi elle l'utilise pas pour d'autres choses? Genre, je sais pas. Parce qu'elle est responsable. Pour prévenir. Parce que les voyages dans le temps, c'est dangereux. Pour éviter la mort de certains personnages, par exemple. Non, elle est responsable. Non. On lui a demandé, et elle connaît les risques, on lui a demandé de ne pas le faire. D'accord. Elle ne le fait pas. Okay. En même temps, vous dites qu'il y a Dumbledore une préférence pour les trois personnages, mais c'est normal. Il se doute que les trois personnages sont ceux qui vont sauver l'histoire, quoi, en fait, qui vont permettre la chute de Voldemort. Il manipule un peu, et là, on va reprendre les mots de Severus Rogue. Il manipule le temps. Harry, oui. Tout simplement. Mais il manipule bien. Harry comme un porc qu'il envoie à l'abattoir. Ouais, comme il dit, Et voilà. Et c'est pour ça qu'il a une attention particulière envers le trio. Mais je pense qu'il peut se douter aussi que le trio peut réussir. Ouais. Mais il connaît de toute parce manière. Ce que tu dis à l'abattoir, mais il connaît parce qu'il y a une folle théorie qui dit que Dumbledore serait Ron. Ou la mort. Quoi? Ou la mort. Ouais. A dit l'abattoir parce qu'en fait, il l'envoie vraiment à la mort, en fait. Ouais, mais il est pas censé survivre. Bah, enfin, en fait, enfin, ouais. Non, pour Dumbledore, effectivement, quand à partir du moment où Harry va rencontrer Voldemort, non, dans la forêt, il est censé mourir. Forêt, il est censé mourir. Oui, oui. Mais oui. Ceci dit, il a. Oui, c'est pour ça qu'il retourne le temps, parce que la première fois, il meurt. Harry. On parle de. Alors, là, c'est en train de parler du 7. Et toi, tu parles du 3, le prisonnier d'Azkaban, parce qu'il est des traqueurs. Cependant, il lui donne, enfin, il lui lègue le vif d'or dans lequel il sait qu'il y a la pierre philosophale, donc. En soi, il se doute qu'il va tuer. On peut parler du nouveau premier ministre que j'adore. Enfin, je présume qu'il moi, le fait volontairement il le sait, pour l'aider. Il sait, bah, c'est pour lui donner du courage parce que la pierre philosophale, ça fait, on le voit, ça réanime entre guillemets les personnes qui sont chères et qui sont mortes. Et ça lui donne le courage. Et c'est en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il voit sa mère, etc. C'est pas la pierre philosophale, c'est la. C'est la pierre de résurrection. Excusez-moi. T'es excusé, non, c'est pas Mathilde. La même chose. Je suis désolée, j'ai pas, je suis fatiguée, j'ai pas fait attention. Elle est pas encore 23h. La pierre de philosophale qui est par Nicolas Flamel. Oui. Il est pas encore 23h. Par contre, si tu veux, c'était tu pour peux te réveiller. La prochaine musique. Parce qu'après, on va aller dans l'open space, dans la pièce à côté. Je veux bien, mais je vois pas où c'est sur l'écran. J'explique ce qui se passe. Prends le micro. En fait, comment dire. Là, après la musique, on va. Qu'est-ce qu'il y a? On va écouter ça. On va écouter ça. Ah, on va écouter Decibel Fusion, ah, du coup. Super. Ah, super. Bah, grosse dédicace à Decibel Fusion. Ouais, des bisous. Voilà. Donc, on va écouter Decibel Fusion, on va écouter leur musique super. Friends. Merci juste beaucoup. Après, en fait, tu as pas ah oui, je sais ce que j'étais en train de dire. Juste après, on va faire le Armor ou le Harry Potter. Non, le Arzor. Ou Armor. Encore le Tom A. Enfin voilà, ouais, le Harry Potter. Non, c'est mieux. Le Harry Potter. Donc vous allez nous retrouver, on va ça va être filmé en plus et on va jouer un petit jeu tous ensemble et le gagnant remportera 40 un porte-clés. Voilà. De ta poche. Et ben on écoute Decibel Fusion Friends. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Camping 2. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Alors, on est toujours sur Indestar, sur www.indestar.fr si vous nous suivez sur internet. Je suis en présence de toute l'équipe de Peck Avenger dont je fais partie. Moi, je m'appelle Ismaël. Et avant de se quitter. Oh, vos gueules! Je sais pas, ça a saturé? Non, parfait. On a un bon technicien, il s'appelle Théo, il est aussi directeur de la radio. Bon, vous voyez, il y en a qui n'ont pas tous un gros budget. Enfin bref, on est en train de commencer une partie qui s'appelle le Armor. Alors qu'est-ce que c'est que le Armor? Essayez de deviner que veulent dire art et mort. Ouais. Comment t'as deviné? J'aurais dû faire Arzor, parce que ça aurait été plus chiant. Les gens... Donc, oui. Ah, bonjour. Voilà, moi c'est Ismaël, salut. Je suis un pouce souffle et aussi une ville long du bas par la même occasion. Voilà. Non, dégage, nazi. Alors, écartez-vous un peu, les amis. Alors, pour tous ceux qui sont sur Twitch ou qui nous écoutent, si vous voulez prendre des notes pour le jeu, ne le faites pas, ça sert à rien, puisque c'est un jeu qui n'existe pas. Donc, au pire, si vous le demandez sur le chat ou que vous envoyez un message privé sur notre site internet, je vous enverrai le PDF du jeu pour le faire entre amis. Faut être au moins 3. Oui, je vous le passerai, ok, j'ai compris. En gros, le but du jeu, on va faire une grande bataille de sorciers, vous allez tous vous lancer des super sorts et des sortilèges de ouf. Il va falloir retenir les prénoms, les prononcer correctement et surtout pointer le sorcier sur lequel vous allez le lancer. Oui, question. On a le droit au téléphone? Non. Pourquoi tu veux le téléphone? Ah, non mais... Non. Alors, faut savoir que le Armor... Il est composé d'un joueur suprême, le MJ, l'arbitre, vous l'appelez comme vous voulez. C'est le Dumbledore, comme le dit, c'est bien Teddy. Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit directeur, arbitre, ça va bien ensemble, Dumbledore, le Dumbledore. Donc je serai le Dumbledore de cette première partie, de cette première édition de ce premier jeu. En gros, donc comme j'ai dit, vous allez vous lancer des sortilèges. Il y a 10 sorts au total à retenir. On va déjà commencer... Sur la première partie, pour l'exemple, pour que les gens voient bien ce qui va se passer, avec les deux sorts les plus basiques, Expelliarmus et Wingardium Leviosa. Oui. Alors, vas-y, redis-le, Cindy. C'est les vieux, ça, pas les vieux, ça. Alors, on a une Hermione parmi nous. Vous pouvez la détester autant qu'Emma Watson, il n'y a pas de souci. Ouais. Elle est adorable, Emma Watson, mais c'était vraiment une connasse sur les épisodes 1 et 2, quoi. Alors, on va faire simple. Expelliarmus, c'est le sort que vous allez lancer sur un sorcier adverse, tout simplement. Pour lancer un sort, vous pouvez ne pas regarder l'adversaire tant que votre baguette pointe du bon endroit, quoi. Pointe du bout. Non, parce que vous pouvez faire, par exemple, Expelliarmus, si vous regardez de l'autre côté, tu vois. C'est pour piéger. Ouais. Ça marche bien avec les enfants, donc voilà, vous pouvez adapter cette règle. C'est un sortilège Expelliarmus qui peut être contré avec le sortilège de Protego. Alors, voilà, en faisant le geste, remontre-le, Guélan, devant la caméra, Protego. Voilà, super. Et Expelliarmus, vas-y. Ah, et ben en fait, je ne sais pas, mais en gros, c'est un coup de poignet. C'est au niveau du poignet, en fait. Il faut faire un espèce de moulinet au niveau de son poignet. Voilà. D'accord. Donc, vous faites tous un moulinet au niveau de votre poignet, là, si vous regardez la vidéo sur Indestar, pour faire le sortilège d'Expelliarmus. Alors, Teddy, tu vas prendre ta baguette. Tu vas regarder droit dans les yeux Charles et tu vas lui dire Expelliarmus. Expelliarmus. Alors. Le jeu est très simple. Quand un sorcier lance un sortilège sur un autre, tu peux répondre, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vous passer en gros une espèce de balle invisible. Je vais faire. Teddy va te faire un Expelliarmus, toi tu dois réagir rapidement une fois qu'il a fini de parler pour faire Expelliarmus ou Protego. Oui, voilà. De toute façon, c'est le Dumbledore qui dira si t'es éliminé ou pas. Donc vas-y. Expelliarmus. Protego. Du coup, quand un joueur fait un Protego et se protège, tu dois vite relancer un sort sinon c'est toi qui es éliminé. Alors. On va Donc, je vous avais dit deux sorts. Pour commencer, on va en faire trois, puisqu'il y a le Protego. Donc, Expelliarmus, on le contre avec un Protego ou on relance un Expelliarmus sur quelqu'un d'autre. Oui, on se prend pas de dégâts, c'est drôle. Et il y a le Wingardium Leviosa qui fait que vous devez sauter sur place et ensuite lancer un sort. Donc, quand vous recevez le Wingardium Leviosa, il n'est pas parable, il est imparable en gros ce sort. Vous sautez comme un idiot ou une idiote et après vous relancez un sort. Voilà. Tout simplement. Donc on va faire un premier tour, je vais éliminer des personnes au fur et à mesure, et puis après on continuera avec des sortilèges un petit peu plus compliqués comme Axio, Elasticus, Imperium, Tarantal et Gras, Avada Kedavra, Prior Incanta, Protego et Finite. Mais Protego, c'est... Alors, moi je dis juste Finite, tout simplement. Mais moi j'aime bien ne pas faire des sorts. Voilà, c'est pour faire rager toutes les Hermione Granger. Ou les Serpentards. Donc, on va accélérer. C'est parti. Le plus jeune parmi vous. Quel âge, Marguerite? 18 ans. C'est bien. Eh ben, on va commencer par toi, la plus jeune. Tu vas lancer le premier sort et on va aller très rapidement. Donc, vous avez le droit à Expelliarmus, Wingardium Leviosa et Protego. Switch and flick. Tu lèves et tu tournes. Wingardium Leviosa. Si, le geste. Alors, je précise dans les règles absolues que le Dumbledore doit avoir en tête, mais pas spécialement les joueurs. Si vous faites mal un geste, notamment celui du Wingardium Leviosa, vous êtes directement éliminé. Donc, bien évidemment, je précise que toutes les règles ne sont pas transgressables et seul le Dumbledore peut juger de toutes ses parties de son corps s'il voit mal ou pas un sort. Serpentard, c'est tous des bâtards. Regardez-moi ce truc-là. Alors, du coup, allez-y, je te laisse refermer le cercle, Jolan. Mets-toi là. 3, 2, 1, c'est parti, Marguerite. Non, t'es éliminé, dégage. Wingardium Leviosa ne peut pas être protégé par un sort. C'est un sort imparable. Tu dois sauter et relancer un sort. Allez, reviens, t'as encore une chance. Allez, tu recommences, Marguerite. Oui, où tu veux. Relance un sort, vite. Oui. Oui. En fait, quand le Protego est effectué, la personne qui a lancé le sort doit relancer un sort. puisque ça n'a pas fonctionné. Et vous avez le droit à 2 protégos max par manche. Bon, Teddy est éliminé puisqu'il s'est mal fait le Wingardium Leviosa. Mais je suis le Dumbledore, nique ta race, voilà. Excusez-moi pour mes vulgaires, mais je n'aime pas les joueurs nuls. Oui. À voir. Je verrai. Le Dumbledore verra. Donc, vas-y, relance, Gaelan. Non, tu es éliminé, tu as fait Protego comme ça. Protego. Eh oui. Attention au geste, c'est éliminatoire. Rapprochez-vous, on va bientôt faire la finale, à ce qui paraît. Allez, Jolan, tu lances. Ah, tu es éliminé, allez hop. Oh non. La baguette explose dans la gueule et tu finis mal. Ok. On... Oui, n'importe qui pour commenter en plus. Ah d'accord, ok, je dois mettre le micro sur les autres et ne pas le garder pour moi-même. Excusez-moi, je suis un poussouf, un blaireau, j'aime bien garder les objets brillants. Enfin bref, on est sur le trio de fin. Un nifleur, oui, bon, c'est la même chose. On est sur le trio gagnant, on a Hermione, on a un petit Ron et on a un petit Harry. Enfin, une Harry. Une Harry P. Je ne suis pas une sandbourbe, je suis pro-Serpentard et je suis pro-Malfoy, donc ta gueule. C'est une grosse sandbourbe déclarée par le Dumbledore de la partie. Une déclaration sur cette déclaration? Non, je vois pas quoi rajouter. Une déclaration sur tes déclarations de nul? Sans pur de merde. Allez, on continue, on ne s'arrête pas sur ces mots. Et justement parce que j'ai bien aimé Gaelan avec son sang pur de merde, tu commences. Trop tard, allez, t'es éliminé. Alors, nous arrivons à la finale de la première manche. Je sais pas si on en fera d'autres, mais pour que vous puissiez bien voir, on va se rapprocher. Mettez-vous l'un face à l'autre, d'une distance bien séparable. Alors, vous allez devoir retenir 3 sorts qui représentent chacun le pierre, le papier et le ciseau. Selon le Dumbledore, bien évidemment, moi-même et le créateur du jeu. Donc, on ne fait pas ça à Hermione, ok? Oui. Voilà. Alors, le premier sort à retenir est Crac Badaboum. C'est ce qui va déchirer le sortilège Papyrus. Donc, Crac Badaboum représente le ciseau, Papyrus, le papier. Et donc, Papyrus, ça sera le sort qui enveloppera totalement le sortilège d'Amplificatum. Je suis surprise que t'aies pas fait une ville Rodnagui. Pourquoi? Parce que c'est une version Potterhead, justement, du Pierre-Feuille Ciseau. Moi, j'encule Potterhead, voilà. Ouais. Désolé, hein, là, tous les Potterhead, mais j'ai pas que ça à faire. Quand tu crées un jeu, tu vas pas regarder sur Internet si ça existe, tu le crées toi-même. Et voilà, du coup... Vous pouvez répéter la règle. Alors, je répète la règle. Vous avez 3 manches de pierre, papier, ciseaux. En gros. Avec les 3 sorts. Crac Badaboum, Papyrus et Amplificatum. Crac Badaboum, ciseaux. Papyrus, papier. Waouh, c'est compliqué. Et Amplificatum, la roche. La pierre. Ok. Donc, lorsque je vais crier à mort finale, après avoir fait un décompte de 5 jusqu'à 0, vous allez pouvoir lancer en même temps un sortilège. Et seul moi peut être juge si l'un gagne ou pas. Voilà. 3 manches. Donc, faut gagner 3 fois. Êtes-vous prêts, sorciers? 5, 4, 3, 2, 1. À mort finale! Égalité, on recommence. Armor finale! Alors. Exactement. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, donc on recommence. Donc, il t'encule, voilà. Ah, Serpentard. Je dis, je ne suis pas une tricheuse, je précise. Et pourtant, Serpentard est souvent dit comme tricheur. D'accord, donc selon un cerf d'aigle, Serpentard n'est pas si méchant que ça, c'est ça? Non, pas vraiment, parce que Malfoy, il triche un peu. Ok, alors on lui donne une vraie baguette au joueur, parce que... voilà. Et puis, il y a un échange de baguettes, on ne sait pas pourquoi. Allez, deuxième manche, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, armor final. Non, éliminez les deux. Allez, boum, moins un point chacun. J'ai dit 1, j'ai pas dit le mot magique, armor final. Donc on retourne à 0 et moins 1. Le premier à moins 3 ou à 3 perd ou gagne, ok? Mais c'est absolument... Ah oui, non mais... Alors, pour ceux qui aiment être les maîtres du jeu ou les arbitres, vous allez pouvoir faire, grâce à ce jeu, tout ce que vous voulez ou presque. Il y a quand même les règles de base à suivre. Du coup, on recommence. Avant-dernière manche, parce qu'il y a 0-1 et que j'ai envie de faire des choses. Ah mais on verra. Tout est possible, nous sommes dans un monde de magie. Bienvenue dans Harry Potter. 5, 4, 3... 2, 1, armor finale! Non. Il n'a rien dit, du coup tu lui mets un sort dans la tête qui lui donne moins 1, vous êtes à moins 1 tous les deux. On continue. 3, 2, 1, armor finale! 0 moins 1, dernière manche. 3, 2, 1, armor finale! Alors, j'aime entendre ceci, je sais pas si vous aussi, les spectateurs qui ont perdu au début, vous aimez entendre un Serpentard rager parce qu'il a perdu ? On adore ça, on est là pour ça. Merci Charles, j'adore. Jolan ? C'est tellement satisfaisant. Ah, ce meilleur témoignage du monde. Marguerite, qu'en pensez-vous ? Moi je suis heureux pour les deux. Ok, c'était... Non, ok. Je suis Poufsouf, là, écoute, je suis pour la convivialité, donc je m'en fous. Non, je suis Poufsouf, mais pas être par impartial. Allez, peace and love, les deux ont perdu. Moi, je suis content qu'on encule les Serpentards. J'adore enculer des Serpentards. Eh bah, très bien. En tout cas, les amis, voilà en gros à quoi peut ressembler un jeu Armor avec des adultes, entre guillemets. Ils ont même pas encore fini leur duel. On va... Je sais pas, est-ce qu'on se refait une deuxième partie avec d'autres sorts ? Non. On va retourner dans les studios, les amis. On va ensuite... Oui, on s'en refera une après l'émission si vous voulez. Il y en aura un qui filmera ça sur Facebook Live. Un mot pour la perdante, c'est ça ? Oui. Je trouve ça inadmissible parce que je voulais gagner le porte-clés, je l'ai pas encore dans ma collection. C'est dommage. On te donnera un porte-clés Serpentard que tu as sûrement déjà. Oui, j'en ai deux. Eh ben, c'est dommage. Non, elle a perdu, elle a rien. C'est Galen qui aura le porte-clés, qu'on montrera tout à l'heure. Pourquoi pas ? On va écouter Lionel Cassio. Help you out. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Oui, les Peck Avengers, le jeudi de 21h à 23h. Et là, sans doute plus. Ça sera plus de l'ordre de 23h30, minuit peut-être. Oui, avec plaisir. Pas. Et on finira sans doute par un petit quiz. C'est même sûr. C'est un quiz ou omelette ? Non, c'est un quiz. Un petit quiz. Un quiz que préparé. Cindy nous a préparé, n'est-ce Cindy. Pas ? Il est dur ou il est pas dur ? Alors, si vous avez bien révisé, ça va. Et en vrai, c'est pas si dur que ça. D'accord. Ok. Alors là, tout de suite, maintenant, on se garde le quiz pour la fin. Là, ça va être Marguerite. Tu vas nous parler, je crois. Eh ben, okay. Bah, de toute manière, dictature, j'ai décidé que c'était toi. Non. Voilà. Bah, vas-y, écoute, moi je suis parlé. Oh, bah, je suis chaud. Chaud bouillant, on dirait que chaud bouillant. J'ai pas besoin, t'inquiète. Ah non, c'était le fun. Ah. Bon, est-ce qu'on peut se détendre avec une. Marguerite, tu fais ta rubrique. Et ok. On peut se détendre avec une petite bière au beurre. Carrément. T'es une bière ? Ah, mais carrément. Allez. Ok. Alors, moi, je vais vous présenter du coup l'univers commercial. Parce qu'on en a pas encore parlé. On a parlé de livres, on a parlé de films, mais on n'a pas encore parlé de tous les dérivés des films finalement. Je vais commencer par quelques petits chiffres que vous rendiez un peu compte de l'ampleur du truc. C'est pas faux. 3. Tu comptes commenter tout ce que je vais dire ou pas ? Non. 1. Pardon. Bien. Je te tiens à l'œil, Galen. 42. Oh, tu me tiens à l'œil ? Oh oui. Bon, en gros, comme Charles vous l'a dit tout à l'heure, rien que pour les livres, ça correspond déjà à plus de 450 millions d'exemplaires vendus, ce qui est énorme. Dont 500 millions. Ouais, 500, il a 500 millions, mais je pense que c'est avec les derniers livres. Ouais, je m'en fous, il a pas dit le même chiffre. Je m'en fous, tu te mets. Ton chiffre, tu te le carreaux, je pense. Oh, la vache. T'avais dit des petits chiffres, dommage. Des petits chiffres. Voilà, bon. Donc, quand même, 28 millions d'exemplaires en France, ce qui est quand même pas mal. Il ne m'écoute absolument pas, c'est incroyable. Si, mais moi. Je te vois au loin. Cindy, tu m'écoutes. On t'écoute presque. Moi, je t'écoute. Donc, ça correspond à peu près à 743 millions d'euros. Voilà. Gros c'est business, quoi. C'est peu. Ça fait du fric, hein. Ça fait un peu de fric. Non, mais j'ai vu qu'elle était plus que la reine d'Angleterre, si j'ai bien compris. Oui. Elle était devenue milliardaire. c'est ça? Ah bah je pense, oui. Et en fait, elle a donné beaucoup à des associations, elle est devenue millionnaire. Ah ouais? Oui, et il y a Lumos qui profite beaucoup. Lumos? C'est quoi Lumos? Non, c'est quand... C'est une association... C'est de la lumière. C'est pour allumer ta baguette. Humanitaire. Elle s'est quand même acheté un petit château en Écosse, quand même. Bah, elle peut en même temps. T'en profites un petit peu. En même temps. Avec un petit chiffre. Avec, ouais. En même temps, avec si quelques zéros. Permettre, elle a tellement vécu dans la misère, cette pauvre dame, qu'elle mérite bien un peu... Cette pauvre dame, elle n'est plus pauvre. Non, non. Non, elle n'est plus pauvre. Cette grande dame. Cette... Oui, cette grande, c'est vrai. Il faut bien... Voilà. C'est une dame de la haute aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Et pour et le coup, on peut dire la même chose des films, parce que non, ça correspond à plus de 7,68 milliards de dollars. Ce qui est encore plus que les livres, ce qui est encore plus que les livres. Et ça fait du coup maintenant 8,5 milliards de dollars avec les animaux fantastiques pour le coup. Ouais, elle avait combien de pourcentage de recettes? Ça va vite. C'est une très bonne question, je sais pas du tout. À mon avis, un bon pourcentage. Ouais, je pense. Ouais. Donc en gros, pour vous donner une idée, pour l'Angleterre, pour l'économie de l'Angleterre, en fait, ça correspond à peu près 4 billions de livres. C'est énorme. Genre nous, vous pouvez compter les studios, vous comptez toutes les sorties de films. Un centième de la fortune de Bill Gates. Oui, bon, dit comme ça, c'est plus petit, forcément. Par contre, j'ai découvert un truc, c'est que en Floride, ça, en fait, la saga a eu un impact tellement important que, vous savez, pendant la crise de 2008, en fait, ça les a aidés à remonter. En fait, ils ont investi plus de 265 millions de dollars rien que dans l'univers Harry Potter, et ça les a aidés à monter la crise. En fait, investir dans des trucs, des objets, des, je sais pas, des goodies Harry Potter, ça aide à passer la crise. Bah, en Floride, c'est pas là où il y a le parc Harry Potter. Bah, si, justement, c'est là où t'as un des parcs à thème, là. Mmh. Ouais, Disneyland. Qui est à. C'est normalement. Orlando. Ouais, merci. Exact. C'est ça. Bah, je veux y aller, donc. Tu vas forcément, tu sais où c'est. Tu m'emmènes, Cindy, le jour où t'as de l'argent. Ouais, évidemment. Bah, tu nous emmènes tous, en fait. Pas lourd. Hein. S'il reste une petite place dans la valise. J'emmènerai Bénédicte, Valentin et ma sœur. Oh, et moi-même. C'est une serpentard. Oui, non, mais elle emmène uniquement des serpentards, c'est pour ça. Eh bah, non, parce qu'il y a un griffon d'or, une poule soufflée, une serpentard cerveille. Ah ouais, ouais. Une serpentard cerdec, tu sais, la meuf, c'est une femme de maison. Elle a niqué la logique du game, là. Je veux aller dans les deux maisons. Chapeau flou. Par contre, il y a un endroit, Cindy, où tu es déjà allée. Ce sont les studios Warner. Ouais, à Londres. À Londres. À Londres, oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé, d'ailleurs? Dis-moi. Ah bah... C'était magique. Et là, je suis fière d'être serpentard, parce que j'ai utilisé ma ruse pour pouvoir pousser les portes de la grande salle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te demandent si... Enfin, ils demandent quelles personnes sont nées le jour au même. Donc, qui est née ce jour-là, donc quel est ton anniversaire, en gros. Et j'ai menti en disant que c'était, j'étais née ce jour-là, alors pas du tout, je suis née le 27 mars, donc rien à voir. Ah bah bravo. T'as dit t'étais née quand? Tout ça pour pouvoir le 11 septembre, pour pouvoir pousser les portes. Et j'ai failli chialer ma mère. Parce que tu te prends tellement une grande claque quand tu rentres dans la grande salle, c'est juste magnifique. Ah, c'est impressionnant. Ouais, j'y suis allée moi aussi, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a pas mal d'extensions. Ouais. Du coup, non, j'ai pas vu. Et, parce que là-bas, on peut y trouver pas mal de choses, ouais, dont la banque de Gringotts, la forêt interdite depuis peu de temps. Ils ont même recréé la maison de Harry Potter au Fort Private Drive, qui normalement se trouve à Surrey, en Angleterre. C'est ça. Maintenant il y a aussi le pont et le Magicobus, et j'ai plein de photos. Le Magicobus dont tu parlais, il est impressionnant. On ira ensemble, Gaëlle. C'est impressionnant. Moi j'ai juste l'occasion d'aller dans les studios de Besson. De Besson, ah ouais. C'est pas mal aussi à ça. M'asseoir dans le fauteuil d'Hagrid, c'était cool. Tu m'étonnes. J'en profite pour dire que les photos que tu as envoyées à Jolan, ils seront postés. Enfin, peut-être pas tous, parce que vu la masse de photos que tu as envoyées, mais il y en a qui seront postés sur Peck Avenger pour que tout le monde puisse s'en rendre compte. Vous verrez qu'il y a un peu de tout. Il y a plus ou moins tous les décors. Enfin, il y a quelques décors dont je vous ai parlé. On est gentils dans Peck Avenger, sauf le serpent. Oui. On voit un peu ce dont on parlait aussi tout à l'heure, tout ce qui est maquette, oui, masque, tous les effets spéciaux. Et puis, ce que j'ai trouvé très drôle, vous savez, quand ils font du Quidditch, vous imaginez un truc très classe avec les balais, machin. Alors qu'en fait, ils sont juste... c'est dégueulasse. Drôle. C'est dégueulasse, tu vois un vieux fond vert avec une espèce de manche à balai qui est posée sur une espèce de tige avec un mécanisme. C'est une tauromachine, en fait. c'est qu'il y a des selles sur les balais. Ah oui, il y a des selles en plus sur les balais. Avec des petits. Ça fait mal au cul quand même. Hein. Vous êtes déjà assis sur un balai? Ah, tu m'étonnes. Dis-toi que là, vu qu'en l'occurrence c'était des mecs, ça fait plutôt mal ailleurs. Mais. bah, Bah, je suis pas d'accord. Alors ça, c'est qu'ils sont pas doués. Ça, c'est des préjugés. Ouais, parce que tes couilles, tu peux les mettre à côté du balai, en fait. C'est mouvant, ça. T'as des couilles dures, t'as des couilles molles. Ouais, je suis sûr. T'iras tester, tu nous diras. Déjà fait. Enfin bon, pour les studios, c'est quand même, donc ça ramène quand même beaucoup parce que c'est, oui, t'as plus de 6000 visiteurs par an, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent partir à Londres, j'ai vu qu'il y avait 5 postes à pourvoir au Warner Bros Studio de Londres. Ah ouais. On fait un petit peu de pub. Là, je me relève comme un petit suricate. Il faut être très fort sur l'univers Harry Potter parce que le seul quiz que tu passes, c'est un quiz sur l'univers Harry Potter, mais qui est très, très, très, très dur. Très poussé. Vivi, passe le test. Tu pourrais essayer. Bah ouais, carrément. Bah je pourrais essayer si j'avais la thune pour vivre à Londres, ouais. Bah il faut travailler à Londres, si t'es bien... Brexit, merci. Non, mais même sans le Brexit, Londres, c'est la capitale d'Europe la plus chère. Ouais. Je vais vous mettre le seum, mais moi, je peux vivre à Londres sans problème. Pourquoi ? Parce que je suis cuistot, et que les cuistots et les boulangers pâtissiers, c'est très recherché là-bas. Bah c'est ça, tout le monde ! Casse-toi, ouais ! Mais dans le monde entier, en plus, c'est ça le pire, c'est que vous pouvez travailler partout, quoi. C'est vrai. Comme la misère. Ouais, vous êtes partout. Quand je dis juste Vivi, va passer le test là, vite. Très vite. Ouais, vite. Bon, pour revenir au décor, vous en avez évidemment, vous en avez plein d'autres. On en parlait d'ailleurs, Cindy, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez le Glenfinnan Viaduc en Écosse où est passé le Hogwarts Express. Il y a beaucoup de monde qui y va d'ailleurs. Vous avez aussi la cathédrale de Durham, où ça qui correspond à la classe du professeur McGonagall. Comme le groupe. Comme le groupe. Durham. Duran. Oui. Non, même pas. Ah, et c'est Durham. Ouais. Si vous cherchez, c'est pas le même. Ah bah bravo, je vois que tu t'en fous de ce que je dis. Bien. Non, mais ça, en plus, tu me reprends. Ça se ressemble un peu. Pardon, excusez-moi, on veut parler. On veut parler, excusez-moi. J'ai mis des coups de lumos dans la gueule. Ouais, je me suis pris un coup de baguette magique en plein dans yeux. Sa mouille. J'ai rien compris, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Rendors-toi. On lui parlait même pas du tout. Ah, ok. C'est okay. Juste la cathédrale de Durham que t'as loupé, c'est d'accord, ça. D'accord, ok, je bon, autant parmi nous, Charles. Non, mais je vais continuer, bonjour. C'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Charles. Vous pouvez aussi trouver le quai 9¾ à la gare de King's Cross, mais Cindy, mais... tu m'as précisé un truc que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, ça n'a pas du tout été tourné là en fait. C'était tourné à la gare de Saint-Pancras, qui est juste en face de la gare King Cross. Saint-Pancras. Et où je suis allée ? Saint-Pancras. Pas Pancréas, Saint-Pancras. Bah, du coup, non, c'est pas la même chose. Alors pourquoi ils ont mis ça à King Cross ? Alors ils ont mis ça à King Cross parce que dans le film, on dit que c'est la gare de King Cross, sauf que c'est la gare de Saint-Pancras. Et oh les filous, je sais pour y être allée, tu vois, genre. Mais du coup, il y a le comment ça s'appelle le. Le chariot. Le chariot, voilà, qui est et on qui peut prendre King une Cross. Photo. Et d'ailleurs, c'est un peu une arnaque parce que la photo, tu l'as gratuitement au studio. Ouais. Et qu'en fait, tu l'as payante à King Cross. Il ne faut pas oui, aller c'est vrai. Au moi, King Cross. J'avais, y avait une, la alors, dernière fois que j'y suis allée, il y avait une queue. En plus, ça donne pas envie d'y aller. J'ai un autre truc là-dessus. J'ai une autre information sur la gare. En fait, elle a choisi cette gare-là parce que c'est une gare où que ses parents se sont rencontrés à J.K. Rowling. Du coup, c'est sentimental, cette gare. D'accord. Voilà, fin. Très, merci très Teddy bon. Pour cette anecdote non, très bien. Je suis très étonné profond. Que Teddy ait une info mais utile. Mais il faut dire aussi que la gare. Ça paraît pas, mais je suis légèrement fan. La gare. Bien, mais pas sans trop. Teddy, okay. Ta gueule. Ouais, mais pas sans trop. Non, c'est le bien. La gare de Saint-Pancras colle quand même vachement mieux que la gare de King Cross qui est hyper moderne. Bah, qui est très moderne, ouais. Pourquoi elle a cool. Mais du coup, elle a juste choisi King Cross juste pour le côté sentimental, c'est ça ? Il n'y a pas d'autre raison ? Je suis déçue, t'as pas de réponse à me donner. Non, bah mais alors, après, la je Hermione, sais qu'elle elle avait pas grand-chose à dire. Mais d'accord. Te dire, ça se trouve, elle prenait. Elle écrivait aussi dans un bar. D'ailleurs, il y a la table qui est souvent prise en photo. À Édimbourg. C'est ça. Et par contre, le dernier décor où là, oui, pour le coup, ils sont dans une gare aussi. Vous savez, une gare toute blanche. C'est le tram. Ça, c'est où ça ? Ah, la gare toute blanche. Enfin, la gare toute blanche quand Harry Potter est décédé, c'est ça ? Ouais. Enfin, soi-disant mort. Mmh. Je sais pas du tout. Ça, c'est sûr que ça a été totalement. Saint-Lazare, les gars. C'est fait en studio. C'est fait en studio. C'est sûrement fait en studio. Mais bon, si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à nous dire. Ok, bah je continue un peu. Ça s'inspire de quel décor ? C'est ça que. Oui, c'est plus ça, voilà. Non, tu continues pas. Bah si, écoute. D'accord. Je m'en fous, je continue. Tu m'as demandé de non, faire on cette va écouter. Non, j'ai... Ok, je me casse. Bah, on continue d'écouter Vas-y, t'inquiète. Hein, on écoute encore 2 minutes et après on laisse... Tu veux continuer sinon je te laisse continuer, il n'y a pas de soucis. Non, continue, c'est intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. Pour faire un peu le tour des décors, vous avez aussi des paysages. En Irlande, il y a beaucoup de paysages qui ont été repris, notamment des lacs, tu me disais, Cindy. Alors, les lacs sont en Écosse. Ah oui, en Écosse aussi, oui, c'est vrai. Mm. Voilà. Merci. Voilà. comme on disait, il y a aussi beaucoup de parcs. Vous avez celui en Floride, de Orlando. Vous avez allé Hollywood aussi. Ouais. Et à Osaka, je savais pas du tout, au Japon. Au Japon, ah ouais, Osaka. Ouais. C'est un parc immense qui est absolument magique. Mm. Et d'ailleurs, il doit y avoir un. Hein non, vas-y, oui. Excuse-moi. Il me semble qu'il doit y avoir un événement là-bas, non? C'est pas ce que tu me disais? C'est à Shanghai l'événement. C'est à Shanghai. C'est à Shanghai, okay. Ouais. C'est à Shanghai qui est prolongé jusqu'en janvier 2020, je crois que c'est le 26, je sais plus. D'accord. C'est une grosse exposition sur Harry Potter qui avait tourné, qui était allée à Paris aussi d'ailleurs. Paris, New York, je crois aussi. Qui avait tourné Paris-Dakar. Un peu partout. Berlin aussi. Mm. Qui était vraiment bien coté, quoi. Et du coup, ils l'ont prolongé en Chine. D'ailleurs, des expos, il y en a pas mal. Il y a d'ailleurs celle tu m'expliquais, celle du National History Museum, ouais, à Londres, qui est d'ailleurs en ce moment, donc qui est du 22 mai 2020 au 5 janvier, au 3 janvier 2021. Donc vous avez encore le temps d'y aller. C'est sur les animaux fantastiques, et en fait, si j'ai bien compris, dans cette expo, ils s'amusent en fait à faire un lien. Ah, Jade s'en va. Au revoir Jade. Bisous. Salut, au revoir Jade. Au revoir Mademoiselle Canon. C'est son nom de famille, on précise. Mademoiselle qui? Mademoiselle Canon. Ah. Elle s'appelle Jade Canon, voilà. Pour la blague, tu vois. Voilà. J'avais compris camion. Il n'y a aucune début. Blague en vrai. C'est pour c'est ça que tu es là. Si, c'est vachement méchant ce qu'il dit. C'est sympa. Enfin bon, voilà, donc c'est une expo en fait qui compare les animaux qu'on retrouve donc dans la saga, oui, et les animaux de notre, ouais, monde en fait. D'accord, oui. Voilà, pour voir potentiellement s'ils auraient pu exister, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, ouais, peut franchement être intéressant. Ce sont des vrais scientifiques, hein, qui travaillent dessus. Ça peut être cool en vrai. Moi j'aimerais bien y aller. Hein. Moi aussi. Est-ce qu'ils se sont dit, alors, juste dire, ces scientifiques se sont dit, tellement ils sont intelligents, entre guillemets, il faut des gros guillemets, que J.K. Rowling, pardon, à chaque fois je veux dire Tolkien, mais c'est Rowling, je vais y arriver. C'est un peu inspiré. Les, hein, animaux qu'elle a inventés ont existé, peut-être. Non, non, c'est pas ce qu'ils se sont dit, c'est, en fait, si tu veux, leur démarche, c'est de montrer en quoi les animaux des animaux fantastiques et de l'univers Harry Potter s'inspire de nos animaux à nous et aussi des animaux préhistoriques. D'accord. Bon. Et puis peut-être même de liens et de racines avec nos animaux aujourd'hui. Ils remontent un peu dans mon estime, mais ils sont toujours cons. C'est un peu facile d'ailleurs, non, parce que beaucoup de créatures mythologiques, beaucoup de créatures extraordinaires s'inspirent des animaux tout court, parce que c'est la base. Mais tu dois aussi avoir un côté créatif, imaginatif, parce que imagine, peut-être qu'il se pose. Alors je sais pas, je connais pas assez l'expo pour le dire, mais peut-être aussi qu'il voit si. Théoriquement et logiquement, dans le monde d'Harry Potter, s'ils évoluent, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si. Comme des Pokémon, comme Darwin. Ouais, c'est un peu ça, comme Darwin, finalement, c'est ça. Si ces animaux, en fait, sont tirés de la loi logique dans Harry Potter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, très bien. Je pense que c'est peut-être, un peu travail, ouais. Je pense que c'est ça, parce qu'en effet, si c'est juste pour se dire, oui, peut-être qu'ils auraient existé, oui, c'est un peu con, en effet. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, vu comment vous m'avez présenté les choses, j'étais là, mais ils sont vraiment cons, c'est des scientifiques, ça. Non, non. De ce que j'ai lu, alors je sais pas du coup s'ils vont vraiment le faire ou pas, mais il y avait un projet de reconstitution des animaux à taille réelle, des animaux fantastiques. Oh. Et ça, c'est, je trouve, cool, ça magique, parce que le zoo, je veux trop le voir en vrai. Ouais, puis tu vas comparer les animaux fantastiques des nôtres, ça peut être intéressant pour le coup. Ouais, ouais, ça peut, ouais, être vachement intéressant. Être et même ceux de HP, Harry Potter. Ouais, oui. Les boursouf. Ouais. Les boursouf. Tiens, pour un autre jeu de mots pourris, dans la région, il y a aussi la coupe de Poudloire. Ouais. Dont tu m'as parlé aussi. Alors, ici, chez nous, hein. Ouais. C'est ouais, la. Ouais, ouais, en c'est région Centre-Val de Loire. Non, c'est pas la. Non, en fait, c'est des activités. En fait, si tu veux, t'es réparti en maison et tu fais tout un tas d'activités pour faire gagner ta maison à la fin. Cool, d'accord. Voilà, c'est la coupe de Poudloire. La coupe de Poudloire. Elle a lieu où pour ceux qui cherchent En Loire. C'est dans la région Centre-Val de Loire. Dans la Loire. D'accord. Mais je sais plus exactement la ville. Je sais pas s'ils reprennent la même ville d'année en année, en fait. Ok. Je crois qu'ils bougent. Donc pour ceux qui veulent situer la région Centre-Val de Loire, qui nous écoutent de toute la France ou même autre part, c'est en France. On est le centre. Oh, putain. Wow. Dans la région centre et dans le 37, du coup. Ouais. Du coup, on est au centre du monde. On est meilleur que les Parisiens. Il y a 45 c'est pas bien aussi, compliqué. Peck Avenger, meilleur que les Parisiens. Pour parler des Parisiens. Non, on parle pas des Parisiens dans oui, Peck Avenger. Mais... Bon, je m'en fous. Je parle des Parisiens. On aime pas les Parisiens. Parce que meilleure une fois, j'ai raconté une blague à un Parisien. Sauf ceux qui nous écoutent, il y a Paris. Oh putain. Tu sors, Gaëlle, vraiment, okay. Vraiment, sors. On va s'arrêter là, hein. Non, je déconne. Non, tu vas parler de ta fan art après. Parce que madame écrit. J'ai pas vraiment fini, mais bon. T'as pas fini? Mais c'est allez, pas, mais bon, mais t'es mais pas bon. Obligé de le dire. Mais bon. Non, j'aimerais quand même parler au moins des magasins et surtout ceux dans notre région, ouais. Parce que n'est-ce pas Charles, oui. Tu m'en parlais. Les on parlait des Trois Sorciers. Si vous allez à Tours, vous pouvez qui est en fait il y a pas vraiment de boutique. C'est ça, rue du Commerce. Ouais, rue du Commerce. Il y en a un autre aussi. Ouais, il y en a un deuxième. Sortie. Il s'appelle comment? Kings and Queens. Kings and Queens, ok. Qui vend des bonbons. Ouais. Exactement. J'ai acheté ma première choco-grenouille là-bas et je suis tombée sur Salazar Serpentard et je trouve ça magique comme signe. C'est parfait. Voilà. Ne t'enfonce pas davantage, s'il te plaît. Et j'en ai eu deux de Salazar Serpentard et une de. C'est un signe. C'est vraiment. Alors l'Allemagne, le mieux d'ici l'Allemagne. Je vais aller visiter. Il faut prendre le train pour y aller. On plaisante. Ça dépend lequel. C'est le train vers Auschwitz. Oh, bon, pour terminer ma chronique. Elle, c'est la conductrice. Ça va, putain. Désolé. Ouais. Excuse-nous, Mathilde. Il n'y a pas de souci. Pour terminer ma chronique, bon, ça fait un peu beaucoup, donc je vais plutôt vous donner quelques petits noms. Si jamais vous cherchez des répliques, par exemple, ou des dérivés, parce qu'il y en a masse, vous avez plein de choses, des vêtements, des figurines, des répliques. Tu pourrais m'en parler d'ailleurs pendant des heures. Donc on ne va pas commencer là-dessus. Il y a peut-être des répliques cultes. Je suis fatiguée. Il était leur ami. Belle gueule, Potter. J'aime bien celle-là. Enfin bon, si vous cherchez, en tout cas, si vous cherchez des produits dérivés, vous avez des sites dont les plus connus sont par exemple The Noble Collection. Je l'ai tué. Bref, je continue. Minalima. Moi, je t'écoute. Vous avez aussi le site officiel comme Warner Shop où là vous avez beaucoup beaucoup de choses. Notamment, vous avez des trucs que vous trouvez pas ailleurs comme des accessoires déco, des confiseries. Ils font des gros packaging aussi où vous avez des boîtes avec des artefacts pour chaque personnage. Je pense qu'il y a c'est beaucoup cool. De choses. Ah, c'est très très cool. Des boîtes dans des boîtes. Des boîtes dans des boîtes, exactement. J'en ai marre. Voilà. Ah, je vais le dire. Dans des sites un peu moins connus, si vous voulez trouver des trucs un peu moins chers, vous avez des dérivés du genre Primark pour des petits budgets, Pops, Ciné Replica, voilà, ce genre de choses. Ou encore la boutique du sorcier, l'officine. Voilà, vous avez plein de petits... Là, tu balances que des boutiques, entre guillemets, officielles. Là, non, c'est pas des boutiques officielles, là, pour le coup. C'est des boutiques un peu moins connues qui sont sur Internet, pour le coup. Okay. Mais pour ceux qui sont sur la région de Tours et d'Amboise, on vous conseille les trois sorciers, pardon. Mmh. Et tu disais la deuxième boutique, j'ai... Kings and Drag Queens. Après, vous en avez aussi à Bourges, exactement. Notamment Sweets, ouais. Ou encore le Repère du Sorcier. Mais lui, je sais pas où il est situé. Alors, le Repère du Sorcier, je sais plus si c'est en France ou en Belgique. Il me semble que c'est en France. C'est en France ? Ouais, je crois. Parce qu'il y en a un qui est à Lyon, mais c'est l'officine, je crois. Il me semble, ouais. Après, l'officine, vous l'avez sur Internet. Oui. Oh, et j'ai même découvert, je sais pas si t'es au courant, Cindy, c'est que pour le magasin de King's Cross, donc qui se trouve juste à côté de là où vous avez le chariot, où vous pouvez prendre des photos, en fait, on peut visiter le magasin en 3D sur smartphone ou sur d'autres, sur ordi. Wow. Et non mais c'est cool parce que tu visites la boutique et ils te donnent des trucs extrêmement précis, t'as tous les articles et tu donnes des infos sur les livres parce que t'as beaucoup beaucoup de choses et des trucs très très spécialisés. Moi j'ai une question pour vous. Ouais. Parce que tout à l'heure on vient d'en parler, il y a des magasins et tout de sorciers évidemment dans le domaine Harry Potter. Mm. Est-ce que vous avez déjà vu des sorciers ou des sorcières? Bien sûr. En vrai. J'ai eu pas mal de profs qui me faisaient penser à des sorciers et sorcières. Non, t'es vrai, moi, de vrai. Moi, j'ai une question. Ça dépend ce que t'appelles sorcier. Parce que, alors, petite anecdote, on a fait un petit road trip avec Thomas Walter, qu'on salue presque. Il est là. Ouais, il est parti. C'est bon, on peut cracher sur lui. Du studio Ghibli, bien évidemment. Non, du studio SVA, voyons. Studio Vanille, d'ailleurs. Exactement. Et comment dire, on a fait un road trip et en fait on était avec des amis et dans ces amis là il y a une meuf, elle avait sa grand-mère qui habitait je sais plus dans le sud de la France et elle se considérait sorcière parce qu'elle se vendait avant voilà une boutique de vente de cailloux, enfin de pierres. Ouais voilà. Ouais mais moi c'est je disais pas des pareil. Cailloux. Non, c'est pas des on cailloux. Peut vous acheter des cailloux. C'est pas ma fille de ses gueules. C'est spécialement de la caillouthérapie hein. Ouais. C'est de la lithothérapie. C'est de la lithothérapie. Et figurez-vous que le bracelet violet que j'ai autour du... Voilà, et ben il vient de là-bas. Il vient de la boutique de cailloux de la grand-mère d'Elisa. Et justement, ça te porte malchance puisque dimanche, oui, tu peux pas être là. J'avais lu la description, mais j'ai oublié. Ce sont des améthystes. C'est oui, ça, non, exactement. Ça oui, mais... Mais je m'en fous de ça. Bah non, ça, j'avais juste envie de te mais faire tu, chier. Tu connais les propriétés, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait un gros texte que ouais. J'ai su pendant deux jours. Mais c'est anti-stress. En réalité... Vachement celui que tu as, celui que tu as c'est est un... Non. Les propriétés des pierres diffèrent par rapport au caractère et aux personnes. Ça n'a aucun effet sur moi. Bah, que c'est que tu y crois pas, peut-être, mais. T'es pas fait pour l'améthyste. Ta pierre de cœur, c'est pas l'améthyste. J'aime bien l'obsidienne. Et voilà. Bon, bah, moi aussi. Parce que c'est noir, ça brille, c'est. C'est raciste. C'est séduisant. Bah, non, j'aime les noirs. J'ai un ami noir. C'est justement. Alors ça c'est la réplique. Ouais, on va pas trop en parler. Ah non, on va éviter. Ouais, alors, on va éviter. Ça c'est. Faut pas dire ça, n'est-ce pas, Sydney? Quand on est serpentard, on dit pas ce genre de truc. Non, on dit pas ce genre de truc. Voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qui est-ce qu'on va écouter tout de suite. On va écouter Art. Oh putain. Arthur H. Arctic fucking. Crazy non, logique. Pas Arthur H. Ah oui, Arthur. Oh attends. Arctic fucking. Je préfère sa sœur. Ouais. Fucking. Et Crazy Logique. C'est une reprise de Super Tramp. Ouais. Super Tramp. Exactement. Et ben, on va écouter. Je sais pas qui devait prendre la parole, mais je crois que c'était Cindy avec ouais. Tout ce qui est la partie fan. Alors, non, c'est à moi de dire. Et on ferme nos gueules. C'est à moi de parler, donc chut. Non, je tiens à dire qu'en gros, cette émission, elle est un peu longue, évidemment, parce qu'il y a beaucoup comme de choses comme ma planète. À dire. Vous pourrez la retrouver en podcast sur indestar.fr ou sur une vingtaine de sites de podcasts. Vous pouvez toujours nous appeler aussi si vous avez envie, au 09 70 407 306, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez envie de dire Armor Serpentard, vous êtes les bienvenus. On vous perd. Armor final. Non, Armor Serpentard, c'est encore. Amplificatum. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi réagir sur le Twitch. Abracadabou. Live Twitch, mais sans l'image. Donc, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Sinon, c'est effectivement bien à Cindy de présenter. Ouais. Elle va nous présenter sa fan art. Et sans musique de fond, donc on va la faire nous-mêmes. Et c'est là où j'empêche le ciel de pleuvoir. Merci Cindy. Bon, on va arrêter parce que là on perd tous les auditeurs. Vas-y Cindy, tu peux y aller. Alors, les fanarts. Alors, les fanarts, donc petite définition, c'est l'expression d'un point de vue subjectif sur un univers donné par les fans de cet univers. Est-ce que fanart, tu inclus les fanfictions dedans? Oui. Et les mèmes, par exemple? Non. D'accord. Ah, pourtant, un mème n'est pas un fanart. Non. Un mème, c'est plus, ça relève plus de l'humour que vraiment du fanart. Ok. Alors, donc, il y a plusieurs types de fanart. Je ne vais pas parler de tous parce que bah, on est en manque de temps, tout simplement. Donc, Utilise le remonteur de temps. J'aimerais bien. Le retourneur. Le retourneur, pardon. Ouais. Alors, donc, bon, il y a des cosplays. Donc, je ne vais pas en parler parce que, voilà... on a aussi tout ce qui est DIY, sculpture, tout ça qui est très très beau, mais malheureusement je vais pas avoir le temps d'en parler non plus. Par contre, là j'ai vraiment envie d'en parler, on a des Potterheads à fibre musicale. Oui. Et on a par exemple des personnes qui ont eu une brillante idée de créer une musique qui est très très vite dans notre tête. Voilà, Snape. Severus Snape, Severus Snape. Non, on entend bien. What is that mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Kind of catchy. C'est un Snape. Peu long à venir. Ouais. Snape. Severus c'est Snape. Génial. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Ron. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Ron. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Snape. On a l'université de Michigan qui propose en 2009 une parodie d'Harry Potter sous forme de comédie musicale. Alors à la base, l'idée c'est venu d'un questionnement sur d'éventuels sentiments amoureux que Draco éprouverait pour Hermione en fait. Donc ça s'appelle A Very Potter Musical et je vous invite à aller sur YouTube à taper ça parce que bah, c'est trop drôle. Voilà. On va sortir du comique pour aller vers une note un peu plus tragique. Puisque on a une... Ouais, ouais. Parce qu'on a une magnifique chanson qui retrace l'histoire de Rogue et de Lily. Qui est par Beth Crowley et ça s'appelle Always. Comme le film de Spielberg. Ça colle pas à l'image de Rogue, l'amour. Plus dans son enfance. you're the one who could see the good inside of me. And I knew then that I had something real. I used to love you from afar. So we all decided who we are. Est-ce que t'as ce Donc ouais, voilà, ça c'était j'aime. Beth Curry, Always. Donc elle fait des magnifiques choses aussi sur d'autres bouquins. Donc Always, parce qu'évidemment ça rappelle une de célèbres répliques de Rogue. Alors, donc on va quitter l'univers musical pour aller vers l'univers de l'audiovisuel avec les fanfilms. Yeah. Parce qu'il y a énormément de fanfilms. Et oui, Galen est content parce qu'on va parler de films. Youpi. Et de web-séries aussi. Donc, alors moi, oui. Je vais vous en recommander trois qui sont qui ont un peu secoué les toiles récemment et l'univers Potterhead. On a Sister of House Black, donc les sœurs de la maison Black, donc Andromeda Black, Narcissa Black, plus tard Malfoy, et puis Bellatrice Black, plus tard Lestrange. Alors, ce petit film-là raconte donc, du coup l'histoire des trois sœurs Black, et notamment la manière dont Bellatrix tombe dans la magie noire, la manière dont Narcissa va l'accompagner malgré elle, et la manière dont Andromeda va de se détacher de sa famille pour aller vivre avec un moldu, donc Ted Tonks, et donneront naissance à Nymphadora Tonks. Et ce, pour petite information, ils ont quand même gagné le Golden Cauldron Awards, ce qui est pas rien. Le Golden Cauldron Awards. Ta gueule. Le Golden Globe Awards, en gros. Voilà, ils ont gagné un Awards de l'univers Potterhead. Voilà. Ça ensuite, existe, on a un. De quoi ? Ça existe. Oui, ça existe vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un festival qui remet des awards spécial Potterhead. Ouais. Ils ont gagné. Il va falloir faire un truc au Oswald là pour c'est, ça. C'est un truc. En fait, c'est le meilleur choix. Enfin, le meilleur film selon les auditeurs. Voilà. C'est celui qui a fait le plus d'auditeurs et de qui a le plus plu. Ok. Ensuite, on a donc Voldemort, Origin of the Air. J'étais obligée d'en parler parce que c'est sur Voldemort. Voilà, écrit et réalisé par Gian Maria Pezzato. Alors celui-là, il est un peu décevant parce qu'il y a eu une com énorme autour. Je vous invite quand même à aller le voir, mais on s'attendait pas à ça. Voilà. On s'attendait pas à une chiasse, en gros. Voilà. Non, franchement, il est bien. Il y a juste un problème au niveau du son parce qu'ils ont mal fait, à mon avis, l'export et que la synchro son est mal faite. Ah, du coup, genre, t'as les voix c'est qui sont pas en même temps que les mais sinon, ah, d'accord. Le scénario en lui-même est vachement bien. Je trouve juste qu'ils sont pas allés assez loin sur leur idée. Ok. Voilà, je peux pas trop en dire parce qu'il y a un big twist à la fin qui est juste magique. Et ne spoil pas. Voilà. Alors après, Cocorico, les fondateurs, le fantôme de Serre d'Aigle. Écrit par Louise Chavet, Charlie et Léo Macaigne. Les quoi, et t'as réalisé dit par Ella Dubois. Donc là, c'est une série carrément de 4 films sur les fondateurs. Donc les Potterhead rêvaient de films sur les fondateurs. Donc je vous invite vraiment à aller le voir parce que là, on commence avec le fantôme de Serre d'Aigle. La fin nous dit qu'on va ensuite se diriger vers Godric Gryffondor. Et là, je vous invite vraiment à aller le voir parce que ça vaut le détour. Ils avaient fait aussi le Maître de la Mort, Voldemort, le Maître de la Mort, avec les origines justement de Voldemort version français qui lui était pas ouf. Oui, j'avais commencé à venir. Et là, par contre, ça va envoyer du lourd parce qu'il y a quand même plus de 20 000 euros de budget qui ont été réunis sur ce film, The House of Gaunt, réalisé par Cocorico, Joris Faucon-Grimaud. Et celui-là, lui, franchement, je l'attends énormément parce qu'à mon avis, il va être très, très, très bon. Les visuels sont magnifiques, les caméras sont magnifiques, ils ont engagé des photographes pros. À mon avis, celui-là, il va valoir le détour. Et t'as pas peur d'être déçu par rapport à l'histoire ? Là, pour le coup, pas vraiment. Parce que... quand tu vois que... Non, c'est pas qu'il y a pas d'histoire. C'est si tu veux, c'est qu'ils ils sont carrément inspirés, eux, directement des livres. Mmh. Ouais, ils reprennent et là, ils reprennent vraiment le canon en lui-même. Et donc, ça va vraiment... ils veulent vraiment coller au maximum à l'histoire. Il n'y a pas d'invention. Mmh. Et ça, c'est ce que je trouve géant. Et en plus, c'est un fan qui vraiment... ils ont tous été faits par des fans. Mais là, je veux dire, c'est un fan qui a déjà une filmographie derrière lui, qui a déjà fait des choses... Et qui ont payé, et il s'est déjà fait repérer, donc je pense que là ça va vraiment être un bon truc. Ok, cool. Petite question, est-ce que c'est un serpentard ? Je ne pense pas. Ouais. Tant mieux. Je n'en sais rien, c'est en réalité je n'en sais rien. Alors, ensuite donc, le dessin. parce que le dessin, c'est quand même de la balle. Et alors, je vous invite à aller visiter la page Facebook des crayons de Maud, qui fait des trucs absolument magnifiques. Et celle aussi de... un truc de tuto ou... Non, les crayons de Maud, en fait, elle fait beaucoup de fan art sur Harry Potter. Elle a fait des dessins absolument magnifiques. Donc, je vous encourage à aller la voir. Le dernier que j'ai vu, je crois que c'était la sirène qui est dans la salle de bain des préfets, qui est absolument magnifique. Et elle tourne aussi sur les événements Potterhead, les événements de type Comic-Con. On a aussi Alexandre Arlen qui a créé la BD Bloody Harry. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un truc très humoristique et très gore, en fait. Est-ce que c'est un British qui a fait ça ? Non, il est français. Elle est français ? Non. Ouais, les crayons de mode aussi, c'est français. J'ai essayé de me baser quand même un peu sur des gens un peu français, mais... C'est bien. Dommage. Ouais. C'est ce qu'il y a de moins bien. Donc, là, donc, Alexandre Arlen, c'est du gore. Par contre, Dylan Pierrepont, c'est carrément de l'horrifique. C'est un petit monsieur qui s'est dit, avec les descriptions qu'on a dans le livre, on aurait pu faire de Harry Potter un film d'horreur. Et c'est vrai que quand on regarde la description de Maugrey Folloy, par exemple, ça peut donner des frissons. Et il a imaginé, et là je t'ai envoyé les photos, Jolaine, je sais pas si tu les as, mais il a... On les mettra sur le Facebook pour que vous puissiez voir. Il a créé les affiches des films d'horreur Harry Potter, ça s'appelle Scary Potter et c'est absolument glaçant. Là, j'ai pas d'autres mots sur le coup. Je les ai montrés, ouais, ça fait franchement pipi. Ils sont très beaux, mais en même temps, c'est très très glaçant. Je vous conseille pas de le regarder si vous avez un petit cœur, on va dire, parce que c'est vraiment très glaçant et c'est glauque et sanglant. Mais c'est très très beau, par contre. C'est super bien réalisé, c'est absolument magnifique. Et quand on regarde certains projets de films, par exemple, je vois la tête de Voldemort derrière la tête de Quirrell. Au début, c'était pas du tout le graphisme qu'on avait, c'était quelque chose de beaucoup plus reptilien, de beaucoup plus monstrueux qu'ils avaient prévu. Et finalement, ils l'ont carrément changé parce qu'ils se sont dit que ça allait faire peur aux enfants. Ils ont peut-être bien eu raison parce que moi, ça m'a déjà traumatisé la version qu'ils ont fait. Donc, j'aurais pas imaginé avec celle justement qu'ils ont. Vous avez vraiment, je parle à tous les animateurs. Vous avez vraiment eu une scène, vous avez eu peur dans Harry Potter ? Quand j'étais petite, le premier, je l'ai regardé très très petite. Oui, donc j'ai vraiment eu peur. D'accord. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, si vous les regardiez, est-ce qu'il y a une... Moi, il y a une scène qui m'a fait peur, c'est quand il est arachnophobe, du coup, quand il va dans la forêt. Cette scène. Oh. D'accord. Ouais, aussi. Toi, Galen, la scène avec les araignées. Ouais, sûrement les araignées, Marguerite. Mais c'était plutôt la tête de Voldemort derrière celle de Quirrell. D'accord. Marguerite. Hop, voilà la même, mais j'aime que les araignées m'ont bien fait flipper aussi. Charles, j'ai peur de rien. Alors, dans Harry Potter, le téméraire. Tu oublies que c'est un Gryffondor. Non, j'avoue que tu sais, Bellatrix Lestrange. Moi, Mathieu. Elle est attirante. Toi, t'es pas normal, toi. Moi, j'adore les foldingues. Elle est assez flippante, quand même. Moi, la scène qui m'a fait peur, je sais plus si c'est dans le 7 partie 1 ou 7 partie 2, voire le 6, c'est quand Harry retourne dans la maison de ses parents et qu'il croise Nagini. La tour de sac. Oui, où la vieille, elle se transforme en serpent, mais à un moment, il y a un espèce de scary moment là. Oui, il y a un jump scare. Un jump scare, voilà, et t'es là. Et moi, j'ai regardé ça à 13-12 ans et j'ai flippé ma race. Mais si, t'as un autre moment comme ça, je sais, c'est dans l'Ordre du Phénix, je crois, où quand ils veulent rentrer dans la maison, il y a une espèce de fantôme qui leur apparaît. C'est un sort de protection qui a été mis sur la maison. Moi, ça m'avait fait trop flipper. Mathilde, moi aussi. Je t'avoue que moi, la seule chose qui me fait flipper dans les films, ce sont la déformation des corps. Donc moi, quand il y a eu les doubles têtes, j'étais pas bien. Enfin bref, donc transphobe. What? Je savais pas que c'est. Transhumanisme. Alors, transophobe, je pense que c'est pas la même chose. C'est la haine des personnes transsexuelles. Donc c'est pas non, du tout. Non, ce serait trans. Non, là, c'est la haine des personnes transformées. Ah. Oh, d'accord. Okay. Elle a peur d'Elastic Man, quoi. C'est pas son super-héros. Et d'Elastic Girl. Ça, c'est les 4 fantastiques, ça. Sinon, en beaucoup plus soft et rêveur, je vous invite à aller voir les carnets Harry Potter de Gabriel Piccolo, qui sont absolument magnifiques. Ouais, Piccolo comme un. Mais alors là, c'est avec un seul C. Piccolo comme dans Dragon Ball, ouais. Ah merde, je connais pas. Quoi ? Et donc là, c'est sur DeviantArt. Et ouais. God save the Cindy. Ouais. Et sinon, il y a Dan Elijah Farrarto, donc là c'est pareil, je t'ai envoyé les photos qu'on mettra sur Facebook aussi, qui c'est pareil, fait un travail absolument magnifique. Et on va terminer sur l'écriture, voilà. Mais je vais avant présenter celle de... Alors moi, ma plateforme de prédilection, c'est Wattpad. C'est une application, c'est beaucoup plus simple que les sites internet du style fanfiction.net et tout ça. Donc moi, je vais vous présenter d'abord deux fanfictions que j'ai adorées. Donc il y a Shadow of Allegiance de Fryart 483. Donc là, il y a 20 chapitres en ce moment. C'est une fanfiction sur Draco Malfoy dans sa sixième année, notamment. Et donc, qui est sublimement écrit, c'est absolument magnifique. On rentre vraiment dans le personnage, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai capté après. Je suis étonnée que tu n'aies pas fait de remarques. Annonce à tous les gays. Quoi? On m'a appelé? Je suis étonnée que tu n'aies pas fait de remarques. Pourquoi? Parce que j'ai dit on rentre dans le personnage. Dans tous les sens du terme. Je rentre toujours dans les personnages. Dans Draco aussi? C'est ce qu'il y avait à gagner tout à l'heure d'ailleurs avec plutôt de Foucault. Plutôt de Foucault. Avec mes petites fesses apparemment. Donc voilà, donc Shadow of Allegiance de Fryart 483. Je vous invite vraiment, vraiment beaucoup à aller lire cette personne parce qu'elle fait des choses vraiment magiques. Alors moi j'aime pas les Dramion, mais elle fait aussi une Dramion qui s'appelle The Silence of Past. Donc Dramion, pour ceux qui connaissent pas, c'est Draco et Hermione ensemble. Voilà. Ah, c'est horrible les fanfictions comme ça, paraît qui changent tout le jour alors que ça respecte pas en fait, je trouve. Pas du tout, parce que Emma Watson était amoureuse de Tom Felton. Tom Felton. Et d'ailleurs, Tom Felton en a ras le cul qu'on lui pose la question à chaque fois. Et alors, vous avec. Et il a répondu quoi la première fois La première fois, il a dit que c'était juste amical. Et là, récemment, il y avait un truc parce qu'il est dans. Alors, je crois que c'est The Origin, une série YouTube. Et ils ont fait une émission, il y a eu des questions sur Harry Potter, il y a une question, c'était vos relations avec sur ses relations avec Emma Watson, et il a pété un câble. Mais vraiment, il en a marre. Donc si on pouvait les laisser tranquilles, ça serait pas mal. Ça doit faire 8 ans maintenant depuis le dernier Harry Potter. Mais moi, surtout qu'il a une petite amie. Il a dans les petites amies. Et elle aussi, Emma Watson, a un petit ami aussi. Et je crois qu'elle a... Non, elle a pas d'enfant encore. Non, pas encore. D'ailleurs, on la voit qu'à la toute fin, même un très court instant, il me semble. C'est dans... Les reliques de la mort, si je me trompe pas. De quoi? Sa petite amie. Oui, on la voit à la fin de la partie 2. Ah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Quand ils on la voit quand ils sont adultes. À la gare. Ah oui, bah oui, c'est celle qui joue Gringotts. Avec mais... Albus Severus Potter. J'en profite pour parler de ça. Vous avez déjà vu Draco Malfoy, là, actuellement? Ouais. Oui, il joue dans The Flash. Enfin, c'est un genre de hippie... Peace and Love qui joue de la guitare. Mais en même temps, Tom Felton, c'est un contre-emploi complètement là. Je préférerais faire l'actu de Emma Watson qu'on peut retrouver dans Les Filles du Docteur March. Ouais, effectivement. Voilà. Et Daniel Radcliffe, quelqu'un des nouvelles de lui? Qui? Radcliffe. Dernièrement, la série Miracle Workers. D'accord. Rupert Grint. Je l'ai vu dans un film Netflix. Il avait joué dans Sick Note, la série Sick Note. Daniel Radcliffe avait joué dans un avec qui était un bon film. Oui, elle avait un des rôles principaux. Ouais. C'est bizarre, un rôle de magicien et un rôle de méchant. Il a quand même pris pas mal la grosse tête, faut le dire. Mais... Il s'est un peu détaché du fandom Harry Potter. Non, mais c'est bien. Ouais, il a fait quelques trucs sympas pour le coup. Ouais, il a fait C+, Affinité, Horns, Jungle. Il a participé en tant qu'acteur principal sur le film sur les néo-nazis. Ouais, Imperium. Imperium, oui, et Swiss Army Man. Imperium, c'est drôle parce que c'est le nom d'un sort. Voilà, oui, qui est dans le jeu. Oui. Armor, qu'on vous mettra en ligne si vous le souhaitez. Mais il est aussi dans Swiss Army Man avec Paul Dano. Il joue le rôle d'un couteau suisse humain. Excellent acteur d'ailleurs, Paul Dano. Oui, en Little Miss Sunshine. Et sinon, pour revenir au fanart. Et aux fanfictions, plus précisément. Non, je vais parler aussi de celle de Rosalia Beans, La Gazette du Sorcier, La Révélation de la Magie, qui est en cours de publication aussi, donc là il y a 13 chapitres. Et c'est l'histoire de Serenity Weaver, qui est journaliste et qui va se retrouver en possession d'informations sensibles. Alors ça se passe après Harry Potter et l'Enfant Maudit, là par contre. Voilà. Et là, t'es dit, enfin, je vais venir à ma fanfiction. Oui, parce qu'on l'attend quand même. Alors, fanfiction, donc. En fait, on n'a pas le temps. Fanfiction qui est disponible aussi sur Wattpad, donc voilà, qui est une application mobile, ou sur Internet aussi, du coup. Donc ça s'appelle À travers les yeux du serpent. C'est en cours de publication. Actuellement, il y a 38 chapitres. Donc là, ça fait combien de pages? Alors, ça fait combien de pages? Je peux pas te répondre parce que moi, j'en ai écrit 47 des chapitres et j'en suis à presque 500 pages. Voilà, donc... Bah, tu veux répondre, alors? Oui, mais au chapitre 38, actuellement, je crois que ça doit faire, allez, peut-être 370 pages. D'accord. Environ. Donc un peu plus sur Wattpad, parce que c'est pas le même format. Donc on se place du point de vue de Draco Malfoy, durant sa cinquième année. Draco Malfoy, parce qu'on est... Drago Malfoy, en français. Draco, Non, parce que moi j'aime pas Drago, c'est moche. Ouais, mais c'est Draco, sinon c'est le nom de mon chien. Nous sommes donc, en France, cher Cindy. J'ai un faux sérieux. Hein, c'est peut-être toi qui l'as appelé comme ça. Et une veste non, de seconde main. C'est par rapport tu au Pokémon un Draco. Draco, Pokémon, j'ai un autre chien, s'appelle Pikachu. Red hair and a homemade rope, you must be a Weasley. Ouais. Yeah. Tu es sûrement un Weasley. OMG. Ok, MBA, ça veut dire LOL en français. Super. J'ai vraiment sorti bonne référence. MDR, ça veut dire LOL en français. En anglais, aussi. Pardon. Oui, ah, cette ref est incroyable. Ouais. Et LOL, ça veut dire quoi? Hein? Nothing of... je sais life. Excusez-moi, j'avais une question à poser à Mathieu qui écoute toujours et je voulais savoir s'il avait perdu sa game là actuellement ou s'il... S'il était en train de gagner. Je sais pas, mais je crois qu'il a mis un petit cœur violet. Je pense que c'est pas le. Écoute, je crois qu'il a rage quitte. Il a rage quitte. Et moi, je pense que c'est pas le. Reviens à sa fanfic. Si vous voulez parler de ma fanfic, mon dieu, parce que. À travers les yeux du serpent. Voilà. Qui est très très cool d'ailleurs. Qui est. Je pensais pas avoir retenu le titre. Ah, t'as commencé à la lire. Ah, génial, merci. On peut lire sur quoi? Sur Wattpad. Donc c'est W-A-T-T-P-A-D. Voilà. Disponible sur mobile ou pas? Disponible sur mobile et sur ordinateur. Moi j'attends la version, comment on trouve la version bouquin. Alors comment tu trouves? C'est soit tu tapes à travers les yeux du serpent, mais là t'es pas sûr de me trouver, soit tu tapes Cindy BVR, donc C-I-N-D-Y-B-V-R. Pourquoi BVR? Bovry. Ah merde, c'est moche. Bah c'est mon nom de famille. Ça, ça fait pas très nazi. Enfoiré. Donc du coup, à travers les yeux du serpent, c'est une fanfiction qui se passe durant la 5e année et qui se place du point de vue de Draco Malfoy, parce qu'en fait ma volonté c'était de justement défaire les. On dit sur les serpentards et de... Bah oui, mais malheureusement, dans la communauté Potterhead, c'est affreux ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire. Donc moi, je me suis fait traiter de nazi. Et par une fille qui était par contre très sérieuse, donc là, c'est vraiment... Et comment tu... Voilà, tu après, ça doit être un peu raison des insultes qui, je le répète et je le précise, sont répréhensibles pénalement. Donc voilà, moi, ça m'a choquée. Ah. Parce qu'en fait, elle confondait réalité et fiction. Et à un point tel que pour elle, toutes les personnes qui... Et elle a refusé de me parler. Hein. Ah ouais. Quand je lui mettais des coms, c'était pas moi qui... Enfin, les gens lui répétaient ce que je lui disais pour qu'elle me réponde. Ah ouais. Non, c'était grave quand même. Ça, donc, c'est une personne dérangée qu'il faudrait mettre dans un asile psy. Ouais. Voilà. Pour lui faire comprendre que la fiction n'est pas la réalité. Test. C'est ça, enfin, c'est alors, un peu... Si je peux me permettre une anecdote, messieurs, dames qui nous écoutaient, désolé Cindy de t'interrompre. Vas-y. Je vais donner ça sur un exemple un peu plus grand que sur toi. Je vais vous prendre des exemples d'acteurs de Game of Thrones qui ont joué des personnages très méchants, genre Euron Greyjoy, enfin plein de gros méchants bien sadiques qui eux ont reçu des menaces de mort, qui sont fait agresser dans la rue parce que les gens, enfin, en même temps ils disaient que c'était gratuit pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont tellement bien joué leur personnage qui est fictif que les gens croient que c'est eux dans la vraie vie, mais non, n'oubliez pas qu'ils sont des acteurs, ils incarnent un rôle. Ouais. Gérald de Rive, par exemple, dans The Witcher, comment il s'appelle Henry Cavill. Henry Cavill n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, il a dû se mettre dans la peau du personnage. Mais c'est pas Superman aussi, mais c'est pas Superman non précise, plus. Enfin, voilà, donc, ne lui balancez pas des trucs dans la gueule. Là, par contre, je suis déçu. Mais voilà, tu prends des acteurs comme Meryl Streep, par exemple, qui fait Le diable s'habillait en Prada. Oui. En vérité, cette femme, elle est adorable. Ouais. Tu vois, et pourtant, elle fait quasiment tout le temps des rôles un peu de méchante. Oui, voilà. Enfin, y en a plein des acteurs. C'est pour ça, donc, vous pouvez détester le personnage, mais n'oubliez pas que quand personne. Vous allez sur Google et vous tapez le personnage, il y aura le nom de l'acteur. C'est une interprétation, en aucun cas. J'aimerais aussi souligner, c'est l'actrice qui joue dans Star Wars 8 aux côtés de Finn, qui, elle, sur Twitter, elle a été balancée, mais elle était pourrie, quoi. Ah oui. Vraiment, les gens ne savent pas faire la différence. C'est mais c'est bien dommage parce que, enfin, elle a dû. J'en ai encore parlé il y a pas longtemps avec une autre Potterhead. Elle a dû quitter Twitter pour la même occasion. Vous avez entendu parler de ça, effectivement. Vous pouvez vous déchaîner sur Maître Yoda, il n'existe pas lui, par contre. Non mais tout le monde l'aime. Ou sur E.T., c'est pareil, c'est juste un animal. Même bébé Yoda, bébé Groot, mais voilà, juste pensez à respecter les personnes. Personne ne peut cracher sur ces personnes-là. C'est ça. Vu qu'elles n'existent pas, personne ne crache dessus. C'est ça. Parce qu'elles sont trop bien. Du coup, si vous voulez, j'ai le résumé de ma fanfic. Oui, à on vous veut lire. Mais fais-le. Parce que je le connais pas par cœur, donc voilà. Merde. Ouais, honte à moi. Oh. Vu, je connais c'est une honte en tant qu'auteur. Shame. Et je connais même pas le résumé de ma fanfic. Il nous faudrait un truc. Donc shame. Voilà, je vous le lis. Shame. Donc. Shame on you. Steak. Eh. Merci. Donc, une maîtresse de cœur. Jugé, mise à l'écart, conditionné par des parents conservateurs, Draco Malfoy est un jeune sorcier qui gâche son potentiel en brimant avec plaisir les sangs de bourbe et les traîtres à leur sang. Mais au fond, qui est-il? Rongé par la jalousie, jusqu'où peut-il aller? Que se passerait-il si Draco Malfoy, fils de Mangemort, ouvrait les yeux afin de sombrer lui aussi dans les ténèbres? Y aurait-il une personne pour éclairer son chemin? et j'annonce directement que la personne en question qui éclaire son chemin, c'est un personnage que j'ai inventé. Voilà. Ce n'est point un Harry ou un personnage existant du coup. Voilà, c'est pas un personnage existant, mais par contre c'est un personnage où, et là ça m'a fait énormément plaisir, où on m'a dit c'est dommage qu'il ne soit pas dans l'univers Harry Potter. Oui. Et quand on te dit ça, eh ben ça fait plaisir. Alors question, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage vite fait? Alors genre, ce personnage, juste nom, prénom, âge, d'où il vient, Lysiac ses origines Basilis. En gros. Voilà, il s'appelle Lysiac Basilis, je ne peux pas trop en révéler parce qu'il y a un big twist avec ce personnage. Oh. Donc je ne peux pas trop en révéler sur lui, c'est un personnage qui est très ambigu, qui est très mystérieux. Il a environ 25 ans. Mais c'est un élève de Poudlard. C'est un professeur qui arrive en cinquième année et c'est un professeur dit de Durmstrang. Ah, de quoi? École de magie noire qui est basée en Ukraine, je crois. Ou en Des Bulgarie, écoles de garçons. Autant pour moi. Alors, en fait, c'est que dans le film, parce que normalement, dans les livres, c'est mixte. Voilà. Mais voilà, c'est un professeur de Durmstrang qui vient à Poudlard et qui est sous la tutelle de Rogue. D'accord. Voilà. Donc, il s'appelle Lysiac Basilis. Ok. Voilà, voilà. Merci. On m'a dit un truc très gentil d'ailleurs aussi sur Facebook. On m'a dit tu devrais être ambassadrice de Serpentard parce que tu connais très bien cette maison. Et ça, je l'ai. Non, mais en vrai. Non, mais si tu veux, j'étais tellement fatiguée qu'en fait, j'ai chialé comme une mère quand on m'a dit ça. Serpentard, je suis tellement contente. Tu vas avoir une déferlante de haine si tu fais ça. Partout. Je trouve ça trop mignon. Pardon. C'était trop mignon. Non, mais si tu défends cette maison. Ouais. Les gens vont, en général, tu vois, Serpentard n'est pas une maison trop appréciée de la communauté. Bah, c'est n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est ça, parce qu'en fait, les gens, encore une fois, confondent Serpentard et Mangemort. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très dommage, parce que Serpentard, en soi, ruse, ambition et fierté, c'est pas des valeurs négatives. L'ambition, ça te permet d'aller loin. Ça te permet d'avoir une carrière. Après, je pense que quand même, cette maison la avait... ruse, c'est en fait, intelligent. Voldemort avait quand même globalement une emprise assez grande sur cette maison. Alors non. Tom, y est du sort. Parce que honnêtement, il était déjà mauvais avant même de rentrer à Poudlard. C'est pas la maison qui l'a forgé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, il était mauvais de base. Non, lui a une emprise après sur les élèves qui. Ah oui. Les fils de Mangemort, les. Etc. Bah les fils de Mangemort, oui, mais Serpentard n'est pas fait que de fils de Mangemort, et d'ailleurs Serpentard n'est pas fait que de sang pur. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. C'est dans les reliques de la mort. Je sais plus. C'est peut-être le dernier. Ou à un moment donné, le professeur McGonagall demande carrément aux élèves, à tous les élèves de la maison de Serpentard, d'aller au cachot. Oui, mais alors, j'ai pas compris ce passage-là. Alors en fait, c'est un peu, voilà, c'est à cause de Pansy Parkinson qui a fait, qui a fait sa gaffe, clairement, parce que Pansy Parkinson, donc la petite amie de Draco et préfète de Serpentard, a demandé à ce qu'on foute Harry. Entre les groupes de Voldemort. Pour sa et du coup, tout le monde a pris pour elle. Elle a dit, parce qu'il y a aucun Serpentard qui a dit, mais non en fait. Moi je suis pas pour elle, je suis pour de l'autre côté. Et du coup, mais c'est le gros souci. C'est comme ça dans les livres aussi. Ouais. Ah ouais. C'est comme ça dans les livres aussi. Par contre, J.K. Rowling se rattrape quand même lors de la bataille. Il y avait notamment aussi avec le personnage de Severus Rogue, mais lors de la bataille de Poudlard, Horace Slughorn, qui est Serpentard, combat aux côtés de l'Ordre du Phénix, de l'armée de Dumbledore et du coup des membres aussi de Poudlard. Et à la fin, on voit il y a cette magnifique scène où on voit Flitwick, Shurav, Slughorn et aussi McGonagall qui sont en train de parler après la bataille. Et cette scène, c'est la scène d'unification en fait des maisons. Ça laisse entendre que les tensions sont apaisées. Voilà. Merci pour cette réponse. Waouh, incroyable. Ça me donne envie de revoir le dernier épisode. Ah, moi ça me donne envie de tous les revoir. Ouais, enfin, tous. Ils sont plus sur Netflix. Eh ben, merci beaucoup d'avoir parlé de ta fan art. J'espère que beaucoup de gens la liront et peut-être que tu seras ambassadrice de Serpentard. J'essaie de masquer sur What machin truc, mais ça me dit non. Non mais attends la sortie en livre. Inscris-toi. Je pourrais pas la sortir en livre. Y a pas parce que c'est une fanfiction, c'est pas moi les droits d'auteur. Et d'ailleurs, je le précise aussi dans en dessous le résumé, c'est pas mes personnages, il y a que Lysiac Basilis qui m'appartient. Et une partie de l'histoire parce que le lire en papier. J'essaye de coller le. À la base, toute base, je voulais vraiment coller au livre et inverser le point de vue. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas possible parce qu'on n'avait pas assez d'informations sur Draco et les actions qu'il faisait. Donc du coup, j'ai un peu twisté le livre. Twisté. Ouais, twisté. Enfin, changé l'histoire en elle-même. D'accord. À un moment. Ok. Mais voilà. Avec un certain personnage. Voilà, avec un certain personnage, effectivement. Moi, je suis au courant. Qu'est-ce que c'est que ce bâton? Dans Les yeux du serpent, c'est ça? Non, c'est qu'elle m'avait un peu spoilé le truc parce que je lui avais demandé. T'en es à quel chapitre? À travers les yeux du serpent. À travers les yeux du serpent, oui, voilà. C'est ça. Je sais plus. Oh, j'étais au tout début, hein, j'avais à peine commencé. Alors attention, avant de lire, je ferai passer toutes les lignes sur mon correcteur d'orthographe et de syntaxe automatique. Alors, je suis assez contente parce que j'ai une personne qui me relit et qui m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes. Si c'est Thomas, ça marche pas. Non, c'est une personne qui est très à cheval sur l'orthographe, c'est pour ça que je lui fais confiance. Thomas ? Non, c'est à Julie. À cheval ? C'est Julie. Lesco. Une dose de cheval. Ah, merci, Gaëlan, pour cette vanne. Parce que je suis cavalière, c'est pour ça, si les gens le savent pas. Ah, il était beau. Voilà. On s'en fout. C'est son cavalière. T'es serpentard, pas cavalier. Non, je déconne. Je chevauche des basiliques, alors fais gaffe. Cette phrase était à double sens. C'est dégueulasse. Moi j'ai un sacré basilic, lol. Ouais, c'est clair. Je chevauche des basiliques. Moi c'est avec mon basilic ça, que je chevauche. J'adore ajouter du basilic dans mes salades. Ok. Oh. Est-ce qu'on passerait pas à autre chose? Oui, Galan. Ouais. C'est à toi. T'as encore un truc à dire, non? Bah, je qu'on t'a zappé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Tu vas nous parler de ton film, ouais, Le Géant de Fer. On va faire une petite pause là sur la spéciale aussi. Ouais. Désolé, mais c'est genre. Pas cool. On sort de l'univers Harry Potter. Deux secondes. Ouais, deux minutes. Une, deux. Histoire. Histoire de parler d'un film d'animation. Bah, vas-y. Donc je laisse Jolan mettre la merveilleuse musique du film qui a forgé ma tendre enfance, qui est Le Géant de Fer, réalisé par Brad Bird en 1999. C'est un film d'animation, action, drame, qui dure 1h30. Donc Brad Bird, vous le connaissez parce qu'il a aussi réalisé Les Indestructibles. Et puis il a réalisé des opus de Mission Impossible, Mission Impossible, Protocole Fantôme. La production... c'est la Warner Bros. Et pour ce film, on a le droit à un excellent casting pour les deux premiers, pour nos personnages principaux. Tout d'abord, Vin Diesel qui fait la voix du géant de fer. Jennifer Aniston qui fait la voix de Annie Hughes qui est la mère. Et Ellie Marienthal qui fait Hogard Hughes, le fils. Un acteur qu'on peut retrouver dans la saga American Pie. Synopsis. À Rockwell, une petite bourgade du Maine, en octobre 1957, livré à lui-même, le jeune Hogarth passe le plus clair de son temps devant le petit écran. Alors qu'il regarde une de ses émissions favorites, l'image se brouille subitement. Il s'aperçoit que l'antenne a été arrachée. Remontant la piste du coupable, il découvre au milieu de la forêt voisine une gigantesque créature métallique prête à dévorer la centrale électrique. Empêtré dans les câbles à une haute tension, le monstre de fer reste gros. Hogarth parvient à couper le courant, sauvant ainsi l'étrange envahisseur d'une mort certaine. L'enfant et le robot se lient d'amitié. Donc les petites anecdotes à savoir sur le film, c'est que tout d'abord Peter Cullen, qui est la voix de Optimus Prime, Sean Connery, on connaît en tant que James Bond, Frank Welker qui fait la voix de Fred dans Scooby-Doo, ou encore James Earl Jones. Je crois qu'il allait dire Harry Potter. Non, la saga James Bond. Ou James Earl Jones. Qui est la voix de Star Wars ou de Mufasa, ont chacun été plus ou moins pressentis pour doubler le géant de fer, mais c'est la future star de Fast and Furious, Vin Diesel, donc, qui a été finalement choisi. Comment ? J'ai rien dit à part Jamal, mais c'était... Ok. Merci, vas-y, Teddy. Continue, Galen. Le personnage prononce en tout 53 mots, mais Diesel doublera bien des années plus tard Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, qui lui non plus n'est pas très bavard. Ouais, mais il a que 4 mots à dire. Oui, mais bah, je oui. savais pas. Je s'appelle Groot et nous. Oui, mais il le dit sur des tons. Il dit nous. Oui, il dit. Oui, il dit nous. Ouais. Nous s'appelle Groot. Nous s'appelle Groot. Et Rocket le comprend parfaitement. Ouais, c'est quand même fou. Ouais. Alors, même les autres après le comprennent. Les autres aussi après le comprennent. Ouais. Et même Thor parce qu'il a fait seconde langue Groot. Enfin, Thor qui n'est plus vraiment Thor. T'as tort. Ouais, t'as tort. Ouais. Alors, on parle pas d'Avengers tout de suite. Pardon. So lucky. Ouais. Après avoir travaillé pendant des années sur un projet finalement avorté intitulé The Spirit, sur un détective que tout le monde croyait mort, donc c'est Brad Bird, pardon, il a été engagé comme consultant sur les Simpsons au milieu des années 90. C'est à cette période qu'il a malheureusement perdu sa sœur, et c'est ainsi qu'est né peu à peu le géant de fer, qui, s'il a beaucoup évolué depuis, est devenu un film d'animation reconnu dans le monde entier pour sa beauté visuelle et scénaristique. Voilà. D'accord. Voilà, c'est donc il est très bien noté sur internet, donc il a par exemple 4 sur 5 sur Allociné. Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Alors, en tant que personne. Je parle. Vas-y. Oui. Oui. Non, vas-y. Alors, IMDb. Si tu veux vraiment des bonnes notes, je trouve. Ouais, non, je sais. Que le ciné est pas terrible. Je sais parce qu'en fait, c'est soit les spectateurs, soit la presse. Ouais. Alors IMDb, bon, je sais pas trop ce que ça change, mais ouais, je vais souvent sur IMDb, mais là, j'ai pas trouvé. Ah, sérieux, il est pas sur IMDb. Si, si, il doit y être, mais j'ai pas. D'accord. Ok. Je peux sûrement le dire après. T'as oublié de nous parler de quelque chose. De. T'as oublié de nous parler de ta future émission qui parlera aussi de film. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Un petit teasing. Un discours. Alors attends. Un discours. Je prépare ça si tu veux. Je peux te lire une des critiques d'un spectateur pour le film. Non, on parle de ton émission. Oui, je sais, mais attends, je cherche en même temps sur mon portable. Si tu veux, on lance la musique, on écoute Guidré et toc, et après tu nous en parles. Ok. Voilà. Et ben, faisons ça. Il y a le quiz. Oui, le quiz. On arrive bientôt. Ouais, mais on écoute Guidré. Et toc. Et là, franchement, je vous conseille vraiment d'écouter parce que ça va être vraiment fun. On est de retour dans Peck Avenger à l'amour. Désolé pour le dérangement. On avait du sang sur les murs à nettoyer de Zebra. Non, ça, c'est ce qu'on écoutera tout à l'heure après, une fois qu'on sera parti. Ouais. Parce qu'on ira à dodo. Mmh. Mais là, on va entamer la partie la plus difficile pour nous. On va Tu voulais pas que je fasse quelque chose ? Si. Si, si, mais je finis mon speech. Ah, pardon. Hey. Hey. Je fais mon boulot. Nous allons faire le quiz de Cindy. Oui. Et pour cela... Enfin. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Tu fais flipper. J'aime pas les serpentins. On va faire deux équipes, je pense. Mm-hmm. Joanne, tu te sens chaud pour jouer? En même temps que les boutons, ça ira? Bah, c'est facile en même temps, oui. Ouais, enfin, je sais pas ce que... Je suis dans le groupe de Cindy. De quoi? C'est étonnant, mais elle joue pas, Cindy. Ce serait trop facile. Ouais, non, mais t'as besoin de son pour le quiz? Non, je sais pas. Il y a juste les musiques et c'est quand tu as une mauvaise réponse. Bon, en attendant, on va peut-être discuter. Hein Galan. Ouais. Non, vous discutez pas. Mais vous aviez qu'à discuter de ça avant. Hein. Mais non, mais les gens sont en train d'attendre. What the fuck, friends? Bah oui, mais on discute. Hey, my name is Paul Taylor. Les règles, oui. Alors, peut-être règles, donc, si you. Vous voulez le faire par équipe, moi je pense que c'est possible. C'est ce qu'on va faire, genre les équipes de 3, c'est ça ouais. Du coup donc je participe là, ils ont l'air, pas évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Moi aussi je le connaisseur. Je vais me mettre là. Donc allez. Non, t'es là-bas 3. Non. Ce qu'on va faire c'est que donc un point par bonne réponse. OK. Celui qui donc on va faire un truc celui du style lever de main parce allez. Que ouais parce que sinon vous allez tous dire la même réponse. Alors, en alors même répète temps. Lever de main. Lever de main. Genre tu lèves une main pour répondre. C'est comme Hermione. Comme c'est bon très scolaire mais c'est comme ça ça qu'est-ce va permettre de pas faire un brouhaha pour les auditeurs, c'est peut-être pas plus mal. Okay. Parce que sinon le truc c'est que si vous répondez tous en même temps, je vais être un peu voilà quoi. Alors, elle a du mal à non, se concentrer, Cindy, c'est pour ça. On va pas faire avec le lever de main parce que c'est pas très radiophonique. Ouais. C'est ce que dirait non, notre producteur. Non, mais lever de main, crier le nom. Bisous à toi, Théo, si tu nous écoutes. Okay, bon. Non, on va faire plutôt en disant notre prénom avant. Genre, Axio Telly, Axio Marguerite, Axio Isma. Vous voyez? Ça va être marrant et c'est plus Harry Potter. Expectro Telly. Non, Axio, parce que sinon, et n'oubliez pas la formule, évidemment. C'est même si c'est paroles, normalement. Voilà, on se donne un nom, on se donne un nom de groupe et on dit Axio avec le nom. Ouais, un nom de groupe. C'est mieux. 25 janvier, ouais. Toi, ça te tente? Pouf souf. C'est un peu long alors, à dire. Donc, ouais. Au niveau, donc du coup, vous dites Axio prénom. C'est bon, voilà. Ouais. Et vous dites Axio. Justement, on proposait qu'on de dire les noms d'équipe, sinon Axio et, non, et le nom d'équipe. Okay, alors, Axio bar. Nous, ça sera bar. Axio bar. Axio bar. Axio bar. Vous voulez quoi comme. Bah non, on veut Léviosa. Est-ce que ça te va, Charles? Axio bar. On prend Léviosa, Teddy? Vous prenez ce que vous voulez. Faut dire Axio quelque chose. En fait, dans nos paroles, on dit Axio notre prénom, mais on fait quand même partie d'une équipe. Parce que sinon, ça va être trop long. Donc oui, là, si vous êtes, je sais pas, l'équipe. Moi, je dirais Axio. Bah. Ah non, je sais pas. Non, bah, c'était Axio, bah, simplement. Ouais, les spuffles. Non, mais sinon, on dit le nom de notre maison. Ouais. Ok. Bah, non, on dit quasiment. C'est un peu. Sardeg. Non, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur Axio prénom pour simplifier allez, les choses. Et donc, un point par bonne réponse. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous donnez un point à l'équipe adverse. Ok. Oh, c'est encore pire. Ça, c'est pour réfléchir quand on parle. Donc, j'ai pas été trop vache. Je sais pas, il m'a dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. J'ai donné le micro un peu vite. Kélan va nous parler de son émission, évidemment. De Krypton. Oui. Quoi? Ouais, je fais une émission. Nani? Si? Kesako, c'est quoi ce rollback de ouf là? Je suis perdu dans l'espace-temps spatio-temporel. Vas-y, j'essaie de me concentrer. J'ai fait un câble. Parce que Yann, coup, alors je propose mon émission Krypton qui sera le vendredi soir de 22 à 23h après Vita Conso. D'accord. D'accord. Où j'invite des gens et le thème de l'émission, ce sera sur un film et on va dériver là-dessus, tout simplement. Donc il y aura, on va parler, j'aime bien parler du doublage par exemple. Ensuite, je demanderai le premier souvenir du film, une séquence qui a marqué, l'impact du film dans vos vies. Je mettrai un cover d'une musique par rapport au film. Ensuite, on se mettra à la place des personnages. Il y aura un quiz, il y aura des choses à apprendre. Et puis, on fera un point actu sur les sorties du mercredi. D'accord. Voilà. Et en plus. Est-ce que tu connais un certain Alain Roux? Bah non, pourquoi? Non. D'accord, non, c'est juste une question. Bah c'est qui? Ah, ouais, c'est clair. C'est un animateur radio sur une radio concurrente dont je ne prononcerai pas le nom. Radio qui? Loupé. Parce qu'ils sont pas actifs. Pardon. Oh, mauvaise pub. J'ai pas dit contraire. non, du tout. Radioactive. Et en fait, il fait une émission qui s'appelle Cinéphage et Sérivore. C'est deux émissions. Et ça reprend un peu le même concept que toi. Ah, ok. Non, moi, je me suis inspiré d'autres émissions pour faire la mienne. D'accord. Okay. Et nous, ce sera beaucoup mieux. Et il est super cinéphile de ouf. Okay. Et genre, en fait, tu me fais penser à lui, mais en plus jeune et plus maigre. Mais personne aussi bon que notre Galen. Bah, aussi. Non, on ne remplace pas la jeunesse par la vieillesse. Hein. En vrai, si, mais la vieillesse et la maturité. Ouais, mais c'est la sagesse. Il est mature, la sagesse. Oh non. Je vote pour mon poulain. Rien à foutre. Voilà. Donc ça c'est pour Crypto. Donc, et il y aura Vita Conso aussi. Donc tous les vendredis, c'est ça hein? Oui, ouais. Tous les vendredis soir. Quelle heure? 22h-23h. Et il y aura 22. Des invités qui viendront probablement de l'ESCAT. Bah, avec plaisir en tout cas. Ou, t'auras des invités différents. Tu reviens à Sylvie encore l'émission. Voilà. Mais t'habites pas en Normandie. Donc Ismaël, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Hein, avec plaisir. Voilà, je mettrai une liste pour s'inscrire. Ok, et du coup c'est toi qui choisis le thème ou c'est... Oui, les émissions sont de... Enfin les films sont déjà choisis. Ok, ça marche. Voilà, en tout cas pour les 50 premières. D'accord, bah merci pour l'invitation et puis j'ai hâte de participer alors. Cool. On va s'amuser. Voilà. Oui. Et maintenant, on va commencer le quiz de Cindy. En sachant qu'il me manque un micro, ça me pète les couilles. C'est bien dommage, tu vas devoir suivre avec Jolan. Voilà. Donc les deux mauvais élèves ensemble. Hein. En fait, t'es tout seul, Gaëlan, dans ton équipe. Je peux faire ma propre équipe, s'il vous plaît. Alors, non. Par l'équipe contre, du milieu. Je vais quand même prendre un nom d'équipe pour vous, pour les points, ce sera plus simple pour moi. Serdeg, non, on l'a déjà donné Axioba. Axioba. Les pantoufles à côté. Et qui est une référence à Lévi Ossara. Un truc qui a été fait. Non, j'ai tellement regardé que j'ai fait les voix et après j'ai fait. Je suis une bonne voix off en vrai. Alors, on va commencer. Donc, j'ai pas été trop vache, j'ai fait des questions sur les films. T'as pas été trop meuf. Arigato gozaimasu, Shinji-san. J'ai pas rien compris de ce que t'as dit, mais ok. Quoi? Il a dit merci, en gros. Merci beaucoup. Yamate Konasai. Avec le san qui est honorifique, mais du coup, juste dire chan Arigato parce que nectar. Voilà. Désolé. Ok. Donc, on va perdre des points. Désolé. Par... Donc, je vais faire dans l'ordre chronologique sur les. Alors, moi je dis. Gryffondor. Sept films. Serre d'aigle. Ah non, je suis poussouf, pardon. C'est nous, Serre d'aigle. Je regroupe le 7 partie 1 et le 7 partie 2. Normal, c'est une seule et même partie. On s'en branle. Ok. Harry Potter à l'école des sorciers. Premier volet. Quel est le premier sort formulé rencontré dans la saga? Axioba. Oh putain, vous êtes chiant à dire les trucs en même temps. Oh la vache. Wingardium Leviosa. On recommence. Ouais, mais... Attends, lui il a dit nom de son équipe, il a pas dit Axio Isma. Bah, c'est la même chose. On avait dit Axio prénom. Ok, bah vas-y, voilà. Pour je suis fair play. Désolé. Oculus Reparo. Oui. Bien joué. C'est une bonne. Qu'est-ce vous que avez des réponses devant, je suis sûr. Ah, bien joué, Teddy. Voilà. C'est une bonne réponse pour l'équipe de Serre d'Aigle. Ma sœur est super fan d'Harry Potter, j'en ai bouffé malheureusement. Alors, deuxième question. Je vous ai dit que c'était facile en vrai. Ouais. En allant à Gringotts avec Harry. Hagrid doit récupérer un paquet dans une chambre forte. Quel est Action le télé. Numéro Action. Elle n'a pas je fini. Pas mais laisse-la finir la question. Quel est le numéro de la chambre forte? Action Isma. Oui. Bâtard. Ah, le numéro de la chambre, pas l'objet. Vas-y, pas ta réponse. Allez, vas-y. Vas-y. Non, mais putain. J'étais concentré sur la fin de son mot, du coup, j'ai pas écouté, j'étais là. Et quand elle a arrêté de parler. Du coup, alors, peux-tu répéter la question? Le numéro de la chambre forte. Non, mais attends, il a où Hagrid est venu chercher les colis. Hagrid est allé chercher. Il est obligé de répondre, il va se planter. Eh bah, Inch'Allah, 1789. Est-ce que l'équipe Serdaigle a la réponse? Bah non, il s'est planté, on le laisse tranquille. J'en ai un à foutre. Oui, non, mais vous gagnez le point, mais est-ce que vous avez la réponse? Ah, c'était pas 107? 312? Non. C'est 8. 713. 713. 713. Je savais qu'il y avait un 7. Ah, j'étais pas loin. Alors, troisième question sur Harry Potter à l'école. Tu écoutes la question. Oui. Quel est... Alors ça va aller très vite normalement. Quel est le premier cadeau de Harry en tant que sorcier? Axio... Attends, là, j'ai un doute. Axio Isma. Isma. Merci, Charles. Merci, Charles. Axio Charles. Ok, okay, si j'ai bon, je lui donne le point, c'est pas grave. Mais non, il est avec toi. Non. Il est avec toi. Mais... Bah oui, putain. Bon, on t'en parle. Ouais, c'est pas grave, il est tard, il est très tard. Et du coup, je dirais un balai. Faux. Non. Non. Allez. Mais non. C'est une réponse bonne du coup pour Serdaigle, un point pour Serdaigle. C'est la chouette, non? C'était quoi? C'est la chouette. Ah, c'est une Nimbus 2000. Mais Nimbus 2000, c'est beaucoup plus tard. Parce ouais. que c'est Hagrid qui lui offre pour son 11e anniversaire. Désolé, c'est pas grave. Au moins, t'as essayé de répondre, c'est déjà ça. Eh bien non, parce qu'un gâteau d'anniversaire, ce n'est pas un cadeau. Bah pourquoi? Pas parce que c'est la tradition. Oh. This is mais tradition, mais si s'offre pas un cadeau d'anniversaire. Si je l'avais dit, tu l'aurais compté ou pas? Un demi-point. Je t'aurais compté un demi-point. Oh, parce c'est vache, que, voilà. Et c'est pareil, vous m'auriez dit pour la première réponse à la base, pour la première question, je voulais pas faire cette formulation là, je voulais te faire une formulation. C'était quel est le premier sort formulé rencontré par Harry? Et là, ça aurait été Avada Kedavra. Et là, ah ouais, je vous aurais tous baisé. Oh, mais j'aurais voilà. trop voulu. Bah oui, puisque quand il est jeune, un truc aussi simple. Sois pas gentil, sérieux, c'est nul. Bah non, prononcé par Harry, ça aurait pas été ça. Non, rencontré. Ah, rencontré, oui. D'accord. Alors, quatrième question. Qui a composé le célèbre thème Edwige Finn? Action Galen. Oh. Williams. Exact. Oui, c'est celui, je l'aime. C'est celui qu'on écoute en ce moment, il me semble. Oui, c'est bien celui-là. Ah putain, c'est écrit en plus devant. Mais quel homme, oh, incroyable. Non, on n'aurait pas trouvé. C'est pas écrit dedans. Edwige. Oui, mais c'est Edwige. Ah, mais je te demandais le composeur, t'es le compositeur, le composeur. Ah, wow. Le composeur. Mais c'est en anglais, donc ça passe. Le composer. Okay. C'est pas grave. Ok. I hate you. Attention, celle-là, c'est la plus compliquée, je pense. Oh. Qui a dit tu vas t'en sortir, Harry, tu es un grand sorcier? Oh là là. Action Galen. Oui. Oh bah, vous êtes dans le même équipe. Vas-y. Hermione. Exact. Oh putain, j'aurais dit. Ah ouais. Hermione Granger, ouais. Juste avant pendant que. Pendant la partie Harry, d'échec, quand Ron est. Voilà. Non, oui, quand, je quand Ron est KO, ah, juste ouais. avant qu'Harry parte. Et qu'elle, oh, que oh, Harry lui répond. Oh, quoi, là laisse-la finir, s'il te plaît. Que Harry lui répond que elle est une grande sorcière et lui. Et elle lui répond que. Un elle grand ne sorcier, connaît Harry. Un grand que sorcier. Que les livres et que lui. Il y a des choses importantes comme l'amitié et le courage. C'est vrai. Voilà. On enchaîne. On n'a pas l'arme, hein. Sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Attention. Selon la légende, qu'est-ce que Salazar Serpentard a caché dans la Galen. Chambre des Secrets? Je n'ai pas fini. Axio Isma. Le livre de Tom J. Non, je rigole, le basilic. Non. Quoi? Axio Charles. Selon la légende. Axio Charles. Mais que... Oui, mais sauf que ça fait une bonne ah, réponse du coup. Oh oui. J'ai dit selon la légende. Selon la légende. C'est un monstre. Un monstre. Oh, un monstre. Oh, ah bah oh. oui. Ah bah oui. Et bah oui. Réfléchissez. Ah c'est vicieuse. Parce que là, on souffle pas. Non, on joue monsieur. Sur les mots. Merci Ismaël. Non, franchement, ouais. On est à 6 points pour Serdaigle. Donné par Ismaël. 0 pour l'équipe bas. Bah vous êtes bah, bien vous bas. Vous êtes au plus bas. J'ai envie de dire. Bah. Ah oh. Voilà. Moi un point pour je les lancé, deuxième hein, réponse, deuxième question pardon, deuxième pour point. La Chambre des Secrets. Qui est la première victime du basilic? Axio Galen. Oui. Mimi Géniard. Oui. De son vrai nom Myrtle. Je suis jamais sûre. Oui. Oui. Il y a très longtemps, lorsque la première fois, il y a 37 fois était, ans, je crois. La Chambre exact. Des Secrets a été ouverte. Sept bonnes réponses. Moi j'allais dire celui-là qui avait l'appareil photo, mais non c'est dans le 2 du coup. Colin, c'est le deuxième. Ouais. Alors. Troisième question. Alors celle-là, ça va aller très vite, donc préparez vos mains. Pour quelle raison Ron Weasley reçoit-il une beuglante? Axio Teddy. Là ou l'autre? Vas-y. Teddy. Parce qu'ils Ils sont trop longs, Axio et Smart. Non, je sais. Axio Charles. La voiture ensorcelée qu'il a empruntée à son père sans lui demander. Voiture qui est une... Voiture volante. Voiture volante. De quelle marque? Une DeLorean. Non, mais je déconne. Non. Genre de quel. Et comment veux-tu qu'on sache? A fait sa sadique de Serpentard. La marque des pneus aussi, s'il te plaît. Michelin. Ils sont à flanc blanc. Je vous dis ça parce que c'est quand même très important par rapport à J.K. Rowling. Ouais, mais c'est là ça devient complexe. C'est un sa peu, première quoi. Voiture. Ah merde, je sais. Non, je bah, sais pas. Les steaks de J.K. Rowling. C'est une Ford Anglia, mais vous avez le point quand même. Je suis pas gare. Ah ouais. Quelle est la marque de la bagnole de la voiture magique? Bon bref. Alors, quatrième question. De qui Hermione souhaite-t-elle prendre l'apparence afin d'interroger Draco? Et là, je vais donner directement la parole à l'équipe bas parce que vous arrêtez pas de me couper la parole. Mais moi, je m'en souviens même plus. Dans l'équipe Serdaigle. Elle va prendre. C'est vicieux parce que c'est un spy. Alors, est-ce que tu acceptes les réponses quand tu ne connais pas le nom exact du personnage? Si, ça, si la description correspond. Excuse-nous, on n'est pas aussi. Ok, donne-moi la description. Je connais pas autant que toi. Alors, c'est une fille de Serpentard. Wow, c'est non c'est... Pas, ce n'est pas un des acolytes de Drago, parce que ça, justement, en fait, quand elle a fait la potion de polymorphe. Polynectar. Voilà. Cette fille, il y avait un chat, et justement, elle a mis un peu. Elle a eu le poil de chat dedans. C'est pour elle se transforme en chat. Ouais, voilà. Mais, ça dit mais pas je ne connais pas le nom du personnage exactement, comment la fille s'appelle. Mais je sais que c'est une fille de Serpentard. Ah non, on peut pas lui accorder. Non, je peux pas vous l'accorder. Bah ouais. Je peux pas vous l'accorder parce que vous ne m'avez mais pas donné. Été payé Ils ont par pas donné de mauvaise réponse par contre. Mais vous avez pas donné de mauvaise réponse parce qu'effectivement c'est cette personne-là donc vous gagnez pas de points, vous l'équipe sert. Yeah c'est Millicent Bullstrode. Voilà. Ah, mais comment tu veux retenir ça Je t'aurais jamais donné le nom. Millicent Bullstrode. Bullstrode qui est dans le gang de Pansy Parkinson, la petite amie de Draco, avec Tracy Davis et Daphne Greengrass. Et Daphne, voilà. Ok. Alors, cinquième question sur la Chambre des Secrets. De quelle réplique provient la parole de fan « Harry Potter est mon passé, mon présent, mon futur » et qui dit cette réplique? Action Teddy. Tom Jedusor. Merde, Tom Jedusor, pardon. Ouais, et la vraie réplique, c'est... Comment ça, la vraie réplique? J'ai demandé la vraie réplique dans la question. La vraie réplique, c'est... J'ai pas compris la vraie question. Je t'ai dit de quelle réplique provient la parole de fan. Harry Potter est mon passé, mon présent, parole mon futur. Parole de fan. La parole de fan, c'est une réplique déformée. Quelle est la vraie réplique? Répète. C'est que Harry Potter Tom Jedusor est à la fois mon passé, présent. Mon présent et mon futur. Non, c'est mon présent, non, mon passé et mon futur. Voldemort. Ah, Tom Jedusor. Oui, c'est Tom Jedusor. Oui, non, mais en fait, c'est que la phrase, elle est pas dans le bon sens. C'est Harry Potter est mon présent. Mon passé et mon futur. Non, c'est pas Harry Potter. Alors, non, c'est pas Harry Potter. C'est pas Harry Potter. C'est Tom Jedusor qui. Voldemort. Qui parle de Voldemort. Je l'ai dit. Ouais, mais c'est pas toi qui as dit action machin. Ouais. C'est dommage. Ouais. Bon. Non, mais je suis avec toi. Non, mais. Non, mais. Bah. Ah, j'étais là. On est grand-père. Gagnant, pardon. Non, on est grand-gagnant. Pour le moment, oui, vous battez tous les records, effectivement. Alors, on va passer sur. Du coup, un film que tu as bien travaillé, Gaëlan, qui est Le prisonnier d'Azkaban. Alors, première question. Là, si vous n'avez pas les making-of en tête et les côtés techniques, je suis désolée pour vous. Alors, bon, on va laisser Gaëlan répondre à tout. Hein. De quelle chanson J.K. Rowling s'est-elle inspirée pour les paroles de Double Trouble? J'ai même pas entendu ce que c'est. C'est vachement pointu comme questionnaire. De quelle chanson J.K. Rowling s'est-elle inspirée pour les paroles de Double Trouble? C'est celle à Londres et postuler. Franchement, je suis pas assez pointu pour répondre à ce genre de questions, je sais pas. Franchement, il est dur ton questionnaire, il est assez dur. Je trouve pas qu'il est si dur que ça. Ah ouais, ça va. Vous vous trompez juste tout le temps. Oh la salope. Elle est super. On hésite beaucoup dans les deux camps. Non, celle-là est extrêmement dure quand même. Nous, on a une technique, on laisse Ismaël parler. Ouais. Alors, moi, je fais du stéréo maintenant. Alors, ça a été déformé pour être un chant de Noël, effectivement. Enfin, une espèce de chant de Noël. En fait, c'est un chant qui est repris. Donc, personne n'a la réponse ? Non. Ok. C'est un chant qui est repris par les trois sorcières dans Macbeth de Shakespeare. Macbeth. D'accord. Voilà. Bon bah grand bien leur face à ceux qui savent ça. Hein. Attention, là ça va être très rapide quand même parce que c'est quand même une grosse scène avec Remus Lupin. Je donne pas du tout d'indice. Qui a dit c'est ce cours qui est ridicule? Action Galen. Ouais. Oh. Bah Drago Malfoy. Ah oui. Ah oui, c'est exact. C'est son cours qui est ridiculus. En plus. Ensuite. Elle a arrêté de les noter. Franchement, laisse tomber les notes là. C'est... Non, je vais noter, vous pouvez toujours remonter, il y a encore plein de questions. Oh, tu parles. Wouhou! Alors. T'as vu actuellement nos têtes fatiguées ou pas? Que reçoit j'ai même plus envie de répondre, Harry? Attention, celle-là c'est très facile si vous êtes rapide, c'est bon. C'est bon avec un plus 5, genre. Que reçoit Harry à la fin du film? Action Israël. Bon, vous l'avez dit en. C'est pas un Oscar déjà. Et je vais accorder du coup à l'équipe. Alors, on est bien sur le 3ème, hein, c'est ça que je vous dis. C'est le 3ème. Si tu parles de. À la fin du film, 3, c'est à la cap. Non, excuse-moi. Putain! Yes. Putain, mais c'est quoi ça? Non, non, non. Ah, yes. J'ai dit non, excuse-moi. Vas-y, cherche. Trop tard, trop tard. Mais non. C'est quoi? J'ai même pas compris. C'est de quel film? Alors, répète la question pour elle. Le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Too late, avec baby. Sirius Black. Ah, qu'est-ce qu'il, et qu'est-ce qu'il reçoit à la fin du film, Harry? Ah, oh, mais si. Oh, regarde, je t'ai aidé, Ismaël. Non, c'est non, le Nimbus 2000. Non, non, même pas. Non, mais non, pas du tout, pas du tout. Ou alors c'est le miroir, je sais plus. Non, non, non, non, c'est un truc que lui donne Sirius en plus, je crois. Oui, putain, mais je vois de quoi il s'agit. Ah. Non, non, non. Putain, mais qu'est-ce qu'il lui donne? Mais 30... oui, mais je vois en plus. Ah, c'est pas la caméra d'invisibilité. Ah. Non, mais rien à voir, rien à voir. C'est un truc en plus. C'est genre un papier, je crois. C'est pas du tout un truc sentimental. Non, c'est quelque chose qui va. Plus. C'est pas un papier. Non, pas du tout. Ah, c'est oui, un balai. Ah, un balai qui est le balai le plus rapide. Mais oui, c'est l'éclair de feu, c'est putain. L'éclair de feu, ah voilà. Bah oui. T'es j'ai mauvais, pensé à Nimbus 2000 parce que tout à l'heure Charles c'est m'a parlé du Nimbus 2000. C'est l'éclair de feu qui est envoyé avec une plume d'hippogriffe pour signifier que c'est Sirius. Ah voilà, c'est la plume que j'avais en tête du coup. Ouais, mais non. Ok. Bon bah voilà, il y a encore un point qui se barre pour l'équipe Serdaigle. Oh, ils ont mis au moins trois mauvaises réponses. Non mais j'accorde. Il y en a au moins 5. Alors Mathilde. Je te l'ai dit plus tôt dans la journée et je me suis pas rendu compte. Mmh. Donc tu es un peu avantagé pour cette question. Combien... Même pas disqualifié. Combien de lacs sont utilisés pour recréer le lac noir de Poudlard? Axiotélie. Mathilde, 3. Exact. 3 lochs écossais qui sont Chil, Elix et Morar. Bon, ça nous fait au moins un point. Ouais. Sur triche. Sur triche, mais bon, ils ont bah deux non, points. Parce que elle m'en a parlé au tout début de la journée, donc j'aurais très bien pu ne pas me souvenir. 10, wow. 2 à 10, mais c'est encore rattrapable. Vu wow. Le nombre de questions. Attends, il y en a combien des questions parce que... 42. Il y a 35 questions en tout. 30, d'accord. Ah bon Dieu. Ok, alors. Et à la fin, ça fait venir Voldemort ou Non, ça fait venir Beetlejuice. D'accord. Alors, combien de personnes ont été approchées avant Alfonso Cuarón pour la réalisation du prisonnier d'Azkaban? Axio Galen. Oui. 3. Qui? Mais non, c'était combien? Ouais, <j'avoue. rire> Mais c'est ça, c'est 3, oui. Voilà, je préfère. Attendez. Je vais me chercher un fauteuil pour m'allonger. Pour resituer, c'est qui l'acteur que t'as dit Il joue quel rôle? Alors, c'est pas un acteur, c'est non, quand c'est même le réalisateur. Ah oh, non, mais je peux pas le connaître, d'accord. C'est le réalisateur. Okay. Attention, Phil. Tu t'en vas vraiment, Ismaël? Non, je reviens, j'ai cherché un fauteuil pour mettre bien parce alors, que là, je suis plus en forme. Chris Columbus refuse de faire le prisonnier d'Azkaban parce qu'il ne veut, il veut pouvoir s'occuper de ses enfants. Ensuite, Guillermo del Toro est approché. Ouais. Mais il n'est pas intéressé par l'univers Harry Potter, donc il refuse. Il Mark fait un Foster. Truc c'est clair. Il a fait Mark quoi, Mark Foster, Foster. Je sais plus du tout. Mais ah, si, il a fait Neverland. Okay. Et en fait, il va refuser de faire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban parce que depuis Neverland, il ne veut plus diriger d'enfants acteurs. Ah, d'accord. Et la Warner va établir une liste de 3 noms. Kelly Carey, Kenneth Branagh, qui a joué Lockhart. Et Cuarón, qui est encouragé par Guillermo del Toro. Et fun fact, il a été quand même insulté, le mec, pour, juste avant de réaliser. On lui a en gros dit, de toute manière, t'es pas capable de le faire, c'est pour ça que tu refuses. Et il a rappelé et il a dit, je vais le faire. Yes. Cool. Oui, je m'en souviens. Alors. Bah, du coup, on a un point ou pas? Oui, bah, vous ouais. Avez, pardon, je vous mets même pas le point. Désolé. Ça, c'est bien, c'est parce qu'en fait, j'ai envie d'avantager Mathilde qui est dans l'autre équipe. C'est Marguerite. Ouais. C'est Marguerite, pardon. Oui, Mathilde, c'est bien aussi. Alors, bon, petite question. Je préfère Mathilde aussi. Petite... Ouais, mais à la radio, c'est Marguerite. Merci. Petite question, rien, du coup, sur il... Harry Potter et la coupe de feu. Oui. Et le quatrième. Wow. Ouais, oui. Mon Charles, il tu devrais être un peu plus... Oui, oui. Il manque pas de question, là. Est-ce qu'il y a bon? Alors, si, mais en fait, la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est la question bonus, donc j'ai pas de la réponse plus. T'en souviens pas? Bah, c'est con. Bah, tant pis. Non, je vais pas la poser parce que c'est une question bonus, quand même. Alors, mais je la poserai à la fin si je vois qu'il y a un trop gros écart. Okay. Alors, Harry Potter et la coupe de feu. Première question. Quel est le sort utilisé par Harry lors de la première tâche du tournoi des trois sorciers? Axio Teddy. Oui. Axio. Exact. Axio pour attirer son balai. Bah parce ouais. Que quand Harry, Axio éclair de feu. Quand Harry lui dit puis il est bon sur un balai, mais qui n'a pas le droit au balai, Alastor Maugrey. Elle lui dit, bon, tu en as vrai, le droit à une baguette. Barty Crouch Junior lui répond, mais tu as droit à une baguette. Oui, parce que c'est pas Alastor. Ce n'est pas Alastor. Non, c'est Barty Croupton Junior. Alors, attention, celle-là, elle est un peu chiante, je l'avoue, parce qu'il faut avoir bien regardé les films. Quels sont les ingrédients de la potion permettant à Voldemort de renaître? De renaître? Action de Charles. Ah merde. Charles. Vas-y, prends Charles. Du sang d'Harry. Ouais. Un os. Ah oui, un os. Du père. Ouais. De Voldemort. Exact. Un bras. Une main de. Ah oui, si, la main de. Comment Peter Petit Gros. Du, ouais, Peter Petit Gros. Exact. La chair du serviteur, plus précisément. Ça fait un point, mais je vais l'accorder quand même, parce oui. que c'est ça. Oui, oui, non, ce oui. sont Bravo. Les os du père qui sont pris contre Merci. Son gré. Le sang de l'ennemi pris... La chair du serviteur, ensuite, qui est donnée avec... alors, je le fais de la traduction anglaise, donc du coup, j'ai pas les mots de la réplique française, en vrai. Mais c'est ça. Mais les os, la chair du serviteur, donc, qui est... Sacrifié pour... Sacrifié. Et le sang de l'ennemi qui est pris aussi de force. Ouais. Voilà, voilà. C'est ça. On a un point, c'est déjà pas mal. On enchaîne avec la troisième. Alors celle-là, c'est... j'ai été vraiment vache sur la coupe de feu, je crois, sur les questions. Je suis désolée, parce que celle-là, si vous me la trouvez, vous êtes quand même très fort. Alors, troisième question. Quel est le nom du chorégraphe qui a coaché les acteurs pour la danse du bal de Noël? Mais c'est pas dans le film. Non, mais je vous ai dit, il fallait avoir vu les making-of. Vous ne faites pas chier. On n'a pas eu le temps. Bon bah... Personne répond. Si du j'ai envie coup. De ouais, m'amuser, non, personne je va McGonag- répondre. McGonagall, eh ben tu n'es pas très loin parce qu'en vrai, il s'appelle McGregor. Oh, c'est vrai. Donc, Connor Wayne, McGregor. Yes. Wayne McGregor a fait la chorégraphie et c'est a pas McGregor et McTayer, non ça. OK. Non. Alors, toi tu vas pas répondre, je vais pas t'accorder la réponse parce que du coup, tu le sais, tu l'as dit dans ta lettre. T'as quand la réponse. Attends, j'ai dit quoi? Qui a réalisé Harry Potter et la Coupe de Feu? Axio Charles? Oui. Mike Newells? Bien. Exact, tu es très fort. Merci. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Je m'en souvenais plus. Ouais, mais du coup, je savais que Galen le savait directement, que Mathieu n'était pas sûr aussi. Qu'elle s'en souvenait, tu vois. Il est quand même minuit 26, je dis pas. Donc, 27. Faut pas s'attendre à des miracles. Oh, bah, demain, je vais pas faire du démarchage commercial. Alors, ça cinquième je vais dormir. Question. Et là, je sais que. Et là, du coup, j'ai vraiment été vache. Bah, tu m'avais dit tout à l'heure que les questions étaient trop simples. Alors, du coup, je me suis vengée sur la coupe de feu, je crois. T'avais dit qu'on ferait des knackis. Alors, quel est le nom du groupe de rock présent au bal de Noël? Voilà. Ils ont un nom. Ah, le vrai groupe ouais. qui joue. Ouais, c'est, le un groupe célèbre, je crois. C'est Jimi Hendrix. C'est pas vraiment... Non, c'est pas un groupe non plus hyper célèbre. Ah ouais. C'est pas... Y a pas Rabbit dans le... non, pas du tout. Non, c'est pas CDC. Il y a Ladies. Pas du tout. De toute manière, personne n'a dit Axio, donc... Ouais, en plus, personne n'a dit Axio, c'est vrai. On t'entend pas. Dans ton micro, On c'est mieux. On t'entend pas dans ton micro, c'est mieux. Comme Gaël a parlé en premier, malgré que Charles l'ait fait d'abord, mais qu'on n'ait pas entendu... Non, non, il essaie de négocier un point là. Non, moins un pour eux. Non, moins un pour eux. On n'a rien dit. On n'a pas dit action, on n'a pas essayé de répondre. Bah, ils n'ont pas dit action. Bah, parce qu'on n'a pas essayé de répondre. On va passer la question parce que t'auras pas de réponse. Alors, c'est The Weird Sisters avec Jarvis Cocker, Jason Buckle, Steve Claydon, Johnny Greenwood, Steve McKay et Phil Selway. C'est aussi connu qu'ACDC. Au moins. Ah ouais? Non, je pense pas. C'est aussi connu que la au moins un minimum. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Je te jure. Next, please. Ouais, alors on enchaîne du coup sur mon préféré, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors mon préféré en livre parce que le film n'est pas bon. Alors, combien de Mangemorts s'évadent d'Azkaban en 1996? Mais vas-y. Ah. Petit indice, c'est l'invasion avec Bellatrix. Oh waouh, waouh, ça change tellement les choses. 5? Non. Merde. Ça fait du coup plus. Une réponse d'office. C'est combien? Moi je dirais 3 ou 4. Non mais c'est bon, on a le point. Non, on a le point. C'est plus. On a le point. 10. Ouais. On a 10 Mangemorts qui s'évadent. Ça fait un petit bout quand même. Hein. Beaucoup de serpentins en liberté. Ouais. Alors, deuxième question, c'est un qui a dit. Alors, qui a dit qui dans a le dit monde, il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre le mal. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Axio Charles. Dumbledore? Non. Ah merde. Non, c'est putain. T'allais dire quoi? Pas... T'allais dire Dumbledore. Alors, c'est pas McGonagall? Non. Non. Mais... Attends. Vas-y, et après je dis. Est-ce que c'est pas Rogue? Non. Merde. Non. Ah, je sais, c'est Lupin. C'est... Non, dans le 5, je pense que c'est Sirius. C'est Sirius. Ah, mais oui, c'est Sirius. Ah. C'est Sirius. Et effectivement, ah, si j'ai posé cette question, c'est parce que ça a le côté philosophique de Dumbledore. Et je me suis dit, tout le monde va dire Dumbledore. Et ça a pas loupé. Merci, Charles. Tu m'as sauvé en vrai. Je me suis dit, je vais interroger Charles en premier pour qu'il ait un point. Bah, ça a loupé. Attends, t'as mis un point à qui là? T'as mis un point à qui là? En fait, c'est dangereux de se faire interviewer en premier. Alors. Là, je vais avoir besoin de toi, Jolan, pour que tu mettes le thème Professeur Umbridge. Et je vais vous demander qui a composé le thème Professeur Umbridge. Attends, ça doit être écrit, ça. C'est le thème de Dolores ? C'est le thème de Dolores. Qui ouais, a ombrage. Composé ce thème ? T'as oublié de dire Axu avant. Personne ne le sait, en fait. Personne ne le sait ? Bah... Alors, il y a John Williams qui a composé les films, les premiers films. Ouais. Pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est Nicolas Hooper. Okay. Nicolas Flamel. Nicolas Hooper. Et Cocorico, Alexandre Desplat a fait les musiques. Il est français. Mmh. Ouais, Alexandre Desplat a fait les musiques d'Harry Potter et les Reliques de la Mort. Ça, c'est cool. Et on lui doit Lilisfilm, d'ailleurs. Ah oui. Okay, ouais. Qui est magnifique. Mmh. Alors, qui dénonce l'armée de Dumbledore sous Veritas Serum, Dolores Umbridge. Axio Tilly. Axio Tilly. Elle a pas fini. Axio Tilly. Elle a pas fini. Oui. Oui. Merde, Cho. De son nom de famille. Oh, c'est quoi son nom de famille? C'est Cho. Tu vas Wang. Cho Chang. Cho Chang. Cho Chang. Et alors, oui, je vais l'accorder parce que du coup, j'ai dit que je peux jouer dans les films. Alors moi, je donne des moitiés de réponse. On me dit non, eux, ils ont Cho sans nom de famille. C'était pas réponse. Une moitié de réponse, c'était pas du tout une réponse. Il y a au moins 3-4 fois où il a donné ouais, des boudrières. Il a dit, le chat et même vrai, pas le nom de ma fille. Non, mais... Je vous ai accordé le point. Hein, non, tu m'as pas accordé le point. Ah non. Si, je te l'ai accordé. Pour le basilic, par exemple, tu nous as pas du tout accordé le point. Ah, mais non, parce que le basilic, par contre, je suis intransigeante parce que... Non, parce que selon la légende, c'est un monstre. C'est pas un basilic. On ne sait pas ce qu'il y a dans la chambre des secrets. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. On pensait que c'était tous les monstres ne sont pas des basiliques. Et tous les basiliques sont Aragog. Et tous les mangements ne sont pas des aventuriers. Prince, c'est ça. Ça, c'est pas con. Ça, c'est faux. Bah non, parce qu'il y a ça, c'est une vérité fausse. Donc, du coup, c'est Cho Chang dans les films qui trahit l'armée de Dumbledore. Alors que dans les livres, c'est sa meilleure amie, c'est Marietta Edgecombe. Okay. Qui elle par contre le fait pas sous Veritas Serum, elle le fait sous pression de Dolores Umbridge parce que sa mère travaille au ministère de la magie et que Dolores Umbridge fait pression en lui disant qu'elle va virer sa mère. Seul. Voilà. Et Hermione a eu la douce idée de faire marquer cafard sur la personne qui trahira. Donc elle se retrouve avec cafard marqué sur le front, c'est assez drôle. Yes. Digne d'un serpentard. Alors, cinquième question. Quelles sont les particularités respectives de l'armée de Dumbledore et de la brigade inquisitoriale ? Quoi ? Qu'est-ce que tu appelles les particularités ? Je comprends pas la question. Je vais éclaircir. Explicite. Par rapport aux maisons. Oui, mais tu peux reformuler la question. Ouais. Alors, action, t'es dit. Quelles sont... On m'a demandé de reformuler la question. Ah ouais. Si, bah, je veux bien parce que j'ai rien entendu. Quelles sont les particularités respectives de l'armée de Dumbledore et la brigade inquisitoire? Vas-y du coup, pour notre équipe. Par rapport aux maisons, tu veux dire genre à quelle maison ils appartiennent? C'est ça la question? C'est ça, ouais. Bah globalement, l'armée de Dumbledore, c'est Gryffondor et t'as Ravenclaw aussi. Parce que t'as Luna, tout ça. Et, c'est Serdaigle. On est en France. Oui, Serdaigle. Excuse-moi, c'est bon. Comment tu les appelles les autres? La brigade inquisitoriale. Il y a que des serpentards, il me semble. Ouais. Voilà. Les poussoufs sont neutres. Et les poussoufs sont dans l'armée de Dumbledore. Il y a Ernie McMillan, Anna Abbott, Justin Finch-Fitchley. Trois poussoufs quand même qui sont dans l'armée. Wow, trois sur toute une maison. Représente. Trois cités. Non, il y a Zacharia Smith, pardon, aussi. En fait, quatre sur toute une maison. Il y a les membres de l'équipe de Quidditch. Sept personnes. D'accord. Plus ceux qui sont hors Quidditch. Ouais. Qui sont, Mais au lieu de dire particularité, tu pourrais dire de quelle maison. Oui, mais c'était trop facile, donc je n'aimais pas. Bah, d'accord. Oui. Je vous accorde le point. Merci. J'espère bien. De ta gentillesse. J'avais dit action. Ouais, mais vous avez plein de points, alors ça me désespère. J'ai pas envie de vous gagner. Donc... Yes. On savait que les Mathilde et son ami. Alors, on passe à Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Sixième, du coup. Qui est le prince de Sang-Mêlé? Alors, celle-là, à chaque fois que je la pose à des Potterheads, ils me regardent, ils me font « Quoi ?» Quoi ? Donc, on va voir ce que ça donne. D'accord. Lorsqu'elle était élève, Lily Evans, plus tard dit Lily Potter, offre au professeur Horace Slughorn un animal Quelle est son espèce et son nom? Axio Teddy. Ah, Axio Mathilde. Ah, bon, tu l'as dit en premier. Alors, quelle est son espèce et son... Non. Ah, son nom, je sais plus, mais son espèce, je sais. Alors, c'est un petit poisson. Hein, qui, alors, normalement, c'est une pétale de fleur. Tout se dit, comment il l'avait appelé? C'est trop long. Oui. C'est trop long, il n'y a pas de temps. Elle avait dit qu'il y avait du temps. Effectivement, j'aurais peut-être dû. J'aurais pas le nom. Tu n'as pas le nom. Je peux pas avoir le nom. Dommage, hein. C'est pas Lily ? Eh bien non. Et en plus, je t'ai demandé l'espèce. Un poisson, c'est pas vraiment une espèce. Bah, un poisson rouge. Voilà, merci. Ah oh, mais non, bah là, c'est trop tard. Mais ouais. Mais non, mais... j'avais déjà perdu. J'ai pas donné le nom. Mais voilà. Je savais que c'était un poisson rouge. Mais... C'est un poisson rouge. C'est bien t'es dit admettre ta défaite. Soit de Gryffondor. En pétale de rose, c'est pas ça. En pétale de rose. Non, c'est l'inverse. C'est une pétale de rose qui, quand touche le fond de l'aquarium, se transforme en poisson rouge. Et ce poisson rouge disparaît à la mort de Lily. C'est ah ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça fait un point pour qui? Bah. Francis. Axio. Comment je m'appelle? Ah, je vais regarder la vidéo sur YouTube ce soir. Question. Qui est blessé par le collier ensorcelé destiné au départ à Albus Dumbledore? Oh, mais je sais pas comment elle s'appelle. Oh. Aucune idée de comment elle s'appelle. Ouais, attends, je vais réfléchir. Réfléchissez. Je sais plus. C'est pas la prof. Non, c'est une élève. C'est une élève. Ah, c'est une élève, d'accord. De, je sais plus. Oui, en plus, je connais pas. Je sais pas. Vous connaissez pas du tout? Ah, son répète nom, la question. Non. Qui est blessé par le collier ensorcelé destiné au départ à Albus Dumbledore? Comment ça? Je vais vous donner un indice. Elle est poursuiveuse dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. C'est génial. Ça m'aidera pas. Je connais pas. Je connais pas. Je suis pas calé en sport. Alors, elle traîne avec Angelina Johnson. C'est génial, c'est la capitaine. Oui. Où c'était? C'était, ouais. C'est... Cathy Bell. Ah oui, voilà. Cathy, Cathy Bell, viens là, ma poteau. Qui fait un séjour à Sainte-Mangouste quand même, parce qu'elle a été carrément presque à l'article de la mort. J'essaye de demander les réponses à Mathieu qui nous suit encore, mais impossible, tu vois, vous allez trop vite pour nous. Et bah, c'est bien dommage. Alors, là, ça rigole, relève plutôt des awards, donc des récompenses qu'on accorde au film. Grâce à quel acteur ou quelle actrice Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé remporte-t-il le MTV Movie Awards? Moi, je suis Mathilde, je vais dire un truc au pif. Je sais pas du tout. Je vais dire un truc pour quel, c'est pour le sixième opus Ouais. Ah, c'est, vas-y, Marguerite. Sans mêlée ou la coupe de feu? Non, sans mêlée. Ah, mais attends, elle a dit Action Marguerite, on attend sa réponse maintenant. Bah, c'est Hermione Granger. Enfin, Emma Watson. Attends, elle a dit Action Marguerite. Mais justement, il me semble. J'avais entendu parler. Ou alors, Luna Lovegood, soit Emma Watson, je pense. Je suis pas sûre. Luna Lovegood, ça m'étonnerait. Bah, on attend ta réponse. Bah, j'allais dire Hermione Granger. Bah, je pense aussi Hermione. Elle m'a regardé avec un regard, donc j'ai plus envie de pas répondre en fait. T'as plus envie de pas répondre et je ouais. te confirme qu'il vaudrait mieux pas que tu répondes. Eh ben, je réponds pas alors. Ah, d'accord. Mais étant donné que dans les deux réponses où vous vous hésitiez, ce n'était ni l'un ni l'autre. Oui, ça, moi je pense savoir. Mais... Voilà. C'était, mais je pense que c'était. Ils ont perdu de toute façon. Prof, qui c'est selon toi? Attends, je sais pas si on a le point là, je réponds pas. Oh, mais professeur McGonagall. Pas du tout. Non plus. Est-ce qu'on a le point? Oui, vous avez le point. Ok, vas-y, tu peux y aller. On a dit qu'on donnait pas de réponse au final. C'est une femme, t'as dit? C'est une actrice? Non. J'ai dit quel acteur ou quelle actrice? C'est un acteur. Bah, c'est Rogue. Eh bien, non. C'est Tom Felton. Ah ouais? Acteur de Draco. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'était une actrice, j'aurais dit. On aurait dû s'en douter. Bah oui, hein. Vous auriez dû vous en douter. Bah oui, hein. Ça fait un point pour l'équipe Serre d'Aigle. Saleté de fan. Est-ce que les auditeurs trouvent les réponses en même temps que nous? Ils n'ont pas le temps d'écrire, à mon avis. Je pense qu'ils n'ont pas le temps d'écrire, je suis bien désolée d'ailleurs. Ouais. Non, et puis vu l'heure, la difficulté des questions. C'est assez compliqué, ouais. Il y a encore beaucoup de monde qui nous suit. Il y a des questions qui sont quand même assez simples. Hein. Ah oui? Bah oui. Ouais, c'est clair. Il est 10 minutes 36 en fait. Je cherche lesquelles. Celle que je vais poser là est peut-être un peu moins simple si vous n'avez pas lu les livres. Alors. Ou si vous suivez pas l'actualité Potterhead, parce que ça s'est tombé aussi sur l'actualité Potterhead il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'années. Alors, d'où vient le nom de Prince de Sang-Mêlé et qui le porte? Axio Isma. Bah, c'est Rogue qui le porte. Mais d'où ça vient? Bah, ça vient du fait que t'es une mère sorcière et un père Mobdu, par exemple. Et moi, je te demande d'où vient Prince. Prince? Ah, bah, j'ai pas lu le livre. C'est une moitié mais, de ouais, ta mais réponse. Puis t'as pas demandé d'où vient le mot prince, t'as dit d'où vient le mot de prince sans mêler. Ouais, mais moi voilà. Ce que je voulais, c'est l'explication du surnom entier. Ouais. Bah, donc, ça vient de la royauté, tout simplement. Ça, pas du tout. Vous perdez un point et vous en donnez un. Vous perdez un point, non. Vous donnez un point, pardon. Si, donne, il perd et il donne. On leur vole. Attends, et j'ai donné une moitié de réponse. C'est clair. C'est quoi, oui, mais j'ai pas accordé la moitié de réponse. Alors, est-ce que je peux avoir un prince, point Prince, c'est le nom de jeune fille de sa mère. Prince. C'est trop moche. Et du coup, Half-Blood, donc sans mêlée, parce qu'effectivement, oui, lui est sans mêlée. Et donc, c'est bien Rogue qui porte. Voilà. Cinquième question. Cinquième et dernière question. Grâce à quelle potion Harry réussit-il à récupérer les souvenirs de Slughorn? Axiotelli. Oui. Félix Felicis. Oui. Ouais, je le sais parce que c'est mon famille. Bravo. Voilà, voilà, c'est comme ça, Félix. C'est comme ça qu'on fait. On s'appelle Félix, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il m'en reste 5. C'est 7, 5 par livre. Alors, Harry Potter est la relique de la mort, du coup, maintenant. Ouais. Certes. Lorsque Harry, Hermione et Ron se font attraper par les rafleurs, quel nom Harry se donne-t-il? Axiotelli. Oui. Putain, c'est Dudley. Ah oui, Dudley. Mais encore. Son cousin, Dudley. Non, c'est pas ce nom-là qu'il donne. C'est pas non. Dudley. Non, non, c'est pas Dudley. Il y a Dudley dedans, mais c'est pas ce nom-là en entier. Dudley Nooney. Dudley Nooney, ça aurait été pas mal. Moi, je dis un point parce qu'il a fait rire. Vernon Merci. Dudley. Non. Oui. C'est Vernon Dudley, mais vu que tu me l'as donné après, j'ai pas donné de mauvaise. Mais en fait, c'est vraiment. J'ai pas donné de mauvaise réponse. C'est vraiment le retour des nazis, là. Non, mais sérieux. Putain, j'ai donné. Non, mais de leur donne pas des points, arrête là. Dudley, c'est pas faux. Vernon Dudley, c'est pas faux. Ouais, alors, mais toi, tu allais me dire Dudley dans, non, le, mais... dans le prénom. C'était. Bah, j'ai juste dit Dudley. C'est comme Cho, j'ai pas dit Chang, mais j'ai dit Cho. On est là pour win. Mais j'aime bien parce que nous, Cho, on nous prend pas le point et là, on prendrait le point. C'est moi qui ai dit Cho. Bah. Ouais, grave. Bah, oui, c'est pas logique. C'est pas logique pour ça. Bon, ok, d'accord, j'accorde le point. Ouais. Mais c'est quoi cette connerie? Mais putain, t'as. Mathilde. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu t'es réveillée? Parce que non, j'allais juste le contraire. J'allais juste vous accorder le point. En fait, tu m'as dit, mais non, du coup, c'est pas logique. Mais c'est pas ce que je viens de dire. Bah, si. Elle disait l'inverse. Moi, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Non, non, j'accorde les. Bah, oui. Je voulais d'abord accorder à l'équipe bas. Bah, ouais, mais attends, j'ai trouvé la bonne réponse en fait. Non, bah, ouais. Tu m'as pas donné la réponse en entier. Bah, si. Non, donne non, mais c'est donc, qui a eu un point du coup? Bas. Merci. Bon. Alors, Axiobar. Lors de la bataille des 7 Potter, un mage mort parvient à identifier le véritable Harry. Comment s'y prend-il? La bataille des 7 Potter. Axiotelli. Ah, si. Attends, je vais juste. La bataille des 7 Potter, c'est là où. Ah, mais c'est quoi le sort qu'il fait? C'est là où ils prennent tous du polynectar pour ressembler à Harry. Axiotelli. C'est dans le parti. À cause d'Edwidge. Pas du tout. Non. Quoi? C'est un point pour l'équipe. Bah. C'est pas genre parce que. Bah si, dans les films, c'est Edwidge. En gros, qui retire tous les sorts qu'ils ont fait, c'est pas ça? Non. En fait, c'est dans les livres. C'est pas. Non, c'est pas dans les livres. C'est dans les films. Ça se passe aussi. Dans les films, c'est à cause d'Edwidge. Un Expelliarmus. Et ça chouette le protège. Ça chouette le protège. C'est mais à cause d'Edwidge. Expelliarmus, c'est la signature d'Harry Potter. C'est la signature d'Harry Potter. Tout le monde peut lancer Expelliarmus. Oui, mais personne ne lance Expelliarmus contre un Avada Kedavra. Je suis pas d'accord avec toi parce que dans le film, ils l'expliquent après. Ils disent. Comment dire? Ouais, qu'est-ce qui t'a trahi? Ouais, voilà. Ouais, c'est Edwidge, elle m'a protégé et c'est comme ça qu'elle meurt d'ailleurs. Ouais. Oui, elle meurt comme ça parce qu'elle se prend un Avada Kedavra, mais après. C'est ça. Ouais, mais justement. Parce que, en fait. C'est la chouette qui l'a trahi. C'est, je suis désolé. Enfin, quand Voldemort arrive, ils savent déjà que c'est Harry. Edwidge, oui. Parce que Edwidge tournait autour. Non. Non, pas du tout. Pas c'est du parce tout. Que Harry Potter et Harry Voldemort Potter sont connectés. C'est non, juste non, c'est pas ça. Non. Harry Potter a lancé un Expelliarmus à un des Mangemorts pour le désarmer. Mangemort qui a sonné l'alerte en disant. Voici où est le véritable Harry Potter. Voldemort qui se précipite sur Harry Potter, qui lance un Avada Kedavra. C'est pas ce qu'ils disent après. Et Edwidge qui s'interpose pour. Bon, il faudrait que je les revoie parce que je m'en souviens pas comme ça. Mais c'est, ouais, mais c'est pas ce qu'ils disent. Bon, tant pis, allez, on avance. Quand il débrief. Avançons, avançons. Alors. Rageux. Ouais, mais c'est serpentin, c'est pour ça. Je suis perdu dans mes questions. Ah oui. Eh ben, on continue sur la bataille des 7 Potter. Cool. Combien il y a de membres dans le camp de l'ordre du Phénix? Comment? Attends, dans l'ancien ordre du Phénix ou... Non, non. Alors, laissez-la répéter la question. Des 7 Potter, y a on compte tout le monde. Voilà, combien de membres y a-t-il dans l'ordre du Phénix? Est-ce qu'on peut faire à 5 près ou pas? Non. Non, faut que ce soit absolument. C'est logique. Chiffre, Axio Ismaël. Oui. 8. Non. Pourquoi c'est pas avancé. Je vous ai dit, c'est logique. Il y a 7 Potter et chacun est accompagné. 14. Voilà. Chacun est en compagnie. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en double. Ils sont en double. C'est plus leur point de logique. Ça va, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, ouais. J'ai pas compris. Alors, la logique. La logique, c'est qu'ils sont en binôme. Il y a 7 personnes qui prennent l'apparence de Harry. Donc 7 x 2, ça fait 14. Ouais, mais ils sont peut-être pas tous des membres de l'Ordre Phénix. Non, mais je te dis dans le camp. J'ai pas dit dans le membre. Ah, d'accord. Sinon, il est en train de chercher les membres, justement. Alors, qui dirige la résistance à Poudlard après le départ du trio de Poudlard? Axio Ismaël. Enfin, vas-y, Mathilde. Oh. Allez-y. Attends, est-ce qu'on peut se concerter ou pas? Oui, non. Oui, mais ils ont dit Axio. Neville Londuba. Oui. J'accepte. Ils sont deux. Il y a Ginny Weasley et Neville Londuba. Oui. Et effectivement, c'est Neville qui prend vraiment la relève. Moi, je dis, c'est un point pour nous, hein, parce qu'ils se concertent après avoir dit Axio, c'est vraiment facile. Ouais, on l'a loupé. De toute manière, ils ont perdu. Alors, attention, dernière, ultime question. À la fin de la saga, le trio est sur le quai accompagnant leurs descendants. Hein ? Ah oui, leurs enfants, sur la vie, ouais, leurs enfants, pardon, sur la voie 9¾, je devais être bourré, j'ai marqué leur descendre sur la vie 9¾, ça veut rien dire. Et donc, combien de temps s'est-il écoulé depuis la bataille de Poudlard ? Axio Ismaël. Mais laissez-la finir, c'est mais non. Alors, si on est logique, normalement, c'est 10 ans. Faux. Ouais, c'est 19 ans. C'est 19 ans. Normalement. Ah putain, mais oui, c'est vrai qu'ils ont deux enfants avant le dernier. Oui. Moi, j'ai pensé 10 ans avec le dernier, mais j'ai oublié qu'il y avait les deux autres avant. En plus, c'est pas logique, parce que ton truc, parce qu'ils prennent à 11 ans, pas à 10. Allez, c'est bon, c'est fini l'émission. Au revoir. Bon, alors là, c'est une victoire pas si écrasante que ça, je compte les points. Ouais, mais ils ont donné beaucoup de points à l'équipe. Franchement, t'as pas besoin de compter les points, c'est bon. On a compris l'idée. Moi, je dis, les bas, ils méritent pas autant de points que ça. On est quand même 18 pour Serdaigle et 11 pour Bas, c'est pas une victoire si écrasante. Ça va, ça va, on s'est défendu. Mais on vous écrase. Je suis pas d'accord, il y a plusieurs points, une nouvelle nouvelle. On vous écrase, plus bactère. Yaelen, en fait, t'es un serpentard, ça s'entend. Ah, tellement. Et t'es dit, je te sens aussi, t'es... Tu prends vous avez été corrompu. J'ai la rage de vaincre. Tu sais que pour le test, je suis Serdaigle, ensuite je suis Poufsouffle, Serpentard et Gryffondor. Ah ouais, ouais. Bah, moi pour le test, je suis. Serpentard, nazi, Serpentard. Non, j'ai refait le test. Troisième Reich. J'ai été carrément surprise parce qu'en fait, je suis. Gryffondor. 92% Serpentard et tout le reste c'est dans les 20%, je suis deg. Voilà. J'ai pas compris. C'est pas grave. Waouh. C'est quoi ton test? Mais on verra ça après l'émission. C'est le go-to quiz. Sinon, vous avez celui genre sur. Donc, merci pour cette. Merci à tous d'avoir écouté. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, passe plat. Passe plat. Vos gueules, merci. Je vais pouvoir terminer mon émission en solo. Non, je plaisante. Du coup, c'est une victoire des Serdaigle sur l'équipe je sais plus comment bas. Mais ça on s'en fout un peu. Parce qu'il n'y avait rien à gagner, il n'y avait pas d'enjeu, juste à part vous mettre la misère. Rien que ça. Voilà. Mais bon, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée. Et que vous avez fait une bonne émission. Oui, grave. Ouais. C'était super. Je sais pas si on a fait une bonne émission, c'est les auditeurs qui vont nous le dire. Moi, mais je sais qu'ils ont pas aimé Teddy. Moi, je suis sûr qu'ils m'ont aimé parce qu'ils reviennent toujours dans Peck Avenger. Et d'ailleurs, je vous invite à nous écouter jeudi prochain, de 21h à 23h. Ça sera une émission spéciale sur le Culture Day qui va se passer dimanche. On va enregistrer pas mal. Exactement. On va enregistrer pas mal d'interviews et tout ça. Et on fera une émission, nous, en direct avec les experts. On a Aromatique qui nous dit c'était super sympa. Merci Mathieu. Mathieu, on fait des big ups. Et puis, si tu veux. Bogus Mathieu, t'es gaulle. C'est super sympa. La porte d'Indestar. Quoi? La porte d'Indestar t'es ouverte, Mathieu, si tu veux passer. Et un jour, tu viendras dormir chez moi, évidemment. Voilà, comme ça. Parce que t'es d'où, Mathieu? Il est de vers Brive, pas très loin de Brive, la Gaillarde. Merci, Mathieu. C'est où? C'est dans le sud-ouest, plutôt. Ah, t'es un gars du sud? Ah, non, mais. C'était accent marseillais, ouais, c'est un gars du sud. C'est un gars il du sud. Non, c'est un gars du 7-7, mais qui est descendu dans le sud. Oh, bah, c'est un parisien? Ouais. Oh, putain, non, viens pas. Non, c'est pas. Elle est bien, un peu de respect. Je suis née à Étampes. Un peu de respect, voilà. Ah, c'est pour ça qu'on te déteste. C'est pour ça que t'es serpentard. Non. C'est pour ça qu'après, elle est émigrée vers le nord. C'est ça. Il est très cool, et puis merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est super cool. C'est clair. Ouais, tu es notre plus grand fan maintenant. Tu as une responsabilité. Tu es le fan incontournable. Tous les jeudis maintenant. Tu es ambassadeur. Et voilà. Si vous voulez lui faire gagner des cadeaux, il n'y a pas de problème. Hein, la prochaine fois. Je crois que Teddy veut lui faire gagner mes fesses, mais bon. Ouais. Il nous reste plus que ça en stock. Hein. On n'a plus que ça à vendre. Voilà. Non, mais c'était une chouette émission. Donc on se retrouve jeudi prochain. Chouette, Edwige. Oh putain. Non, elle était trop bien. C'est carrément cool qu'on ait pas le rire de Voldemort. Ah ouais, non, mais là. On a pas tout. On a un rire, mais c'est pas de Voldemort. Ah ouais, non, c'est bon. Ok, termine, okay. On termine là. C'est notre Voldemort à nous. Il est dans Actu Solite le lundi. Bon, allez, vas-y, c'est pour le plaisir. Mais non, mais je l'ai pas. Mais je vois même pas lequel c'est. Tu vois pas lequel c'est? Celui d'Henri. Ok, vas-y, Jolan. Un petit rire et ça sera la fin. Voilà. Vous écoutez bien? Ça vient de Voldemort d'Actu Solite le lundi de 21h à 23h. Mais avant, il y a Starter de 20h30 à 21h. Après, j'ai vu de la lumière de Clément que vous connaissez de 21h à 23h. J'oublie quoi? Rien. Tout est bon. Si, enrôlé dans la folie aussi. Voilà. En fait, c'était rire de Voldemort. Je préfère mon Voldemort quand même. Est-ce que je peux juste en placer? Est-ce que je peux juste passer une petite info? Oui, vas-y. En fait, il y a un festival qui va avoir lieu le 4 avril, si je dis pas de bêtises, oui. Dans le 36. Alors, pour plus d'informations, allez sur la page Facebook. Alors, attends, un festival, Rouge, mais sur quoi? De musique, pardon. De musique, et vous pourrez retrouver Decibel Fusion. Là-bas? Le groupe qu'on a écouté tout à l'heure. Ah, bah oui. Là-bas, sur place, dans le 36, pas très loin d'ici. On a écouté. Regardez sur la page de Moulin Rouge. Maison Rouge, pardon. Moulin sur Facebook. Rouge. Non, Maison Rouge. Alors, ils vont se vous prendre Moulin vous Rouge. Avec moi ce soir. Maison Rouge sur la page Facebook. Mais d'ailleurs, ça me fait penser. Là, on va écouter leur titre. On va écouter. Non? On peut pas? Pourquoi? Je sais pas, il y a une couille dans le pâté. Ah, il y a une couille dans le pâté. Et c'est du pâté des nouilles. Comment ça, ça marche pas, des si belles fusions? Allez, Anguille Sourache. En prenant la bonne souris, ça peut peut-être marcher. En tout cas, normalement, vous devrez le réentendre dans l'émission. C'est ça. Puis au pire, vous pouvez écouter le podcast qui va durer presque 4 heures pour le coup. Ouais. Ouais. Bah, je t'ai dit que on a été bon, du double. On a été performant. Ouais. Non, mais je crois que. Comme quoi, on va aller se coucher maintenant. On va aller se coucher. Faire dodo. Parce qu'il y en a concours demain. C'est ça. Ça va, on commence par faire dodo. 4 heures quand on aime, ça. Il y en a qui sont encore à la fac. Non, ils sont à l'école. Ça marche pas? Bah, c'est d'accord. Pas grave. C'est pas grave, on verra la semaine prochaine. De toute façon, Decibel Fusion va sans doute faire partie de la programmation maintenant ouais, des Nestars. Bah on va les mettre dans le frigo, cool. Comme on appelle ça, et on les mettra. Enfin, je me comprends, c'est un terme que Théo utilise. Et alors, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y aura des nouveaux titres prochainement et je vous les ferai parvenir en exclusivité du coup. Parce que bah ouais, vous êtes. Voilà. Oli Charles. Si vous voulez écouter du Decibel Fusion, et ben écoutez-les sur Indestar. C'est qui ça? Voilà. Mathieu qui dit Oli Charles. On vous fait des bisous. On okay, fait des bisous. Bonne et Mathieu. On bonne écoute Lindsay Sterling, Starship. Oh yeah, quoi génial. Des bisous et bonne nuit à vous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.